Allez, c'est fini pour ce soir. On va se retrouver dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. Et fin du week-end. Là, vous allez finir avec Mickaël et No Limit. Bonsoir, oui, Mickaël. Bah, attends, j'appelle No Limit. Est-ce qu'il peut venir Oui. Ah, il est là, très bien. Et voici Limit. Non, c'est limité. C'est limité. Mais totalement limité. Bon, ça va bien? Ça va bien, et vous? Le week-end fut bon? Excellent, excellent. On a même bossé. Oui, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes là, c'est lundi. On est là un jour férié, t'imagines? Mais c'est parce que c'est qu'on payer quadruple pour vous, non? Non, les choses changent maintenant. Waouh! Et encore plus drôle, Karima a fait le ménage tout à l'heure. Oui, elle a crié! Attends, à peine arrivé à la radio, j'étais de corvée de ménage. Hein, direct, hein, j'ai pas eu le choix. Parce qu'avec Karima, c'est pas les toilettes de printemps, c'est d'hiver. Non. Et tu me fais tes poubelles. Non, mais il y a que des garçons dans mon bureau, alors je souffrais. Ouais, voilà. T'as pas vu le bureau de Mickaël? Non, et bah non, arrêtez. Il est hyper bien rangé, son bureau. C'est pour ça que j'étais jalouse. Il est neuf, c'est bon. Oui, il peut être bien rangé, le truc. Il est très très bien. Et Karima, elle est là depuis 3 jours. Vous avez vu dans mon bureau. Oui, bah oui. Non, mais c'était parce qu'il y avait trop de poussière. Enfin, bref, oui, arrêtez. Comprends. T'as raison, Karima. Voilà. Mais bon, je tiens à dire que Karel m'a aidé. De force, certes, merci, mais m'a aidé. Merci. Oui, c'est ça. Elle avait un fouet derrière. Et tu sais quoi, elle a voulu que je jette mon livre de la Bretagne. Dégueulasse. J'ai jamais dit ça. Si, tu voulais que je le jette. Je l'ai bien vu dans ton regard, Karima. Non, en revanche, bon, je dirais pas ce que j'ai trouvé, mais voilà. J'ai trouvé des trucs chelous, moi, dans le Des préservatifs. Oh, si seulement c'était ça. Ah bah, y a plein de trucs dans notre bureau. Ah, oui. Je vais essayer de les donner à Sandro du côté chez Mickaël. Vous allez voir, ça va faire plaisir. On fera une OP spéciale. Les auditeurs pourront gagner, comme dans les magasins, tu vois, 2 minutes où ils pourront prendre ce qu'ils veulent dans le bureau. Exactement. Sans problème, quand vous voulez. Il n'y a plus grand chose chez nous. Il y a pas de merde à prendre. Ouais. Bon, très bien. Bon, bonne soirée à vous et puis on regarde. Salut Mickaël. Ciao. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Exact. Bonsoir tout le monde. Et oui, c'est férié. C'est férié, vous êtes tous en congé, et bien tant mieux, mais pas nous. Voilà, on est là pour faire une émission de folie avec toute l'équipe qui est là comme d'habitude. Moi c'est Mickaël, l'émission c'est Mickaël No Limit comme chaque soir, vous connaissez le principe. On est avec vous du lundi au jeudi, 23h, 2h, et puis le dimanche de 20h à minuit, ça c'était hier en l'occurrence. Et pour venir dire ce que vous voulez à l'antenne, et bien il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0, puis vous arriverez au standard comme Maëva qui est avec nous. Bonsoir Maëva. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Bah oui, ça va, tranquille, Maëva, là, t'appelles de Bordeaux, toi, qu'est-ce qui t'amène? Voilà. Ben rien, je voulais participer à l'émission avec le standard, donc voilà. Avec le standard. Ah, bon. T'as rien à faire ta soirée, tu veux rester squatté dans le standard, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Bon, écoute, d'accord, ok, très bien, Maëva, 18 ans de Bordeaux, alors pas de soucis, Maëva, il n'y a pas de problème. Bon, et bien on aura aussi Marcia avec nous, là. Bonsoir, Marcia. Bonsoir. Bonsoir Marcia, comment ça va? Ça va bien, je suis un peu choquée, mais ça va arriver. Choquée? Pourquoi, Xia? Ah, t'as vu la gueule de Toff? T'as vu, ça vomit. Ah, c'est une horreur. Et moi-même, tous les jours, à chaque fois que j'arrive à la radio, c'est oh. J'en ai peur. Bon, mais t'es choquée, pourquoi? Non, mais ça fait bizarre de passer à la radio. Je crois que c'était pas mon idée, mais apparemment. Mais pourquoi ça fait bizarre? Parce que tu es en kiff sur ma voix. C'est ça, Marcia? Non, pas du tout. Je sais, moi-même parfois le matin quand je me dis bonjour Mickaël, je me dis waouh. Tu trembles. Oui, je tremble en entendant ma propre voix. Dès qu'il ouvre la porte de la salle de bain, qu'il se voit dans le miroir. Bah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, Marcia, écoute, reste avec nous, on va parler avec toi dans quelques minutes. Bonne fête également à Sandro. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas la fête Sandro, hein, c'est pas la Saint-Sandro ni rien du tout. Mais en Chine, le 11 novembre, c'est la journée des célibataires. Merci. Avec plaisir. Donc si vous aussi vous êtes seul ou que vous avez envie de trouver quelqu'un, appelez Sandro. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4 fois. On va essayer de vous trouver un mec ou une meuf ce soir. Hein. Ah bah oui, pourquoi pas. On va essayer de faire des speed dating, voilà. Et puis tant qu'on parle des Chinois, là, Toff, tu sais que tu peux, ton père, pardon, pourrait faire un procès à ta mère en Chine. Ah bon, pourquoi? C'est vrai. Véridique. Un enfant moche. Véridique. Ouais, il y a un mec qui fait un procès à sa femme parce que l'enfant qu'elle lui a donné, il est moche. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, exactement. Ouais. Mais bon, t'inquiète pas, hein, tes amis seront là pour certainement te réconforter comme d'habitude. Ah, ferme ta gueule. Ah bah oui. Va te enculer, gros connard. Voilà, tous des gens qui sont là pour t'aider. Ben, une patrouille, ça veut dire que vous allez vous faire enculer. Voilà, tout simplement. Voilà, quoi. Va te faire enculer et ça ira bien. Et ben voilà. Donc ma mère va encore être contente. Tous tes amis sont là pour t'aider et c'est le principal. Bon, et puis Polo lui aussi, hein, qui est à la recherche toujours de l'âme sœur avec Elodie, Cécile, Nina, Charline, Pauline, Perrine, Praline, Terrine et toutes les meufs qui ont un prénom qui se termine pas en Parkin, en fait. Bon, et puis pour les séduire, il a l'arme ultime. Le pipeau. Voilà. Est-ce que tu as été séduite par le pipeau, là, Marcia? Allez, Marcia. Pas trop. Ah, c'est bizarre. Je comprends pas. Est-ce que le pipeau ferait moins d'effet qu'avant? Parce qu'il a un problème d'aigu. Bah oui, ouais, ça doit être ça. Par contre, je suis un peu triste parce que plus ça avance, moins la coupe de Toff est ridicule et ça me. Ouais, parce que Karima m'a vu tout à l'heure, elle m'a dit c'est top. Ouais, non, mais c'est parce qu'elle est gentille, qu'elle est posée, c'est pour ça. Mais allez voir, on a mis la photo de Toff hier, hein, la photo sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de la nouvelle coupe de Toff. C'est le balai à chiottes. C'est pas nous qui avons inventé cette expression ni ça. C'est les auditeurs qui ont vu la photo qui ont dit oh, Toff, la nouvelle coupe de cheveux, on dirait un balai à chiottes. Voilà. Donc allez voir si vous n'étiez pas avec nous hier entre 20h et minuit, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis comme tous les soirs, on lira tous vos messages, évidemment, sur le Twitter, le Facebook, on suivra l'évolution du top tweetos. Et pour rejoindre le top 5 des auditeurs les plus influents sur Twitter, il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Mikael. Et puis à la fin de l'émission, on relèvera les compteurs et on vous donnera le top 5 des auditeurs les plus actifs ce soir sur le Twitter de l'émission. Donc allez-y, en masse, balancez. Il y a déjà plein de messages sont arrivés. Il y a le prince Elia qui dit aussi Mickaël me suit, son follow par derrière, je m'en souviendrai. Sandro me suit, Polo Fun Radio me suit également au paradis. Oh, c'est bien, oh, c'est mignon. Bonne fête aux célibataires. Quant à moi, je suis pas seul, je suis juste pas accompagné. Oui, il faut dire ça comme ça. Et Sarah qui dit youpi, je t'entends. Ah bah voilà, oui, Sarah avec qui je discutais hier, hein, qui est à Bruxelles et qui se posait plein de questions. Ouais, mais comment, à quelle heure, vous démarrez comment, sur mon téléphone, je peux vous écouter comment. Donc voilà, bah très bien, voilà, comme ça au moins Sarah, tu es avec nous, c'est le principal. Jennifer aussi qui dit bonjour tout le monde. Clem qui nous salue, Dédé qui dit je ne sais pas comment fait Mickaël pour supporter la tronche de balai à chiottes alias Toff. Oui, bah écoute, en même temps il est pas face à moi, tu veux, donc on est plutôt tranquille à ce niveau-là. Il a une vue de profil qui est plus supportable. Qui est moins pire, on va dire, ouais, c'est plutôt ça. Est-ce qu'il y a un son que tu kiffes en particulier, Martial, actuellement? Pardon? Est-ce qu'il y a un son que tu kiffes en particulier là actuellement, non? Par exemple ça. Le son de Global DJs avec Kids. Ou alors le son de Pitbull. Donc ça t'aime pas? Non. Non, d'accord. Pitbull. Aïkesha. Non, d'accord, ok, t'es pas relou comme meuf. Jessica Sanchez. Non. Mais de Rihanna, peut-être. Ah, Rihanna, oui, ça je peux faire. Ouais, bah Rihanna le nouveau par exemple. Celui-là. Ouais, bon, très bien. C'est moi, je veux pas te forcer, Marcia. Et toi, Maëva, il y en a en particulier que t'aimes bien ou pas? Oui, moi j'aime bien comment le son de Lord. Le son de Lord. Est-ce que tu peux me donner plus d'infos? Comment? Tu peux me donner plus d'infos? Le titre c'est Royals, comme ça, R-O-Y-A-L-S. R-O-Y-A-L-S. Bon, attends, on va regarder là parce que je l'ai pas sous la main. Mais on va checker ça dans quelques minutes, ne bouge pas. Et Marcia, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? En fait, je souhaite récupérer mon ex-fiancé. Ben pourquoi tu veux le récupérer? Il t'a viré? Non, c'est moi qui l'ai viré de la maison. Ah bah voilà, je vous présente une meuf. Je veux plus. J'en veux un autre. Oui, j'en veux un autre. Ah bah finalement l'ancien était bien. Non, mais j'ai déjà pris, mais c'est pas grave, bah je veux quand même. Bon, tu veux récupérer un mec que t'as viré, donc c'est très bien. Tu vas nous expliquer dans quelques minutes en détail ce qu'il s'est passé, pourquoi tu peux pas le récupérer. Ne bouge pas, Marcia. Et nous allons prendre Jérémy également avec nous ce soir. Salut Jérém. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah tranquille, ouais. Et bonne nouvelle aussi, on est au cœur d'une heure sans pub. Donc ça c'est tranquille, on est bien, pas de pub, pépère, à la cool. Vous venez prendre le contrôle de fun, on est là jusqu'à 2h du mat. Avec des cadeaux aussi, tiens justement tu vas jouer pour les cadeaux. Il y a notamment ce soir des Nintendo 3DS XL que j'ai à vous offrir dans la colle. Et puis on aura un skateboard électrique tout à l'heure à choper peut-être. On peut le garder. Non mais on en a plusieurs, on en a trois. Celui-là on va vous l'offrir, celui qu'on est en train de tester. Hein. Bon il sera un peu abîmé mais voilà. Il aura vécu quoi. Mais il aura vécu quelque chose. Bon, donc le chéri, je peux te faire cocu tout à l'heure avant minuit 30. Si vous voulez participer, on appelle votre copain ou votre copine et vous lui faites croire que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous voulez coucher juste une seule fois, un one shot, et vous lui demandez la permission. Voilà, s'il s'énerve et qu'il pète un plomb, et ben vous gagnerez le cadeau et appelez Sandro maintenant 01 42 48 5000. Bon, Jérémy, alors toi t'appelles de Sarcelles et on va faire la colle ensemble, Jérémy, c'est ça? C'est ça. Bon, et ben c'est parti pour la colle. Allez, c'est parti, je rappelle que tu vas poser ta colle maintenant. Celui ou celle qui a la bonne réponse et qui décroche quand on l'appelle repartira avec la Nintendo 3DS XL. On t'écoute. D'accord, alors la colle c'est: j'ai des écailles mais je ne suis pas un poisson. J'ai une couronne mais je ne suis pas un roi. Qui suis-je? Alors répète. J'ai des écailles mais je ne suis pas un poisson. Ouais. J'ai une couronne mais je ne suis pas un roi. Qui suis-je? Très bien, bon, si vous avez la bonne réponse, la 3DS XL a gagné de chez Nintendo, c'est la console qu'on vous offre ce soir. Je répète, j'ai des écailles mais je ne suis pas un poisson, j'ai une couronne mais je ne suis pas un roi. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS. Ça se passe au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous donner rendez-vous sur le Facebook pour lire la colle que je viens de vous poster. Vous pouvez aller voir ça sur le Facebook et répondre également facebook.com/M-I-K-L officiel. Jérémy, tu restes avec nous. On donne la réponse avant minuit 30, d'accord? Ok. Très bien, bah, ne bouge pas de là, Jérémy. Et puis bah, Martial qui est toujours avec nous, qui va nous expliquer dans quelques minutes, bah, qu'elle a merdé avec son ex, là, elle l'a viré, maintenant elle veut récupérer, lui veut pas. Grosso modo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bien, bon, écoute, on va voir si ça vaut la peine de récupérer ton ex ou pas. Hein. Et on peut faire un tour avant ou pas? On peut faire un tour avant si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, non, mais... parce que je vais l'acheter, je voulais savoir si c'est une bonne affaire ou bah, pas. Non, tiens. Mais c'est ça, comme ça après je vais faire un tour pendant la pub, quoi. Bah, c'est pour ça, mais il n'y a pas de pub, mais c'est surtout pour savoir si ça vaut la peine qu'elle retourne avec son ex ou pas, quoi. Voilà, alors Marcia, combien mesures-tu? 1m75. Combien pèse-tu? Ah oui, 1m75. Ah oui. J'aime bien. Ouais, moi j'adore avec des talons et tout ça. Mais généralement les hommes m'aiment bien, ouais. Ouais, ouais. Donc combien pèses-tu? 55. Ah, il faut manger maintenant par contre. Hein. C'est parfait, c'est bien fin, on voit les côtes, le cul est bien rebondi, je la baise. Alors quel est ton tour de poitrine? 95. Combien? 95C. On en déduit que c'est pas les tiens. Pourquoi? Parce que ce poids-là, cette taille-là... Non, t'es con, quoi, justement. C'est la réalité, je suis désolée, tu demanderas à mon ex quand tu l'auras au téléphone. D'accord. Très bien. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 36. Oui, effectivement, nous sommes plutôt d'accord à ce niveau-là, Marcia. Mais je pense que tu récupéreras ton ex sans trop de problèmes avec un physique pareil. Non, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Je pense qu'il est temps que tu passes à autre chose. En plus, plutôt, c'est pas loin, je t'emmène faire un tour. Bah arrête, t'as vu ta tête? Non. Mais elle a peut-être besoin d'un truc pour déboucher les chiottes, là. Oui, bah oui, un balai à chiottes, c'est comme la tête de Toff, la nouvelle coupe. Bon, bah écoute, Marcia, on va parler avec toi. Plutôt brune ou blonde? Je suis brune. Brune, et les yeux bleus, vert, noir, vert. Brun. J'ai les yeux marrons. Les yeux marrons, très bien, voilà, comme ça vous voyez, vous pouvez visualiser Marcia que nous allons récupérer. Je visualise bien, je suis super excité. Que nous allons récupérer dans quelques minutes. Marcia, reste avec nous. Maëva qu'on va prendre dans quelques minutes également. Et on va essayer d'appeler l'ex aussi dans quelques instants. Ne bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue à tout le monde. Tous ceux qui viennent de débarquer sur le Facebook, sur le Twitter, il y a de plus en plus de monde, donc prévenez tous les gens également. Ajoutez-moi sur le Twitter hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Vous ajoutez simplement M-I-K-L underscore officiel. Underscore, c'est le petit tiré en bas. Donc n'hésitez pas. Comme Just You qui vient juste de débarquer à l'instant là. Donc Adeline également, DJ Roms, Mickaël. Il y a Ellie aussi. Il y a Isa qui vient d'arriver, qui dit 24 phrases que les célibataires ont marre d'entendre. Très bien, bon, on va les lire dans quelques minutes. Donc continuez, ajoutez-nous Facebook, Twitter et Instagram. Vous tapez M-I-K-L underscore officiel sur Twitter. Et puis bah moi je vous follow également. Je vous suis si vous me suivez. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous attends avec impatience. Et puis comme promis, eh ben le son maintenant au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio avec Global DJs et Kids. Jordan qui dit je vous adore, vous comptez trop à nos yeux, c'est gentil Jordan. Elio qui dit ressortir avec son ex, c'est comme ravaler son vomi. Merci pour cette magnifique phrase. C'était glamour. On reprend Maricia dans un instant, bougez pas. Au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, c'est Global DJs. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct avec le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Hein. Si vous avez envie de participer ce soir, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. N'hésitez pas. Retour avec Marcia qui va nous expliquer plus en détail le problème avec son mec, enfin son ex en l'occurrence, qu'elle a foutu dehors. Marcia, est-ce que tu es de retour, ma belle? Oui, je suis là. Très bien. Bon, alors Marcia, explique-moi pourquoi, donc juste avant le Global DJ, tu nous expliquais que t'avais viré ton mec et que tu voulais le récupérer aujourd'hui, c'est ça? Ouais, exact. De ce fait, plein de messages sont arrivés, hein, notamment Erwan qui dit ressortir avec son ex, c'est comme la prison, si t'y retournes, c'est que t'as rien compris. C'est lui qui a rien compris. Bah alors explique, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as foutu dehors? Bah en fait, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Ça faisait genre un an qu'on habitait ensemble. Et juste parce que monsieur voulait sortir genre pendant les vacances et que voilà, moi j'étais je voulais pas trop. Et juste pendant une semaine, juste parce que je l'ai pas vu et que je me sens bon avec lui, j'ai balancé son PC, sa clé, toutes ses affaires, enfin tout à la poubelle. Non mais t'es sérieuse avec ça? Donc ça oui, veut dire... Attends, pour résumer, donc t'es en train de me dire que parce que lui avait envie de sortir et pas toi pendant une semaine, pour te venger, t'as tout foutu à la poubelle? Mais t'es pas sérieuse. La relation comprise. Oui, la relation comprise, ouais. Mais vous... Et là, ma bague de fiançailles comprise. Oh là. Quoi ? Mais c'est une ouf, elle avait... T'as acheté combien ? La prochaine fois, appelle-nous, hein, on viendra laisser tes poubelles. Hein. Ah oui, tu nous appelles quand tu foutais la poubelle, nous on passe. En plus, t'es pas loin de la radio, donc tu peux te dire qu'on arrive, hein. J'arrive. Ah bah ouais, toi tu viens avec l'auto libre là et puis on l'a rempli hein. Et attends, et en plus j'aurais pu récupérer la bague, la filer à une meuf en lui faisant. Non, moi je veux croire à Monts et Merveilles. C'est grave. Comme d'habitude, ouais. Ouais. Bon, et c'était il y a combien de temps ça? C'était au mois de juillet. Au mois de juillet, d'accord. Parce que, enfin moi je suis à sa place là, franchement, aussi bonne que t'es. Je t'aurais dit, va te faire en... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce qu'il a fait. Il m'a dit aussi bonne que t'es. Ah bah non, mais vraiment, attends, c'est normal. C'est-à-dire que tu... Attends, encore tu lui fais une scène, encore tu l'engueules, vous vous disputez. Je sais rien, moi, tu t'avais un rendez-vous avec lui, t'annules en dernière minute pour le faire chier, ok. Mais de là, non, mais tout balancer la poubelle. Pas ça. Le pire, c'est même pas ça. Hein. C'est quoi? C'est que je m'en veux parce qu'une semaine après, donc je suis partie le voir à son taf, il m'invite à manger, il me fait l'amour comme une déesse, et il me dit... Mais pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et je ne sais pas, je regrette, franchement je regrette. Et donc là ça fait 2 semaines et demie, ou peut-être 3 semaines qu'il part avec une autre meuf, sachant qu'on est tout le temps en contact. La dernière fois qu'on l'a fait, sachant que voilà, on n'était plus forcément ensemble, c'était au mois de septembre. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était genre il y a 2 semaines, j'ai encore fait la folle. Et j'en ai marre d'être folle et j'ai envie de prouver que je l'aime. Ah, mais alors il faut aller voir un psy, hein, ma chérie. Hein. C'est pas possible. Non mais franchement là, franchement, je me suis calmée, j'ai compris. Merci. Si Marcia, installe-toi sur mon canapé, allonge-toi. Oui. Nous allons parler ensemble, Marcia. Que se passe-t-il dans ta tête? Combien de personnes êtes-vous? Hein, vous êtes combien actuellement? Hein, qui est avec toi actuellement là, dans ta tête? Là, moi-même, que moi-même. Ah, il n'y a que toi, très et bien. Quand t'es en crise. Oui, combien de personnes il y a d'habitude quand c'est embouteillé? Hein? Vous êtes combien? 3, 4, 5, 6? Non mais des fois c'est vrai que je suis un peu tarée dans ma tête et là j'ai plus envie en fait. Attends, est-ce que t'as le kit main libre ou le haut-parleur là? Oui, j'ai mis un haut-parleur. Ah bah si tu peux l'enlever parce que ça fait tadadadadadad, c'est une horreur. Ah pardon, alors voilà. Très bien, voilà. Alors, et hop, un coup de pelle parce que Sandro t'a dit hors antenne de pas mettre le haut-parleur. Merci Mike. Voilà, pardon, je t'en prie, je l'ai entendu en plus. Bon, et donc du coup, tu veux le récupérer. Ok, bah ça va pas être chose facile, hein, je te le dis direct. Tu ferais quoi toi, Maïva, ça t'arrivait toi? Bah c'est drôle parce que je me retrouve beaucoup en elle en fait. Putain. Non, mais... alors ok, toutes les auditrices de fun sont bonnes mais elles sont toutes dingues. Parfait. Non, mais... Je pense que tu as parlé un peu vite, Maïva. Combien mesures-tu? C'est vrai. Alors moi je mesure 1m62. Ouais. Combien pèses-tu? Comment? Combien pèses-tu? 45 kilos. Il faut manger, Maïva. J'ai pas compris. Je dis, il faut manger. Non mais ça on s'en fout. Mais ton tour de poitrine. Non, ça va. Mon tour de poitrine c'est 85C. Vous êtes un imbécile. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Ah ouais. Je reste. J'ai une surprise pour vous. Je reste sans voix. Quoi? Est-ce que j'ai la photo de Maëva? Non. Quoi? Vas-y, montre. Arrêtez. Je veux un cadeau. Bon, Sandro, montre à moi. Montre à moi. Déjà parce que je t'ai sauvé de Polo tout à l'heure qui voulait te baiser. Oui, c'est vrai, tu l'auras, toi. C'est vrai, voilà, comme ça. Donc tu peux me la montrer à moi en exclusivité totale. Oh, les mecs, on a du tout. Attends, j'en ai bavé. On a failli faire tomber la moitié du studio là pour. J'en bave. Attends, c'est live du standard là, je regarde. Ouais. Oh là là. Alors attends, je suis toujours au standard. Bah ouais, mais tu traînes. Et comment ça se fait, Maïva? Maïva, comment ça se fait que t'envoies une photo de toi pour passer à l'antenne à Sandro en plus? Encore, ça aurait été Polo Outof, j'aurais compris, mais là. Non, mais à la base, c'est pour un autre jeu. Je suis pas toute seule en plus. Ah, t'es pas toute seule? D'accord, pourquoi tu peux pas la voir? J'en sais rien. Ah d'accord, parce que Sandro a perdu ta photo, donc tout ça pour rien. Oh là là. Allez, bravo, non, mais c'est bon, ça y est. Ah oui. Attends, oui. Descends. Ah, ça va. Et c'est laquelle? En blanc ou en noir? Alors moi je suis à gauche et à droite c'est ma pote. D'accord, ok, très bien. Ah oui, ça va plaire, hein, ça va plaire. Hein. Bah venez voir les mecs là. Elle est où? Il ah, y a de quoi faire. Hein. Ah oui, il y a de quoi faire Maëva, avec Maëva là. Calme-toi Polo, calme-toi. Bon, je sais pas si vous avez entendu le haut putain de merde Polo, mais il y a de quoi faire. Hein, Polo, je peux avoir un thé s'il vous plaît. Oh là là, mais c'est toi. Voilà, mais rassure-toi oui, Maëva, tu vois Toff ne s'est même pas levé de sa chaise parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance. Aucune. Voilà, donc il a préféré en rester là. Je préfère me faire une image virtuelle. Ah, le stagiaire il se sent mal. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Dexter. D'ailleurs, Dexter, tiens à le rappeler, je vais encore raconter un petit truc qui s'est passé avant l'émission. Mais il y avait le Big Boss Jérôme, que vous connaissez peut-être, on en parle son souvent avec, avec JB la nuit. Et le stagiaire Dexter qui rentre, fait bonjour monsieur. Il avait peur, hein. Oh, il avait l'air intimidé, le malheureux, comme bah, ça. Il allait pas le checker, quoi. Marcia. Oui. Tu as encore mis les haut-parleurs? Non, pas du tout. Ah, parce que ça fait nouveau, comme là tout de suite, ah, bizarre. Parce que j'ai envoyé un texto à ma mère amie qui est en train de rire parce qu'elle me dit oh là là, j'arrive pas quand tu bats sur le sucre. Non, mais bah écoute, elle peut venir aussi hein, si elle veut. Ah, les deux. Non, oui. Elle est trop bonne et son mari il est trop jaloux donc on va aller. Ah non, mais c'est pas grave. Hey, elle veut pas faire un chéri, je peux te faire cocu pour gagner des cadeaux? Je pense qu'on peut se marrer. Attends, mets-toi, il y a du réseau, Marcia, on t'entend mal. Et puis voilà. Et là, vous m'entendez? Là, ouais. Ça a l'air d'aller un peu mieux, effectivement, et ça peut être pas mal. Bon, alors reste avec nous, Marcia. On va prendre Sandrine, Salah également dans quelques minutes pour parler des célibataires. Ça donnera peut-être éventuellement un ou deux conseils. Et puis dites-nous, vous, hein, est-ce que vous êtes déjà sorti avec des ex? Voilà, vous êtes déjà ressorti avec des ex? Comment ça s'est passé? 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Mélanie qui dit je suis une nana, hein, mais j'irai pas jeter les affaires de mon copain. C'est comme si on me le faisait, je le prendrais plutôt mal. Alexis qui dit moi aussi, je veux la voir. Ah bah ouais, mais bon, ça non. Enfin, sauf si Maëva est d'accord, mais si elle n'est pas d'accord, non. Ça restera une exclusivité du studio. Fallait être la soir, tant pis. Y a Rob aussi qui dit je devrais te rappeler que c'est quand même moi qui ai sorti la vanne sur la coupe de Toff. Je mérite un message de bienvenue. Oui, Rob, effectivement, un bon message de bienvenue. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Voilà. Et enfin, Erwan encore qui dit vous avez retourné le studio pour voir la photo, mort de rire, vous êtes trop fort. Ah bah oui, attends, ce qui est normal. Grave, attends, une bonne meuf comme ça. Bon, les filles, restez avec nous deux minutes. On va prendre Pierre également qui est avec nous de Clermont-Ferrand. Salut Pierre. Ouais, salut Mika. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas mal. Bah ça va bien, ouais, ça va, oui, ça va très bien Pierre. Bon, Pierre, Pierre qui est passé à la radio il y a quelques semaines pour nous faire de la voyance. Oui. Un échec cuisant, voilà, un échec plus que cuisant. C'est surtout un chasseur de tornades là. Exactement, qui a perdu son appareil photo. D'orage, ouais. C'est ça, bonne mémoire. Oui. Bah t'as vu, hein, et qui est donc Storm Dreamer, c'est ça hein? C'est ça. Voilà, sur le Twitter, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Et l'insulter quand il aura fait une voyance de merde. De merde. Parce que voilà. Tout ce que t'as prévu, ça a pas, c'est exactement, de la merde. Exactement, hein. Exactement. Et en plus, faut expliquer que donc depuis ce matin, il se vend sur Twitter, hein, parce qu'il s'est fait mousser. Genre j'ai des informations, oui. Mais je peux pas le dire sur Twitter. Je vais révéler des choses exceptionnelles. Voilà. Donc tu vas révéler quelque chose d'exceptionnel dans quelques minutes, d'accord? Tu restes avec nous? Pas de soucis. Bon, parfait. Et les filles, vous êtes toujours là, Marcia, Maëva? Oui, je suis là. Très bien. Je voulais savoir, est-ce que vous vous êtes déjà filmé pendant que vous faisiez l'amour? Est-ce que vous vous êtes déjà filmé pendant que vous faisiez l'amour? Ah, mais nous, on a fait au moins 70 milliards de sextapes, c'est pas impossible. Oh, d'accord, Marcia. C'est quoi l'adresse du site? Non, je demande ça parce que Nabila, en fait, donc, non, mais allô, quoi, là, vient de conseiller à François Hollande de faire une sextape pour faire le buzz. Donc, c'est sur le site non, du Parisien. François Hollande, ça ira pas. Ah, bah, écoute, je suis assez d'accord, mais c'est ce qu'elle dit, hein. C'est sur le site du Parisien et elle dit, je trouve ça triste pour un président de ne pas avoir de buzz. Il faudrait qu'il fasse un truc, une sextape, je sais pas, un truc marrant. Il faut qu'il fasse là, du buzz parce que... Certainement, oui. Et elle termine elle termine en disant il faut qu'il fasse du buzz parce que François sinon on va l'oublier. Oui, merci. C'est vrai, oui, on va oublier le président de la République, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, venez nous dire si vous aussi vous avez déjà fait une sextape, si vous êtes déjà filmé et surtout ce que vous avez fait de la vidéo. Est-ce que ça a mal fini? Est-ce que ça a bien fini? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Et Toff, du coup, bah tu vas demander aux gens là s'ils ont déjà fait une sextape. Bah évidemment, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont me répondre. Eh ben j'imagine bien. Mais on fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Vous restez tous avec nous. On est en direct sur Fun au cœur d'une sans pub, déjà top tweet à 23h27. Ouais, merci beaucoup les enfants. Et puis Raphaël qui dit sortir avec les ex, c'est la même chose qu'acheter une ancienne voiture que t'as vendue. Elle est peut-être bien, mais attends, c'est quoi? Mais elle est plus utilisée. Je comprends pas le concept. J'ai pas compris. Elle est déjà utilisée, je crois, il voulait dire. Elle a déjà été utilisée, ouais. Ah oui, c'est, on s'est déjà assis dedans, quoi. Ah d'accord, ok. Kali Cross qui dit un ex, ça sert à rien, ça a déjà servi. Next. Qu'est-ce qu'il y a? Le prince Nadia qui dit oh, grand duo, que non, oh, jamais il ne faut ressortir avec son ex. Maeva qui dit les Maeva, c'est toutes les meilleures, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Oui, bah peut-être, mais là en l'occurrence on l'a. Hein, donc, la nôtre est méga bonne. Voilà, c'est ça. Et Julie aussi qui dit mais elle est sérieuse cette meuf. J'ai une aversion de ce genre de fille. Raphaël qui dit waouh, la meuf s'énerve avec son mec et j'ai tout à la poubelle, mort de rire. Elle est complètement folle. Bah écoute, apparemment, hein, mais on va la récupérer dans un instant. Marcia, comment il s'appelle ton mec? Antoine. Ah bah t'aurais pu choisir un prénom encore un peu plus rock'n'roll, non? Non mais il est très rock'n'roll au niveau de... voilà. Ah bah en tout cas il a pas le prénom rock'n'roll, ça c'est sûr. Non. Après on verra pour le reste. Je suis bah, c'est vrai. Je suis d'accord. Il a pas le prénom le plus rock'n'roll du monde, hein. Ça c'est une certitude. Ah, mais rock'n'roll. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bon bah reste avec nous. On va prendre Kevin qui voulait donner, qui voulait te donner un conseil avant d'appeler le mec. Sandrine, Salah également, vous êtes là tous les deux? Allô. Comme oula, ils vont couper la radio là. Sandrine, coupe la radio s'il te plaît. Coupe la radio s'il te plaît. Voilà. Sandrine. Oui. Coupe la radio. Oui, ça y est. Ah, ça y est, parce qu'en plus Sandro te l'a dit hors antenne, donc coup de pelle. Ah, merci. Voilà, parce qu'elle a dit avant que tu passes à l'antenne, coupe ta radio, mais pas de haut-parleur, enlève le kit main libre si t'en as un. Et sinon je te tue. Voilà. Oui, oui. Et qu'est-ce que t'as fait Sandrine quand t'es passé à l'antenne? T'avais la radio au fond de balle. Et donc, Dexter va s'occuper de toi. Exactement. Et je pense que nous avons un problème avec le standard, parce que toutes les lignes, ça fait... C'est une horreur. Attends, je vais le savoir. Voir. Ça va être très pratique. Bon, mais toi, tu nous entends bien. Tant mieux. Sandrine, t'appelles de Paris, t'as 24 ans par rapport au célibataire. Ah, ça fait 4 ans que t'es célibataire? Oui. Oh, ma pauvre Sandrine. Très bien. Combien mesures-tu? Oui, bah... Oui. Pardon? Combien tu mesures, Sandrine? 1m56. Combien pèses-tu, Sandrine? 57 kilos. Ah bah oui. Quel est ton tour de poitrine? 95 D. Ah oui, D comme Denise, oui, non, forcément tout est là. Oui. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 36. Ah oui, oui, non, oui, elle est... Ah oui, oui, elle oui, oui. Elle est bien moins vraie du tout. Le poids dans le sein. Bonne. Le poids dans le sein, effectivement. Bon, ben restez avec nous. Sandrine, tu restes avec nous. Salah pareil, Marcia, Maeva, Pierre, Kevin, Jérémy, tout le monde dans le standard. On revient après le son de Kesha et Pitbull. C'est Timber. Et juste après, on fait les premiers appels avec Toff pour savoir si vous avez fait des, si vous avez déjà fait des sextapes. Mickaël, Limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, 23h33, il y a Tom qui dit je suis avec mon ex et c'était mieux, et c'est mieux qu'avant. Thomas aussi qui dit vous pouvez pas mettre la teuf de Maeva sur Twitter s'il vous plaît, vous êtes super, je vous écoute depuis 2 semaines. Vous êtes super, je peux avoir mon message, je vous écoute. Oui, bien sûr, pour le message avec grand plaisir. Vous êtes un imbécile. Voilà, bon Maeva, après, tu veux partager la photo ou pas? T'es pas obligé. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Hein, ok. Ah oui, que tout le monde me voit. Bon, très bien. Tu peux mettre mon compte Facebook, les gens puissent m'ajouter. Voilà, bon bah Sandro, tu me forward la photo et je la mettrai sur le Facebook et le Twitter dans quelques minutes. Tu vas voir tous les mecs affamés là qui vont arriver. Ouais. Comme Toff et Polo, quoi. C'est comme ça ici. Ah, c'est pire, tu vas voir. C'est pire. Bah, tu vas voir, hein, surtout avec des mecs qui crèvent de faim. T'inquiète pas. Ouais, mais j'ai un copain. Ah, ouais, non, mais c'est pour le plaisir des yeux. C'est que pour le plaisir des yeux, t'inquiète. C'est pas parce que t'as un copain qu'on peut pas se branler sur la photo. Hein. Merci, Toff, c'est très classe. C'est très, très classe. Vous êtes un imbécile. Complètement. Bon, allez, avant de récupérer Maeva, Marcia, Pierre, Kevin, Sandrine, Salah, on va faire quelques petits appels pour savoir si vous êtes déjà filmé en train de faire l'amour. Est-ce que vous avez déjà fait des sextapes? D'ailleurs, appelez-nous pour nous le dire. 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0 et on appelle des gens au hasard avec les numéros que vous nous envoyez tout au long des soirées évidemment. D'ailleurs, si vous avez des numéros de personnes encore debout à cette heure-ci et debout jusqu'à 2h du mat, n'hésitez pas à faire tourner, vous envoyez ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. donc tu vas leur demander s'ils ont déjà fait des sextapes. Oui, c'est ça, s'ils sont déjà filmés en train de faire l'amour, quoi. Ok, très bien, allez, c'est parti. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne bien. Ouais. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier là. Reste avec nous Maeva, Marcia. Bougez pas les filles, hein. Ouais. Allez. Faut que ça décroche. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait une sextape avec votre mari. Une quoi? Bah, est-ce que vous êtes déjà filmé en train de faire l'amour à votre mari? Ah, vous avez que ça à faire? Bah oui. Ah bon? Bah pas moi. D'accord. Au revoir. mais t'avais raison pour sextape. Hein. Ouais, je t'avais dit que les gens. Bon, on rappelle. Le dôme avait l'air tellement gentil. Oui. On va la rappeler. J'ai peut-être pas compris la question. Sextape en anglais, tout ça. En plus, on a l'air d'être dans le nord de la France. Enfin, je dis en plus parce qu'il parle peut-être pas forcément tous anglais. Hein. Ça n'a rien à voir avec les mecs du nord. Allô? Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme et j'ai pas bien compris sa réponse. Ouais. Parce qu'en fait, je lui demandais si vous étiez déjà filmé en train de faire l'amour et elle m'a dit. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, c'est pour savoir monsieur. Non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, c'est pour savoir monsieur. Alors déjà, t'oublies mon numéro de téléphone tout de suite, d'accord? Ok? Oui, d'accord, mais ça répond non, pas. Non, mais t'oublies mon numéro de téléphone et t'arrêtes de m'harceler, surtout à cette heure-là. Il y a des gens qui travaillent demain. Si mon téléphone y ressonne maintenant, ça va chier, je te le promets. Ok? D'accord, mais monsieur, ça répond pas à ma question, tout ça. J'en ai rien à foutre de ta question à deux balles, là, où tu vas, là, espèce de pervers, là. Espèce d'enculé, là. Ah bah ok Michel, il raccroche. Raccroche, c'est bon, c'est bon. Ah, j'avais bien là à la fin, il était bien, bien tout seul et c'était gratuit hein. Espèce d'enculé, va. Bon, on le rappelle. Vous êtes un imbécile. Oui, on va le rappeler une fois encore, un petit coup. Ouais. De toute façon, on est protégés, on a Maëva, on a Marcia, elles sont là pour nous protéger au cas où. Oui, ouais. Excusez-moi monsieur, mais c'est pas la peine de s'énerver comme ça. Vous pourriez juste répondre à la question. Non mais attends, hey, pour qui tu te prends? Je m'appelle Toff, monsieur. J'en ai rien à foutre pour qui tu t'appelles. J'en ai rien à foutre pour qui tu travailles. Bah, me demandez je pas, alors. Les couilles. Attends, excuse-moi. T'as vu l'heure qu'il est? Moi, tu sais pas si j'ai des enfants qui dorment. Tu sais rien du tout, mon téléphone il sonne comme ça à cette heure-ci. Non, mais attends, pour qui tu te prends, là? Pour Toff, monsieur. Je m'appelle Toff. Ouais, j'en ai rien à foutre. Écoute, si t'es Toff, que t'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Je suis un peu loin, monsieur, mais... J'en ai rien à foutre que t'es loin ou que t'es pas loin. Viens taper chez moi, j'ai pas que ça à faire, moi. Bah, d'accord? Bah, justement, j'ai pas que ça à faire. Si vous n'avez pas que ça à faire, répondre à la question, on en reste là, monsieur. Oh, dommage, quel dommage. Relou. Ah, il avait l'air gentil, mais c'est, bah, c'est dommage. Bon, on va prendre Kevin qui voulait réagir à Martial. Kevin, t'es là? De Pignan, dans l'Hérault. Oui, je suis là. Ça va, Kevin? Oui. Bon, très bien. Bah oui. Tous les auditeurs sont impatients d'entendre Pierre dans quelques minutes qui a des révélations. Oh là là. Des révélations à faire sur Toff. Nostradamus est parmi nous. Oui, apparemment, Pierre donc est voyant. Il avait déjà fait une séance de malvoyance. Ouais, de malvoyance dans les studios. Ça a été une catastrophe. Et donc, on va voir maintenant s'il a appris de ses erreurs. On verra. Bon, alors, Kevin, tu voulais réagir à Marcia, donc qui a viré son ex, qui a foutu la console, l'ordinateur, tout le bordel à la poubelle. Et qui aujourd'hui, maintenant qu'il est avec une autre, elle veut le récupérer. Pas du tout, même avant. Ouais, mais enfin, maintenant encore plus. Hein, et non sachant que je leur rachète un nouveau PC, une nouvelle console, quand même, je suis bien. Bah écoute, attends alors Marcia, si tu peux attendre la fin du mois, il y a la PS4 qui sort, comme ça il sera content. Hein. Ah, il aura la PS4 à Noël, bah, y a voilà. Pas de problème. Ah bah très bien, c'est parfait. Bon, alors Kevin, c'est quoi le conseil que t'avais filé toi? T'es déjà sorti avec une. Déjà ressorti avec une ex ou pas? Oui, je suis vraiment déjà ressorti avec une ex, mais après, les histoires sont pas les mêmes. Ah, bah alors, vas-y, explique. Ah, merci. Bah, en fait, c'est vrai que quand on ressort avec une ex, bah après, t'as peut-être moins de sentiments, tu fais moins attention à certaines choses que tu faisais plus attention avant, mais après, c'est vraiment compliqué. Alors, c'est moi, je te conseille de... Bah, c'est-à-dire que, admettons, tu faisais attention avant à ton hygiène, comment tu t'habillais, machin et tout, mais après quand tu ressors avec quelqu'un, bah c'est pas la mais même. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais tu ah bah là pour la couche, je suis d'accord avec Marcia, ça n'a rien tu à voir. Plus, tu mets plus de haut. Attends, mais moi je suis déjà sorti avec une ex et ça m'empêchait. Ah mais je ressors avec une ex alors je me lave plus, je pue. Voilà. Non, c'est pas ce que je veux dire. Tu disais Kevin? Bah c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ce que je veux dire plutôt c'est que oui, quand tu ressors avec quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment comme avant quoi, c'est plus rien à voir. Mais là c'est fou parce que. Non je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec toi, C'est tu peux ressortir avec une ex à partir du moment où t'es nouveau amoureux de l'ex, enfin de la fille ou du mec, peu importe. Tu feras tout pour essayer de les récupérer, tu vas pas arriver là en mode dégueulasse, ça va rien dire. Oui, c'est sûr, mais si c'est elle qui veut le récupérer, je sais moi, c'est mon ancienne copine elle m'a fait pareil, mais après voilà, c'est pas. J'ai voulu la récupérer, mais bon ça n'a pas du tout marché quoi. Bon écoute, alors parce qu'elle avait plus de sentiments pour moi. Oui, non, mais voilà. Après, mais une histoire n'est pas forcément l'autre. Mais là ton, oui, là, ton histoire, sûr. Je veux bien entendre. Mais le fait de dire, ouais, non, quand on sort avec une ex, on est en mode dégueulasse. Tof, on comprend, il y avait une ex. Ouais, en fait. Non, là, d'accord. Enfin, plusieurs à la fois. C'est pour ça que je suis vraiment dégueulasse. Bah ouais, complètement. C'est un truc dégueulasse. Va te faire enculer, salope. Voilà, c'était par rapport à l'ex de Tof, bien entendu. Évidemment, hein, vous choisirez laquelle au niveau des ex, voilà, bien y entendu. Il y en a beaucoup. Il y a Colin qui dit, waouh, la console, j'aurais pété un câble. Il y a Lil Chris qui dit, petit coucou à vous de Nancy, où votre émission était super. Et Chris Miss Sexto, apparemment. Bisous à toute l'équipe et contente de vous avoir rencontré. Bah, et merci à Toka Lily d'être passé. Et Ariel qui dit, si ça se trouve, elle n'aime plus vraiment, mais l'aime simplement par habitude. Ah, et c'est pas faux, ça, c'est Marcia. Faux. Ah, ça c'est faux. Ça c'est faux. Non, j'ai mis assez de temps pour comprendre que en fait, quand on vivait ensemble, je l'estimais pas assez. En fait, j'étais trop. Je sais pas comment t'expliquer. Je l'aimais, je l'ai toujours aimé. Je l'aimais très très vite, mais je l'estimais pas assez. J'ai pris conscience. Tu te rendais pas compte de la chance que t'avais. Exactement. Voilà, j'ai mis le doigt dessus, Marcia. Reste avec nous. On va revenir dans quelques minutes. On va mettre la photo de Maëva dans quelques minutes. Attention, pendant la pub, je vous mets ça sur Twitter et sur Facebook. Je pense qu'on va faire un carton de like, Maëva. Comment elle s'appelle ta copine ? Lisa. Voilà, avec un Z ou avec un S ? Non, avec un S. Avec un S. Donc Lisa et Maëva. Voilà. Je vous mets dans quelques minutes sur le Facebook. Je vous mets bien sûr. Hein. Sur le Facebook, donc Facebook et Twitter. Tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Et puis je vous cale le son de Jessica Sanchez dans quelques minutes sur Fun Radio. Avec Tonight. Bienvenue tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Et je vous mets la colle dans quelques minutes pour gagner la Nintendo DS 3 XL. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël, ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. C'est Fun Radio, on est en direct tous les soirs sur Fun dans toute la France. C'est la nuit sans pub jusqu'à 6h demain matin. Il n'y a plus de pub maintenant, l'heure à laquelle vous retrouverez bien sûr Bruno avec toute l'équipe. Hein, Bruno dans la radio là. Il sera là, en pleine forme. Bah oui, en plus il a eu un week-end, autant dire qu'il sera au top. Plus qu'en pleine forme. Bon, plein de messages sont arrivés. Je vous ai mis les photos des deux miss là de Maëva et de Lisa, voilà, sur le Facebook et le Twitter. Et c'est parti, Maëva et Lisa, là vous êtes au taquet déjà. Oh là là, Maëva. Mais t'inquiète pas, après il y a des jaloux aussi, hein. C'est genre ouais, ça fait un peu salope, ça fait un peu pute. C'est pas vrai. Mais c'est ça la vie. C'est pas vrai. Oui, la vraie vie. Voilà. C'est sûr. Mais oui, mais c'est ça la belle Maëva, vie justement. Est-ce que t'es déjà sorti avec un animateur de radio? Non, t'es animateur, non. Toi. Je suis. Bruno est disponible. Je suis disponible. C'est ça, ouais. Bon, allez, soyez tous les bienvenus. Maëva et Lisa, vous restez avec nous. On va récupérer Marcia dans quelques minutes également. Et puis toujours la colle de ce soir. J'ai des écailles, mais je ne suis pas un poisson. J'ai une couronne, mais je ne suis pas un roi. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous envoyez tout simplement M-I-K-L par SMS au 64-900 pour gagner la Nintendo 3DS XL que je vous offre ce soir sur Fun Radio. Vous pouvez aussi répondre et lire l'intégralité de la colle sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Mickaël No Limit, bienvenue, on est là jusqu'à 2h. Mickaël No Limit, 23h-2h sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer, 23h51, avec Louis qui dit Maëva est magnifique, peu importe qu'elle soit en couple, je ne suis pas jaloux. Ah bah voilà, nous voilà rassurés, Maëva. C'est gentil. On est tranquille. Il y a Nico qui dit elles sont trop bonnes, un plaisir pour les yeux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je dis, hein, donc vous emmerdez pas, elles sont. Ta copine aussi, elle est maquée. Oui, c'est bon, elle est là en couple. Ah bah voilà, donc vous emmerdez pas, c'est que pour plaisir des yeux. Elles sont en couple ensemble. Ah, elles sont en couple ensemble, voilà, c'est ça. Bon, ça m'a plus excité pour l'eau, ça. Allez, Maëva. Mais ouais, il y a Colin qui dit vous seriez encore plus jolie avec un poil moins de maquillage. Après, chacun son style. Ouais, mais bon. Et Nora qui dit c'est quand le tirage pour l'iPad Air? Bah, la semaine dernière. Hein. C'est presque à l'heure. T'es un peu à la bourre, hein. C'était pas dimanche hier, dimanche c'était la semaine d'avant. Il y a Quentin qui dit l'équipe est au top, comme d'hab, bien joué. Un petit message de bienvenue, s'il vous plaît. Bah, évidemment, en plus, on a les nouveaux qui viennent d'arriver grâce à notre ami là. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Bah voilà, il y a Boom Rap Radio aussi qui dit merci de la discussion en PV, t'es super proche des auditeurs, c'est cool. De rien, Boom Rap Radio, on a discuté cet après-midi avec lui. Il y a Colin aussi qui avait envoyé un message. Où est-ce qu'il est, message de Colin? Ce week-end, mon frère me suit sur Twitter et m'a demandé ce que c'était un coup de pelle. J'ai bien rigolé. Bah, le coup de pelle, c'est ça, hein. C'est un coup de pelle dans la gueule. Alexandrine, je vous écoute depuis 3 semaines car en ce moment, de nuit au taf, j'adore continuer comme ça. Bah, merci et sois la bienvenue. Et Arthur, je vous écoute depuis l'année dernière et vous êtes toujours au top. Bah merci Arthur, mais dans l'absolu c'était pas nous l'année dernière, hein, parce qu'on est là depuis le 22 juillet donc. Un mytho, on va le shooter. Exactement. Préparez mon fusil. Voilà. Ah. Bon, ah oui, le fusil. Bah oui, bah alors une seconde, j'ai pas mis des balles. Il faut qu'il charge. Qu'on m'emmène mon fusil. Bah voilà, il faut que je le charge, ne bouge pas. Bon, ça y est, t'es prêt? Ouais, poule. Merci. Encore? Ouais, poule. Très bien. Et Yann qui dit vous êtes trop cool, continuez. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue moi aussi? Bien sûr. Espèce d'enculé. Hein. Voilà, et Elise aussi. Sinon, moi je trouve qu'elle est bien la nouvelle coupe de Toff. Super. Merci, merci. Et elle termine par non, je déconne. Toff met un masque, fait un truc là, c'est pas possible. Voilà. Bon, est-ce que vous avez été voir, tiens, Maëva? Je te remercie pas. Maëva, Elisa, vous avez été voir la coupe de cheveux Toff là, le bal à chiottes? Non, pas du tout. Ah, bah vous devriez, hein, c'est. Bon, tellement... Elisa, mais Elisa, elle est pas en direct, hein. Ah, je croyais qu'elle était avec toi, autant pour moi. Bon, bah, c'est pas grave, mais vous étiez à deux sur la photo. Je croyais que vous veniez de la faire, en fait, c'est pour ça. Bon, non. Donc du coup, t'as pas été voir la photo, toi, Maëva? Non, pas encore. Oh, quel dommage. T'as ton téléphone, t'as de quoi l'envoyer, le recevoir une photo, là, tout de suite, ou pas? Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, parce que, comme Sandro m'a filé ton mail, je te forward immédiatement. Il y en a qui ont de la chance. En direct, live. Là, non, mais c'est pour avoir, avoir son avis, là, en direct. Alors, attends, elle est où la coupe de toi? Ah, voilà, attends, comme ça. Donc, tu regardes, hein, je te l'envoie en 30 secondes et tu me dis en direct, là, ce que t'en penses, d'accord? Ok. Mais vraiment, n'aie pas peur de dire les choses. Hein. Ah ouais, si tu dois Par rire. Par contre, j'ai un téléphone pourri, donc le temps que je le reçois. Ouais, ouais, mais t'en auras pas un nouveau, t'inquiète pas. Bon, alors attends. Aujourd'hui, ça va être la galère. Hein. Voilà. La galère. Alors, j'ai mis en objet, j'ai mis tête de gland. Ok. Voilà, hop, attention, ça y est, c'est parti. 3, 2, 1, et c'est envoyé. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. On va également prendre Pierre dans quelques minutes. Et Sandrine, toujours avec nous, Sandrine. Oui, je suis là. Bon, très bien. Alors, Maëvette est toujours à l'antenne. Donc, dès que tu reçois la photo, tu nous le dis. Hein, avant de la regarder, hein, d'accord? Ok. Bon, alors, Sandrine qui habite à Paris, qui est célibataire depuis 4 ans. Et comment ça se fait, Sandrine? Je comprends pas. Et en fait, mon copain, il m'a laissé parce qu'il disait que je suis pas bonne au lit. Hein. Ah, t'es pas bonne au lit? Ah bah oui, mais ça, je peux te donner des cours si tu veux, si c'est ça le problème. Super. Oh, le salaud. L'enculé. Et à la limite, quand vous larguez votre meuf ou votre copain, lui dites pas ça, dites-lui voilà, je te mérite pas, enfin un truc bateau, mais dites pas non, en fait t'es juste mauvaise au lit, donc je me barre en fait. T'es abusé. Mais non, parce qu'il me disait que je sais pas faire la 69. Ah, attends une seconde. Il est 23h55, bienvenue sur Fun Radio, les infos présentées par Mickaël. Exactement, 23h55 et apparemment nous sommes en direct avec Maëva à Bordeaux qui vient de recevoir la photo de Toff alias Balai à chiottes. Non mais ça va, sa tête elle est toute mignonne, le pauvre. Quoi? Merci Maëva. Mais t'es sérieuse? Eh hey, Maëva, mais cadeau. Eh hey, Maëva, chez ta mère, ouais. Mais non, mais t'es vu. Attends, mais c'est un balai à chiottes. Oui, c'est sûr, mais elle a... Ah, quand même, voilà. Non, sinon, je te le prête avec un peu d'Airwick pour tes toilettes. Non, c'est bon. Ah, écoute, c'est dommage, bon, très bien. Ben voilà, nous avons eu la vie à chaud. Voilà, je viens d'envoyer la photo en direct à Maëva, c'est parfait. Bon, donc Sandrine, et c'était ton seul et unique mec ou t'en as eu d'autres? J'en avais d'autres, mais les autres, ça m'intéressait pas trop. Ouais, mais les autres, est-ce qu'ils disaient que t'étais bonne au lit ou pas? Ben, il s'appelait Philippe et il disait que j'étais pas bonne au lit. Ah, il a dit que t'étais pas bonne au lit non plus. Parce que après, effectivement, tu peux tester avec Toff, hein, sachant que lui n'est pas très bon au lit non plus. En général, moins plus moins, ça fait plus. Ah, tu vois, donc je pense qu'il faut qu'on se rencontre. Et c'est parce que c'est pas des romantiques. Mais peut-être, eh oui, ils peut-être. Ne connaissent rien. Ah ouais. Bon, Sandrine, reste avec nous. On va récupérer, on va en finir avec Marcia. Non pas que je veuille me débarrasser de toi, Marcia, loin de là. Hein, non, mais avec plaisir, parce que sinon, Antoine, il va s'endormir et ce sera pas marrant, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Mais c'est pas mais, ça. Mais, il est plus du style à s'endormir après l'amour, c'est ça? Arrête de me dire ça, s'il te plaît. Bah ouais, ça se trouve, il vient de baiser avec sa meuf, moi, il s'endormait très très vite après l'amour, parce que voilà, quoi. Parce que je suis bonne, c'est ça? Non, parce qu'il était saoulé, qu'il en avait marre. Non, je pense pas, non. Bon, écoute, on va l'appeler maintenant, puisque donc tu nous avais appelé en début d'émission, tu nous avais dit que t'avais viré ton mec en foutant la console dehors, dans la poubelle, le PC, enfin bref, tout, parce que t'étais un peu énervé contre lui. Il t'a trompé ou quoi, hein, que ce soit clair. Hein. Donc non, c'est même pas ça. Enfin, a priori, non, en tout cas. Bon, aujourd'hui, c'est fini entre vous. Vous avez recouché ensemble il y a 2 semaines. Et là, il est avec... Non, pas il y a 2 semaines, il y a 2 mois. Ah, il y a 2 mois, pardon. Il y a 2 semaines. Voilà. Et donc, ouais. Et là, il est avec une autre meuf et tu veux le récupérer. Donc, on va l'appeler en direct. Et puis, bah, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, que je l'aime et que je veux changer et que je ne recommencerai plus mes bêtises ultérieures, que j'espère qu'il donnera une nouvelle chance, parce que voilà, j'ai besoin de lui dans ma vie. Ah ouais, ça fait beaucoup de... Tu veux pas que je joue du pipon ? Et que demain, il aura son PC, ça plaît. Ah, donc tu veux l'acheter, toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bah, c'est comment ça marche ? Parce qu'il le mérite, attends, il le mérite quand même, il le mérite. Ouais, mais est-ce que toi, j'ai tu le mérites, une très belle bague, il m'a... Hein ? Oui, mais est-ce que toi, tu le mérites, lui ? Bah, justement, je pense que oui. Ah d'accord, ok. Bon, écoute, alors... Mais tu penses qu'il y a une chance ou pas ? Parce que en général, un mec, quand il tourne la page... Ah, parce que ça se trouve... Non, mais arrête de me dire ça. Mais non, mais c'est vrai, ça se trouve, tu vas l'appeler, il va te dire ça. Non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Ah bah voilà, il va dire, eh ben, casse-toi, voilà. J'en sais rien, ou il va peut-être te dire ça. Ne perds pas les couilles, bah, mon s'il me le dit, bah, s'il me le dit, bah tant pis. Par contre, s'il dit ça... Bah t'es enculé, gros connard. Toi, fais t'intéresser. Oui, là, ça me plaît. Là, là, par contre, éventuellement, on peut aider. Bon, écoute, Marcia, on va appeler toi, Toine. Comment ? Je dis, on va appeler toi, Toine. Eh, on peut lui faire un truc, on peut pas lui faire une connerie. Ah si, moi je peux lui chanter une chanson. Ouais. Non, ouais. S'il vous plaît, il chante bien, Mike. Tu couches avec moi, Marcia. Ouais, attends, je vais Marcia, je vais te mettre un extrait, regarde, je joue de la guitare et je chante en live. Je te refais un extrait, écoute. Tout le talent. C'est moi qui ai peur de la guitare. Voilà, donc là je suis en mode guitare là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce quel talent. Et là je vais chanter, tu vas me dire si tu veux que je chante, peut-être que ça va t'aider. Alors attends une seconde. Ce qui est fort, c'est que tu fais même la batterie. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Attends, faut que tu l'accordes en ré. Ah merde, ouais. Bah, je referai après. Ouais. Bon, écoute, au besoin, on est derrière, d'accord ? Ok, ok. J'ai derrière, également... devant, comme tu veux. Ouais, enfin, ouais, partout, hein, même au milieu, c'est pas un souci. Ouais, moi, ça passe. J'ai également fait une reprise des Guns N' Roses, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, pour un slow. Tu l'as jamais faite, celle-là. C'est vrai, mais je vais la faire, je vais... Il s'est entraîné tout le week-end. Non, complètement, c'était la folie totale, quoi. Ah, ouais, tu fais un petit bout, hein. Allez. Ouais, mais c'est compliqué, parce que... C'est compliqué. Bah, pourquoi ? Bah, mais parce que... Mais j'ai peur qu'il s'endorme. Non mais on va le faire, t'inquiète pas. Bon alors ok d'accord, je vais bien faire un petit bout des Guns N' Roses. Je vous le fais après. Bon d'accord. Je vous le fais après, parce qu'il faut que j'accorde encore un truc sur la guitare là. Bon, bougez pas. Non mais bougez pas. C'est du dos, mec. Tu l'as fait promis, hein. Oui, promis, je la referai. Bon alors on appelle toi Twen, Marcia. Vas-y, tu l'appelles et puis t'inquiète pas, nous on est derrière. C'est un peu tendu, c'est avec sa meuf. Ouais, en plus il est avec sa meuf, t'imagines, ils sont au lit tous les deux. Ah c'est chaud. Non pas du tout, parce que je le texte depuis tout à l'heure. Et alors ? Ça m'empêche pas moi quand je baisse des meufs. C'est ça, il peut être dans les toilettes. Bâtard ! Évidemment, il textait pas quand il était avec moi. Ah ouais, mais ça c'est autre chose. Bon, vous êtes sur la messagerie de Jim Lebeau. Oh non ! Tu vois ? Oh merde ! Tu vois, lui, il est honnête, au moins il coupe son téléphone pour baiser sa meuf. Voilà. Oh non, en plus il m'a dit, il est trop tard. Ah bah non, mais tu m'aurais dit depuis le début qu'il fallait aller à Péto, moi je savais pas qu'il y avait un impératif d'heure. Oh non ! Bon, alors ce qu'on peut faire, Marcia, tu vas prendre sur toi, ce soir tu vas te faire plaisir toute seule, et on rappelle demain, mais genre début d'émission direct alors. Ou sinon, si elle insiste, tu peux passer, hein, c'est pas loin. Ouais, c'est ça, arrête ton cinéma. Non, je crois que Marcia, elle préfère être dans le haut de gamme. Mais je suis le haut de gamme. Ouais, non, bah justement. Je préfère les pharmaciens. Oh, quelle horreur. Mais les pharmaciens, c'est-à-dire. Ah, il est pharmacien ? Oh, mais quelle horreur. Oh là là, il doit être chiant. Oh là là, vous voulez des bêtises ? Oh, pas du tout. Ah, si, pas du tout. Quand il met ses lunettes et que je le suis, il est pas chiant. Et après, c'est moi qui suis crado ! Hein ? Et après, c'est moi qui suis vulgaire ! Marcia ? Oui ? Sache que nous pouvons mettre des lunettes. Et être pharmacien. Et je peux également te vendre du Roaccutane, du j'en sais rien, des aspirines, tout ce que tu veux. Non, sa blouse blanche avec le petit boxer Calvin Klein en dessous, il y a Chris qui peut le faire. Attends, qu'est-ce mais que non. J'ai... Mais c'est con, un pharmacien, ah, ça devient gros. Klein. Il a le Calvin Klein. C'est bon, ça j'ai. C'est bon. J'ai mis le Calvin Klein aujourd'hui, c'est bon. On va voir avec le doc pour récupérer une blouse. Ouais, oui, je peux avoir une blouse blanche et des médocs. D'ailleurs, je dois avoir... qu'est-ce que j'ai là ? J'ai du Coludol sur là. je suis déjà prêt, je dois bien avoir une aspirine qui traîne dans le sac. Donc je suis bon là, parfait. Bah écoute, quand tu veux. Les lunettes, tu te les files. Et ben et en plus ouais voilà, c'est Sandro bon, les lunettes. Exactement. Bah, je vais faire une photo. Attends, et Marcia ? Oui. Bon, t'as internet là sous la main ou pas ? Là tout de suite maintenant là ? Ouais, mais j'ai pas mon PC d'allumé. Oui, j'ai, pourquoi ? Bon, alors prépare-toi aller sur internet, on va voir. D'accord ? Voir quoi ? Bah bouge pas, on va voir dans quelques minutes. Bouge pas, Marcia. Reste avec nous 5 minutes encore. D'accord ? Bon, très bien, okay. Bah, reste là. Maëva, ne bouge pas là non plus. Et Pierre. Oui. Bon, qu'est-ce que t'as à dire sur, sur le dos de Toff, là, apparemment là, Il faut juste replacer le truc parce qu'il nous a pris la tête toute la journée. Ah oui, oui. Il a tweeté, il a tweeté. Et je sais un truc et je peux pas le dire sur Twitter. Attention, je dirai après exactement, mais il m'a quand même posé une question à laquelle j'ai oublié de répondre. Je viens d'y repenser maintenant, Pierre, désolé. Ouais. Mais tu m'avais envoyé une question et tu m'avais demandé, tu t'hésitais entre deux. Oui, oui. Voilà. Et effectivement, t'étais pas loin. D'accord. Voilà. Donc, j'expliquerai après. Bon, alors très bien. Bon, alors donc il faut savoir que Pierre est malvoyant. Enfin, pas en vrai, hein, il voit très bien, mais il essaye d'être voyant, mais mal, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, alors la voyance de Toff, qu'est-ce que ça va donner la voyance de Toff? Donc, eh ben en fait, visiblement. Bon, quoi. Donc, d'après ce que j'ai vu sur lui. Oui. En fait, que tu as vu D'accord, oui, donc en fait. Bon, allez, d'accord, ok, tu fais ça juste après Avicii, bouge pas. Voilà, après Avicii avec Hey Brother, bougez pas de là, on revient après ça. Hey Brother. Mickaël nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, ouais. Avec la photo en mode pharmacien pour plaire à Martia dans quelques minutes. Le temps de l'uploader, elle est faite. On est juste en train d'essayer de la mettre sur le Twitter, sur l'Instagram et sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mickaël officiel. Avant de récupérer Pierre qui a quelque chose à dire apparemment à Toff, hein, une grande nouveauté, quelque chose d'exceptionnel. Et oui, le monde va être révolutionné. Mais oui, c'est ça, le monde va être totalement... Je suis le futur président. Oui, oui, bah t'emballe pas non plus. Il ne faut pas déconner non plus. Hein. Donc, je disais que tu allais annoncer quelque chose de grave à Toff, c'est bien ça Pierre? Enfin, c'est pas grave, c'est plutôt bénéfique hein, pour lui. Ah, c'est bénéfique? Ah bon? Ouais. Bah alors, bénéfique, je vais te blinder, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, ouais. Ça va être quoi l'histoire? Bah, blindé, ça dépend dans quel sens, je dirais plutôt... Dans le sens voiture, avec... Non? Non, je dirais plutôt dans le sens sexuel, enfin, amour. Ah, dans le sens sexuel, amour. Oui. Eh bah, ça va l'intéresser, ça, à mon avis. Ah, grave. Bon, alors, du coup, bah, je voulais faire la photo maintenant, mais alors, vas-y d'abord. Donc, en fait, d'après ce que j'ai vu cet après-midi, Toff devrait rencontrer... T'as eu un flash, voilà. Un coup de tonnerre. On va dire ça comme ça. Ouais, un c'est coup de ça. Tonnerre, ouais. Donc, dans 2-3 semaines, il devrait rencontrer l'amour de sa vie, quoi, en fait. Donc. Ok. Dans 2-3 semaines. Ok. Non, mais c'est pas une vanne. Hein. Non, non. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un sac à merde. Alors. Comme toutes ces meufs, c'est des bouffons. Bon, allez, vas-y, accouche pour le reste. Alors, plutôt, le genre de Toff, ça serait plutôt blonde aux yeux verts, quoi. Alors, pas du tout, mais d'accord. Ouais, mais je prends quand même, hein, moi, si tant qu'elle veut de moi, ça me va. Hein. C'est ça, lui, il s'en fout, hein, il est pas dans le détail. D'accord, donc, voilà. Ouais, bah, voilà, c'était à peu près tout, et puis, ça serait sûrement une auditrice, donc... Ouais, je sais pas. Le contraire m'aurait étonné. Vu sa gueule. Eh oui, c'est ça, ouais. Non mais... Calme-toi, tu vas nous faire une crise. Ouais, c'est ça, fais attention, ouais. Bon, et donc c'est, voilà, c'est ça que tu nous dis, quoi. Ouais, voilà, bah, ouais, c'est une... Non mais t'es quoi. Sérieux, tu nous as fait tout ce teasing pour raconter cette merde. On s'attendait à un truc de ouf, quand même. Bah, attends, c'est quand même bien pour Toff. Ouais, non, mais d'accord, mais enfin, ça sert à rien, là, ce que je viens de dire. T'as rien vu sur moi, Polo, roi du pipeau? Parce que je tiens à rappeler quand même... Non, attends. Je tiens à rappeler quand même que tout à l'heure, il m'a appelé en disant « Ouais, est-ce que Toff, il est 2,73 ou 74 ?» Alors je me suis foutu de toi parce qu'en fait il est de 80 donc Ouais mais c'est pas loin quoi. Ah non, c'est pas loin ouais, bah c'est ça ouais. À 10 ans près, c'est à côté. En fait par rapport à l'arrivée des dinosaures, à l'extinction des dinosaures, ouais. Tu pourrais même dire qu'il est né en l'an 1. Ouais. C'est ça. C'est pas loin. Non, c'est pas loin, c'est à peu près quoi. Voilà, c'est pas loin. Bon Pierre. Donc en gros c'est pas dans 2-3 semaines mais ça peut être dans 30-40 ans. Pierre, un coup de pelle. Au revoir Pierre. Non, ouais. Tu n'as pas été mauvais, tu as été très mauvais. Et Pierre, Pierre, on se rappelle dans 3 semaines. Ah ouais, dans 3 semaines. Bah ouais, pas de soucis, là. Et dans 3 semaines, t'as un gage. Exactement, ouais. Ok, bon bah ça marche. Tu vas devoir se taper le stagiaire et Dieu sait que ça va être dur. Salut, non, Pierre. Non. Mickaël? Oui. Je pourrais passer une dédicace. Non, tu as été trop mauvais pour faire une dédicace. Bon, bah, à une personne, allez, vas-y. Ok, bon, bah, dédicace à Clara ici sur Twitter. Une. Ah, oui, Clara ici, d'accord, ok, je croyais que t'allais dire Clara et machin. Très bien, bah, le message est passé, y a pas de problème. Salut à toi, Pierre, alors, salut. Salut à toi. À bientôt. Marcia. Oui. Bon, t'as vu, je t'ai mis une photo en mode pharmacien. Je voulais juste passer une dédicace vite fait. Attends. Je voulais juste dire à ma sœur Lex, que je l'aime de tout mon cœur, qui fait toute ma vie et qu'elle m'écoute en ce moment. Oh. Et à mon beau-frère aussi qui m'écoute, je les aime tous les deux très fort. Je vois Antoine demain pour le PC et la Play et je croise les doigts pour moi. Très bien. Et je voulais vous dire que c'était trop des bars. Voilà. Bon, bah écoute, très bien. Est-ce que t'as vu la photo que j'ai faite en mode pharmacien? T'as vu, j'en ai fait une. Je voulais pas me moquer de toi, je voulais éviter ça. T'as vu, j'ai même le. J'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai le boxer Calvin Klein. Il manque juste le chemisier blanc, là. J'essaie de dévier avec la dédicace, t'as pas compris? Ah non, j'ai pas compris, non. Pour pas dire que c'est naze. Bah, je voulais pas te. Je voulais pas oh, moquer. Ça va, attends, j'ai la pharmacie. Attends, j'ai dû prendre les lunettes de Sandro, j'ai dû prendre les médocs au hasard, là. Et puis, bah, surtout, j'ai dû faire passer le boxer au-dessus du t-shirt. Donc, autant vous dire que c'est quand même bien classe. Très, très, très grande classe, voilà. Moi-même, je me plais, tiens, j'ai presque la gaule. Allez, demi-molle. Ah ouais, quand même, demi-molle. Ah ouais. Non, non, elle est pas mal, elle est pas mal. Bah merci Marcia, t'as vu, moi j'essaie de t'aider et tout. Non, mais bon. J'avais même prévu. Attends, mais j'avais même prévu une petite chanson pour toi là. Je m'étais entraîné à faire une, j'avais pris à faire une reprise. Alors attendez, je me suis mis à la guitare et on m'a dit que j'avais une voix qui ressemblait très très fort aux Guns N' Roses. Ouais. Ah bon? Axel Rose. Axel Rose, ouais. Alors écoute. Ah ouais, c'est fou ça. Ah ouais, t'es trop fort. Pas mal hein. Attends, je vais chanter un peu là, attendez. Parce que là je fais guitare, batterie, tout en même temps, c'est un peu compliqué. Ah ouais, t'es fort. Alors écoutez bien, attention. Alors, ça va non? Ouais, pas mal. Ah, attendez, taisez-vous. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même pas mal, non? C'est magnifique. Ah, t'as vu, tout ça pour toi. T'as une plus belle voix que voilà. Bah oui. Mais et pourtant tu préfères sucer à la pharmacie, hein. Bah qu'est-ce que je te dis? Ah bah oui, ça a plus d'oseille. Oh oui, oh ça, qu'un chanteur, qu'un rocker, je suis pas certain. Je suis pas certain de ça. Mais ouais, bon. Mais toi t'es pas Axel Rose. Bah ouais, mais c'est pas grave, alors quoi, ça ressemble, hein. J'ai le même organe. Non, mais je rigole. J'ai le même organe vocal. Oui, vraiment, t'as une belle voix. Voilà. Il y a Eliria qui dit en pharmacien, t'es trop sexy, t'arrives presque au niveau de Toff. Oh putain. Ah ouais. Alors je dois ressembler à une merde alors. Ouais. Oh putain. Et Marc qui dit bonjour à toute l'équipe, vous êtes super, continuez. Geek and Boobs qui dit elle ressemble à quoi? Un sac à merde. Oh, il m'a tué. Bah oui. C'est un peu les mêmes. Et il y a Roro. Bah oui. Il y a Roro qui dit même en pharmacien loupé, Mickaël donne envie. Oh bah écoute, je sais pas si je dois bien le prendre ou pas, mais bon, c'est gentil. Samuel qui dit dans la vidéo du skateboard télécommandé, Polo a dû kiffer quand Sandro lui a monté dessus. Ah ou bah pas, non. Ou pas. C'est à ma pété là. Et Toff qui s'était engagé à fournir une nouvelle vidéo aujourd'hui. Non, j'ai dit qu'on allait peut-être faire une nouvelle vidéo. Bon, allez, peut-être tu l'as déjà, on l'a déjà faite. On l'a faite, faut que je la montre. Voilà. Oh là là. Et alors, il y a Samuel qui est dans la vidéo avec le skateboard. Ah oui, c'est, je vais la lire. Éléonore qui dit bonsoir, j'écoute votre émission ce soir, je suis célibataire et j'aimerais rencontrer quelqu'un. Eh ben écoute, Éléonore, appelle-nous 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Bon, Marcia, on te rappelle demain et on appelle ton ex directement au tout début d'émission. Comme ça, on est sûr qu'il est encore debout. Ouais, bon. Ouais, d'accord. Bon, allez, gros bisous. Gros bisous, bonne soirée. Salut. Tiens, et dis-nous demain, si jamais t'as pas réussi à récupérer ton mec, je peux t'offrir GG l'Explorateur ou Gilbert le Magnifique. Si tu veux, c'est. Je sais pas ce que c'est, mais. Ah ouais, attends, je vais t'expliquer. Alors, c'est deux magnifiques appareils offerts par la voix off. Passagedudésir.fr. Voilà, c'est deux gods, deux sextoys. Il y en a un, il est énorme et tout mou. Et l'autre, il a un peu plus petit, c'est un vibro spécial point G. Oh mon dieu. Et alors, donc c'est GG l'Explorateur, et alors le slogan c'est GG. Il ne tourne pas autour du pot. Voilà. Et alors Gilbert le Magnifique, c'est Gilbert, doux et ferme à la fois. Donc tu vois. En tout cas, la voix, elle est top. Je sais, moi-même, parfois, je m'excite en parlant. Bon. Franchement, ouais, elle est puissante, ça. Voilà, pas de je te remercie. C'est toutes ces machines qui sont là derrière et qui m'aident. Hein. Sinon, ça va que j'ai une voix de merde. Bon, je te fais des bisous, Marcia. Bisous, bonne soirée. Demain. Ciao, bye. Bon, Maïva. Ouais. Oh, c'est ma préférée. Bah, oh, votre Maïva, photo, ta photo de toi et ta copine Lisa a bien d'ailleurs marché. Oui, par contre, j'avais juste un petit truc à dire pour oui. les rageuses qui commencent. Oui, ah non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, tu vas tomber sur des jaloux, des rageurs, ouais. des rageuses. C'est pas grave, oublie-les, c'est comme les mauvais perdants. On est parti à la messe, on dirait, mais j'ai juste à dire qu'on est parti en boîte, en fait. Donc on n'est pas parti à la messe maquillé comme ça. Et de deux, ce sont des vrais seins, ce ne sont pas des faux, et je n'ai pas mis de push-up, donc voilà. Je veux les lâcher, je veux vérifier, Maïva. Oui, il faut qu'on vérifie, hein, c'est le matériel par rapport aux auditeurs, c'est normal, tu vois. Non, il y a quand même plus de 1000 personnes qui ont fait un like, tu vois, c'est quand même pas mal. Voilà. C'est quand même pas mal. Et je parle pas sur Twitter. Venez nous ajoutez-moi d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la photo de Maïva et de sa copine Lisa. D'ailleurs, Toff peut rappeler les mensurations, hein, puisqu'il a tout noté dans son petit bien livre, sûr, bien entendu, bien comme d'habitude. Donc, alors, tout est gardé, bien sûr. Hein. Bien sûr, 1m62, 45 kg, 85 C et 34 de pantalon. Bien entendu. Donc, allez voir. Et puis, ajoutez-moi, vous tapez @MIKAEL_officiel sur le Twitter. Vous m'ajoutez, je vous ajouterai également. Et on discute tous ensemble. Il y a Al Pacino qui est connecté là, qui tweet. Il y a Mathieu, bah ouais, il y a Uncut, il y a Eric, il y a Dominator, il y a Boom Radio, Boom Rap Radio, pardon, Stéphane, Batulite, etc., etc. Et puis Dédé aussi qui dit c'est bien quand les auditeurs parlent à l'antenne, ils peuvent balancer de gros dossiers sans le vouloir. Aussi, c'est vrai. Quentin qui dit moi je recherche une petite infirmière, tu peux m'aider, Mickaël. Bah écoute, là non, j'ai pas d'infirmière sous la main malheureusement. Morgane, Marcia, tout déchiré là en disant ça. Et Erwan qui dit quand il met des lunettes et que je le suce, il est pas chiant, mort de rire, elle est trop forte la meuf. Ah ouais, franchement, elle était bien, Marcia. Ouais. Et Lucie qui dit, je trouve que Toff est très beau, c'est un bel homme qui a son charme, sa nouvelle coupe en balai à chiottes lui va plutôt bien. Moi j'approuve, gros bisous à vous et plus à Toff, c'est Lucie qui avait envoyé. Merci le Lucie, message. Moi aussi je t'embrasse fort Lucie. Et Maëva qui avec la langue. Et Maëva qui t'aime également Toff. Maëva qui dit je préfère vomir que d'être avec Toff. Je l'adore. Voilà, le message est comme ça passé, c'est plus simple. Bon, d'habitude c'est à minuit, on est un peu à la traîne, hein. Bah vous avez l'habitude, hein. C'est un peu comme chaque soir. On va se faire les teubés de la télé. Tu regardes souvent la télé ou pas toi, Maëva? Bah oui, tout le temps, oui. Ah bah tout le temps, très bien. On va commencer avec Sans Aucun Doute. Sans Aucun Doute, un grande émission. Hein. Dans Sans Aucun Doute, il y a Julien Courbet qui a un peu de mal à se faire comprendre d'un répondeur. Quoi. Vous voulez déclarer un sinistre ? Dites déclaration. Pour toute autre demande, dites autre. Autre. Enfin, désolé, je n'ai pas compris votre réponse. Pourtant c'était clair, hein. C'était vraiment clair. Et puis dans les ch'tis, il y a Christopher qui nous rappelle qu'il est un gentleman. Et ça, bah là, ça c'est beau. Rien à dire que toi, c'est vraiment une jolie femme. Et puis elle est bien refaite quoi. Ah oui, elle est complètement bien refaite. Mais oui, bien sûr. Oh, elle, c'est est, bon, ça. Elle est bien refaite. Et puis enfin, dans Question pour un champion, il y a Julien Lepers qui s'est trompé d'émission. 3, 4. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Et c'est vrai qu'elle fait pas de manière. Oh là là. Verdict, Olivier. Je vais dire non. André. Non. Morane. Non. Bon, on est tous d'accord, alors a priori ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est raté. Bah pour une fois c'est complètement raté, je pense que le buzz a sonné, c'est terminé. Bon, si vous avez des trucs sympas, vous voyez la télé, n'hésitez pas à donner toutes les infos. Hein. Vous m'envoyez un petit mail, mikael@funradio.fr. Bon, Maïva, est-ce que tu connais le chéri, je peux le faire cocu? Ouais. Très bien. Bon, on devrait le faire avec ton mic là, je suis sûr qu'on peut cartonner, non? Mais c'est pas s'il écoute, pour ça, on sait jamais. Non mais justement, c'est ça le principe, c'est qu'il ne faut pas qu'il écoute justement. Mais on va le faire dans quelques minutes déjà, là. Reste avec nous Maëva. Okay. On a Éléonore également, là, qui appelle de Mons. Salut Éléonore. Salut. Ah bah c'est toi qui avais envoyé un message sur le Twitter ou le Facebook? Oui c'est ça, pour dire que t'étais célibataire, mais qu'est-ce qui se passe Éléonore? Qu'est-ce qui va pas? Ça fait 7 mois que je suis célibataire et je trouve personne. Combien mesures-tu Éléonore? 1m60. Combien pèses-tu Éléonore? 47 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 80D. 80D, oh là. D ou B? B. B. B comme Bénédicte. Oui. D'accord, très bien. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Qu'est-ce écoute, c'est inexplicable. Je rappelle que ce soir on a fait un strike. Ouais. On a fait un strike. Toutes les auditrices sont plutôt très très bien gaulées. Hein, faut quand même le préciser. On a des bonnes auditrices. Ah bah là, entre Maïva, vous pouvez voir avec sa copine Lisa sur le Facebook et le Twitter en tapant Emickel officiel, c'est juste scandaleux. Éléonore aussi, qui est plutôt pas mal de Mons, Éléonore. Bon, on va parler avec toi dans quelques minutes. Donc célibataire depuis 7 mois, on va essayer de creuser un peu pour voir pourquoi. On aura Alexandre dans quelques minutes. Salah également, qui lui aussi est célibataire. Hein, Salah. Oui, allô. Ça va, Salah? Oui, bonsoir l'équipe. Eh ben bonsoir à toi Salah, t'appelles de Nantes, toi célibat, on va en parler dans quelques minutes avec toi. Ouais, d'accord. Très bien, ben reste avec nous et puis on va également parler avec Jérém maintenant. Jérémy qui va nous balancer sa colle pour repartir avec la Nintendo 3DS XL qu'on vous offre ce soir et toute la semaine dans la colle. Alors Jérém, vas-y, fais péter la colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et que bah il décroche quand on l'appelle, il gagne. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas, tu gagnes. Vas-y Jérém. Ok, ok. J'ai des écailles, mais je ne suis pas un poisson. J'ai une couronne, mais je ne suis pas un roi. Qui suis-je ? Voilà, j'ai des écailles, mais je ne suis pas un poisson. J'ai une couronne, mais je ne suis pas un roi. Qui suis-je ? Bon, à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël, espace, donc les quatre lettres. Mickaël, espace, la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a Thierry qui proposait la réponse à la colle, c'est une sirène. Faut répondre oui ou merde en fait, Jérém. Ah pardon. Hein, tu peux aussi me dire, va te faire enculer avec tes questions de merde, comme tu veux. Hein. Non, je disais, il y a Thierry qui disait la réponse à la colle, c'est une sirène. Non, pas du tout. Ah, Ludivine qui proposait, c'est la dent. Non, il y a Rafa qui dit la réponse, c'est un dragon. Non plus. Bon, alors Zachary qui proposait du corail. Non plus. Un iguane. Non. Un serpent, un crapaud. Non. Une reine. Non plus. Un lézard. C'est David. Non plus. Anna qui proposait une fleur. Non. Il y a Debbie qui proposait la réponse, pourrait être un dinosaure. Non plus. Autrefois appelé dragon couronne à cause de leurs écailles. Ah bah merci, on va faire un peu d'histoire. Alors lui, il est complètement shooté. Non mais c'est vrai hein. Et Ludivine qui dit vous êtes parfait, vous me donnez le sourire alors que j'ai envie de pleurer, bisous à vous. Mais qu'est-ce qui va pas Ludivine? Appelle-nous là qu'on en parle. Qu'est-ce qui va pas? Bon allez, pour les autres, pour la Nintendo 3DS, on donne la réponse dans une bonne dizaine de minutes après le chéri je peux te faire cocu. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et bien sûr sur le Facebook ça fonctionne, facebook.com/Mickaël officiel. Jérém, reste avec nous. Les autres, allez voir la photo également de Maëva et de Lisa, deux auditrices plutôt bien gaulées sur le Facebook de l'émission. Et puis vous pouvez voir en mode pharmacien sexy. Beau gosse. Ah ouais, grave. Totalement, avec les lunettes de Sandro et mon boxer Calvin Klein. Mais c'est là qu'on voit que Mickaël peut faire tous les métiers. Mais oui, exactement, je peux devenir pharmacien également. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Donnez vos avis sur le Twitter également. Vous m'ajoutez, vous tapez Mickaël _, c'est la petite barre en bas, Mickaël _officiel. Vous m'ajoutez, je vous ajouterai également et on se suivra mutuellement avec grand plaisir. On est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio et cherchez pas ailleurs. Hein. Toutes les autres radios vous emmerdent avec des pubs de cul chiantes. Voilà, enfin tu vois. Alors que nous on est à la cool. On vous emmerde pas avec des pubs qui servent à rien. On s'écoute le son de Lady Gaga maintenant. Do what you want sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, il est 1024, c'est minuit, c'est Mickaël No Limit. Et Lady Gaga à l'instant sur Fun avec Do What You Want. Et puis la bonne nouvelle, Lady Gaga qui sortit Art Pop, là, c'était le bordel à New York avec ça. Et bah elle va faire un concert dans l'espace en 2015. Enfin, ce qui est bien c'est que comme il n'y a pas de son, comme il n'y a pas d'air, elle va être bien. Elle va ouvrir la gueule et rien. Ça va être pratique. Les martiens vont être contents. Non mais ça va être dans la navette ou un truc comme ça. Dans la station spatiale internationale. Les Russes là, ouais. Peut-être, non peut-être, je sais pas. Bon en tout cas voilà, donc on essaiera de vous envoyer dans l'espace. On fera l'émission en direct de là-bas. Bah moi je suis d'accord hein, si je peux déjà demander au chef, au sous-sous-chef et au sous-chef s'il y a moyen de signer les papiers hein, parce qu'apparemment faut des passeports un peu spécifiques. On va faire l'émission en direct de la navette spatiale. Est-ce qu'il y a un visa? Est-ce qu'on a besoin d'un visa? Je sais pas. En même temps t'as pas envie de rester là. Tu peux pas non plus rester 10 ans. Un passeport intergalactique. Ah t'imagines la première émission en direct de l'espace. Oh la folie. Oh là là, ce serait trop bon ça. Erwan qui dit les lunettes te vont super bien Mickaël. Oui parce que j'ai fait une photo en mode pharmacien puisque on avait une auditrice Marcia là qui fait son mec était pharmacien et elle dit quand il est en mode pharmacien avec ses lunettes et que je le suce il est pas chiant, donc je me suis dit tant qu'à faire et qu'en plus il a son boxer Calvin Klein, du coup j'ai sorti le boxer Calvin Klein, j'ai mis les lunettes, j'ai pris des médocs, mais malheureusement elle n'est pas venue et c'est dommage. Inès qui dit je peux avoir un message de bienvenue, j'en ai pas encore eu, comment ça se fait, c'est bizarre ça, dis donc. Excuse-moi, c'est pas celui-là que je, pas du tout celui-là que je voulais mettre, c'est celui-là. Ne casse pas les couilles, m'emmerde pas. Bah voilà, tout simplement. Bon, Marion qui dit me souvenez pas que ça faisait autant de bien écouter Mickaël quand j'avais pas le moral. Christophe, j'attends toujours ton chiffre et lettre. Bah Marion, faut passer à l'antenne. Mais oui. Et puis Ariel qui dit c'est pas grave d'être célibataire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Exactement, oui. Mieux vaut être seul qu'accompagné de Toff. Voilà. Et Louis aussi qui dit on peut avoir une photo d'Eléonore également. Bah je sais pas si Eléonore a une photo, on va lui demander dans quelques minutes. On va faire le battle déjà sur le Facebook si elle veut. Et puis en attendant, eh bien on va prendre Séverine qui est avec nous. On parle des sextapes également encore hein, avec Toff, on va faire quelques appels. Si vous avez déjà fait des sextapes, les filles, les garçons, comment ça s'est passé? Vous avez regretté, vous n'avez pas regretté? Comment ça s'est passé? Voilà, 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. J'attends évidemment vos appels maintenant et on en parle juste après. Juste après le chéri, je peux te faire cocu. Et c'est Séverine qu'on accueille maintenant là. Salut Séverine. Salut Mike. Comment ça Mike, on the radio. Bon, Séverine, tu nous appelles pourquoi, dis-moi? Alors c'est pour faire le chéri fais-moi cocu. Non, je peux te faire cocu. Après tu vois c'est chéri je peux te faire cocu. Parce que chéri fais-moi cocu, le résultat est pas le même. Le résultat n'est effectivement pas totalement identique. Donc mais c'est pas grave. Chéri je peux te faire cocu. On va faire ça maintenant. Donc très très bien. Le principe, est-ce que tu connais le principe? Ouais, je connais. Parfait. Donc on va appeler ton mec, je le rappelle pour ceux qui débarquent. On va donc appeler ton mec maintenant. Tu vas lui faire croire que t'as rencontré un mec bien sous tout rapport, c'est-à-dire Michel, moi-même bien sûr, hein. Bonsoir. Quel beau Michel. Voilà. N'est-il pas? Et donc bah forcément, tu vas lui faire croire que je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir et que bah voilà. Toi bon, ça fait combien de temps que t'es avec ton mec? Ça fait 13 ans. Oh là là, oui. Oh là là. Bah toi, évidemment, Dieu, après 13 ans, t'hésites quand même à, effectivement, coucher avec lui juste un soir, quoi, tu vois. Enfin, avec moi, en l'occurrence. Ouais. D'accord? Pour l'hygiène. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pour le ramonage. Où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer avec toi récemment? Alors, chez ma meilleure amie qui s'appelle Fata. Elle s'appelle Fat. Fat comme voilà. Gras. Oui, Fat, parce qu'elle fait okay. 200 kilos. Non mais très bien, parfait. Et d'accord. Et donc on peut dire que c'est une rencontre chez elle, très bien. Est-ce qu'il a des défauts physiques, ton mec, ton mari, vous êtes mariés ou pas au fait? Non, on n'est pas mariés, non, pas du tout, pas encore. Bon, est-ce qu'il a des défauts physiques? Non, pas encore, au bout de 13 ans, t'as raison, c'est pas assez. Est-ce qu'il a des défauts physiques? On va dire côté poids, quoi. Son poids qui le gêne un peu, quoi. Ah, il est un peu gros, il est un peu fat? Ouais, il est un peu gros, quoi. Très bien. Bon, eh ben, je prends bonne note de ça. Et, écoute, on va l'appeler. Tu lui dis alors, on est chez moi, évidemment, hein. Tu lui dis qu'on est chez moi, hein, parce que si jamais il débarque, ça va pas le faire. Donc, tu dis qu'on est chez moi. T'es dans quelle ville, toi? Alors, sur Cambrai. Cambrai, ah, dans le nord. Oui. Voilà, dans le nord. On fait des vannes à base de bêtises ou pas? Non. Bon, bon on y va, on l'appelle, t'es chez moi, je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir. T'as pas encore accepté, mais tu lui demandes son autorisation, d'accord? D'accord. Bon, allez, on y va, moi je suis derrière, je vais certainement très très mal te parler à certains moments, mais rassure-toi, c'est normal. Oui, tu aimes ça. Voilà, on y va, et bien sûr, évidemment, te rebelle pas, hein. Toi tu es soumise à moi, bien entendu, c'est ce qui va l'énerver encore un petit peu plus, et accessoirement, ça va me faire plaisir. On y va? Ouais. Allez, on y va. C'est parti, bonne chance Séverine. On y go. Allô? Allô, c'est moi. Ouais, ça va? Pourquoi ouais, ça va, ouais. Pourquoi tu m'appelles en mosquée? Ça va, je te dérange pas. J'étais parti faire ta partie de jeu. Ouais, mais je suis pas chercher les pizzas, tout le monde. Ouais. Ouais. Ben, je t'appelle parce que j'avais quelque chose à te dire, quoi. Je vais y aller direct, quoi, parce que bon, ben, voilà. Je voulais te dire, j'ai rencontré un homme, Michel. De quoi? Je voulais te dire que j'ai rencontré un... Bon, arrête, t'es connu, t'as rien mieux à faire. Ouais, allez, arrête là. Et Ah, oh, quelle violence! Il a déjà raccroché, dis donc. T'as rien d'autre à faire? T'as des conneries à faire? Bon, on le rappelle. Vas-y donc, ça va être expéditif. Ouais, on y va. Allez, c'est reparti, on le rappelle. Dis donc, alors, et je vais le démonter, lui, tu vas voir. Allez. Ouais, c'est moi, t'as raccroché. J'ai pas fini, je voulais te dire, bon, ben voilà, j'ai rencontré un homme, Michel. Et super sympa et tout, et cool, et je voulais, ben laisse-moi finir, je voulais te demander, parce que je te demande en plus, c'est parce qu'on voudrait passer une nuit ensemble, un soir ensemble, et en gros, je te demande quand même l'autorisation, quoi. Tu demandes l'autorisation? Attends, tu te fous de ma gueule, là, quoi. Est-ce qu'il est d'accord? Attends, 13 ans de vie commune, et puis tu me téléphones pour me dire ça, au moment où je suis avec des potes. Est-ce qu'il est d'accord? Je te demande quand même. C'est qui, le connard, derrière? Bon, est-ce qu'il est d'accord, Séverine? Ah, t'es d'accord? Mais c'est qui ce connard? Mais bon, je suis d'accord. Bon, ah, il est d'accord ou pas? Il va sucer mon pain, lui, tiens. Bon, est-ce qu'il est d'accord? Passe-le-moi deux secondes, tu vas voir. Tu lui as demandé? Non, je suis chez lui, je suis chez Michel, là. Attends, t'as attendu que je me casse chez des potes pour aller chez lui? Attends, t'as fait comment? C'était bien organisé, le truc? C'est bon ou pas, Séverine? Bon, sinon tu me le passes, hein. J'ai l'habitude, quoi, moi, je suis négociateur. Eh, toi, tu vas fermer ta gueule. Attends, bah, passe ta voix. Allô? T'as vraiment une petite voix de frappe, toi. Quoi? C'est un poney, là, qu'est-ce qui se passe? Attends, je comprends pas, t'es qui, là? Toi, t'es qui, toi? Comment tu t'as... Bah, moi, je m'appelle Michel, et bah, toi? Attends, je vais pas sortir ma fiche d'état civil, mon grand. Tu vas sortir quoi? Je vais pas sortir ma fiche d'état civil, t'es qui, toi? Non, mais je m'en fous, t'as pas un prénom. Chiotte, en plus. T'as pas un prénom? Qui sait peu de foutre mon prénom? Bah, je sais pas, je te demande, c'est pour qu'on fasse connaissance, on va partager la même meuf l'histoire d'un soir, alors ce serait quand même bien que... Ouais, mais t'inquiète pas, moi, attends, Séverine, comment il s'appelle? Je tire un bullisting. C'est quoi son prénom? C'est Gellar. Après, tu vas draguer sans bord. Comment? Il s'appelle Gellar. Bah, c'est toi, Gellar, c'est vous, tu me fais quoi, là? Eh, mec, tu fous de la gueule de mon prénom alors que tu t'appelles Gellar? Ouais. Non, mais attends, dis donc, t'es sérieux, là? C'est ton vrai prénom ou c'est un pseudonyme? Ouais, j'ai mon pseudo, je vais te foutre sur la gueule, mon pseudo. Ah, c'est un pseudo? Ah non, mais d'accord, mais cela dit, t'as mauvais goût, parce que encore un prénom, tu le choisis pas, mais un pseudo, tu le choisis, quoi, donc là, c'est quand même dur, hein. T'as vu Michel, ça vient d'où, ça, Michel? Bah, attends, Michel, quoi, c'est un prénom français, monsieur. Mais j'en ai un fou, tu me parles de prénom, là. Oui, d'ailleurs, effectivement, on s'écarte un peu du sujet. Je vais sucer mon poing, mon gars. Quoi? Mais attends, ouais, tu sais pas à qui tu parles? Eh oh, reste calme avant que je te mette une patate, moi, t'as compris? Me ferme ta gueule! Oh, qu'il est con! Ok, hey, hop, qu'il est bête! Hey, il est con, ton mec! Je suis déponé, mec, il y a une voix de chiotte! Ça m'exaspère, toi! Bon, j'arrive, toi, tu me lances pas au téléphone! Mais t'arrives où? Tu sais même pas où j'habite? Oh, qu'il est con! Il est parti! Ah, c'est vrai, il est parti! Ah, il est chaud, hein! Attends, on le rappelle, parce qu'en même temps, il part, il sait même pas où il va, donc attends, je le rappelle! Allô? Oh, qu'il est bête! Eh, tu vas venir où? T'es même pas où j'habite? Qu'il est con, lui? Ouais, je vais chez moi, là. Eh, tu vas faire quoi chez toi? Y'a personne? Ouais. Bah, déjà, je vais savoir où elle a mis les enfants. Ça, j'en sais rien, moi, on s'en fout. Ouais. J'ai rien à voir avec les enfants. Je voudrais bien savoir comment tu as dit ici devant mes enfants. Salut, je m'appelle Michel. Salut. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Ton métier, c'est prostituée, tu suces tes trottoirs. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Je vais t'attraper, toi, tu vois. Mais tu vas m'attraper de rien. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Avec tous les trucs qui sont sur internet, il n'y a pas capable de trouver une femme. Ah bah non, moi je préfère me faire branler par ta femme, c'est plus sympa. Là, tu casses les coupes avec des enfants en présence du Covid. Mais ça n'a rien à voir, je casse. Eh, toi, ma femme, toi, je m'en fous ta gueule, je m'explique. Je casse rien. Attends, je te la repasse après. Attends, je vais te la repasser, mais. Dans les affaires, tu vas être beau après dans les affaires. Eh, je casse. Ah putain, il en reste plein de choses. Eh, Séverine. Oh putain, il est reparti. Ouais. Attends, vas-y, on le rappelle. Et cette fois, tu lui parles, tu dis, bah vas-y, putain, pourquoi tu lui parles comme ça? C'est un mec, c'est un homme d'affaires, il peut nous avoir des ristournes sur je sais pas quoi. T'essayes de lui dire ça. Allô, ma femme, là? Ouais, c'est moi. Mais pourquoi tu m'appelles? C'est quoi, tu m'as remercié? Attends, tu vois pas comment tu lui parles, là? Attends, c'est un homme d'affaires, c'est un homme bien. Attends, comment tu lui parles, là? T'as une caméra, là, je suis filmé, là. Attends, on téléphone et tout. Mais t'attends ce moment-là pour me dire au téléphone. T'as un truc et tout, attends, je le connais pas, hein. Je le connais pas, mais je vais pas le connaître. Lui, il va me connaître, par contre. Bon, est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Attends, téléphone pour demander la permission et tout. Moi, je l'ai la chance, mais toi, tu sais pas. Il va t'arriver un gros malheur. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? C'est quoi, c'est chapitre qui s'y parle de loin? Non, parce que tu lui demandes quand même son avis, t'aurais pu le tromper sans rien lui demander, hein. Ah ouais, j'aurais pas dû. Ah, bah voilà. Alors, est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Non, non, il s'en rend pas compte, à mon avis, je pense pas. Ouais, en général, en tout cas, on est toujours dernier averti. Ah, mon gros, tu te rends compte ou pas de la chance que t'as? Ouais, mon gros. Hein, parce qu'il paraît que t'as un peu dans bon point, là, non? Tiens. On a discuté un peu avec ta copine, là, tout à l'heure. Apparemment, t'es un petit peu gros, quand même, non? Tu vas arriver à faire... T'as un athlète, toi, sorry. Ah bah bien sûr, attends, moi je suis un homme d'affaires, moi je fais du sport quand je vais dans les hôtels, tout ça, j'ai une salle et tout, hein. Moi une salle, j'ai un coach privé. Un bureau, on va sortir du bar à Saint-Rouvent. Non, moi j'ai un coach privé, tout ça c'est la classe. Lui, hein. Lui, un coach privé, hein, qui se la raconte. Mais attends, mais je me la raconte avec pas. Avec ta voix de Vincent McDoom là. Mais Vincent McDoom, dis donc, je préfère avoir la voix de Vincent McDoom que le beat de Carlos. Il est content, il rigole. Il est content. Je vais t'arracher. Mais tu vas rien m'arracher, arrête ton cinéma. Voir, bon, est-ce que je peux me taper ta meuf ou pas finalement alors? Bon, oui ou non? Attends, attends une seconde. Séverine, Séverine, tu peux me chercher un coca, s'il te plaît, là? Dans le frigo, là, tu regardes, fais comme chez toi. Tu prends un coca. Ouais. Et pas comme tout à l'heure, un froid, tu mets des glaçons, quoi, d'accord? D'accord. Non, parce que tout à l'heure, j'ai dû m'énerver, donc ça m'ennuierait de me réénerver maintenant, tu vois. Parle comme si de rien n'était. Bah, vas-y. Eh ben, n'attends pas, qu'est-ce que t'attends, là? Oh là là. Oh, qu'elle est gourde. Oh, qu'elle est gourde. Eh, dis donc, elle est comme ça aussi avec toi? Oh putain, qu'est-ce qu'il est relou lui. Il est relou à raccrocher, putain, qu'il casse-couille. Bon, bouge pas, c'est vrai, on le rappelle. Attends. Tu raccroches encore une fois, moi je te fais tourner 10 fois le tour du bloc, tu vas voir, tu vas perdre 10 kilos là. Tour du bloc. Ouais, oh, je t'accroche à mon pare-choc et tu vas aller jusqu'à Furiani là. Oui. Toi tu vas fermer ta gueule, tu commences à sérieusement me gonfler là. Bon bah je vais baiser ta meuf. Alors très bien, merci Séverine pour le coca là. Prochaine fois tu mettras le même avec les deux. Allez où là? Allez où? Toi je vais te démonter ta gueule toi. Et toi tu te tais toi avant que je te mette deux claques, t'as compris? Oh là là. Impossible d'avoir une discussion avec ce mec. Ouais c'est ça, on n'arrive pas à parler avec lui quoi. Toujours qu'il raccroche, c'est dingue. Mais c'est l'hallucination quoi. Bon on rappelle. Ouais. Eh gros, je crois que j'ai pas été assez clair toi, tu vas me lâcher la grappe toi. Été assez clair sur le fait de raccrocher là. Je passe la semaine tous les 30 mètres. Hein, il me semble que j'ai pas été assez clair, hein gros. Ouais, j'ai pas été assez clair. Mais toi, tu vas pas être clair. Alors, écoute. Non, écoute-moi bien, je vais te laisser une chance. Tu t'excuses et on fait comme si c'était rien passé. Tu m'excuses de quoi? Toi tu t'excuses envers moi d'avoir été grossier, de ne pas m'avoir laissé parler et de ne pas m'avoir avec laissé baiser ta meuf. Avec un grand sourire. Alors dis maintenant, Michel, je m'excuse. C'est de Béo. Mais non, dis Michel, Béo. Je m'excuse et je m'en vais. Et je fais rien avec ta femme. Béo, mais t'as un blaireau toi. Bah dis-moi, dis Michel, je m'excuse. Je m'excuse. Au téléphone, là, t'es fier au téléphone. Non mais dis je m'excuse. Tu préfères. Tu es ton couple plutôt que t'excuser, c'est quand même dramatique ça. Attends, attends. Bah tu si je te dis. Tu veux m'appeler ma femme, il y a l'air des voyages là, tu m'appelles en disant mais toi tu vas fermer ta bouche. Dis je t'excuse, dis je m'excuse. Attends. Bon Séverine. Oui. T'as quand même du courage hein, parce que putain ça doit pas être facile tous les jours. Ah c'est vrai. Ouais c'est vrai hein. Caractère, hein. C'est vrai, ça va pas être facile tous les jours. Dis-lui qu'il ferme sa gueule, lui, là. toi, tu fais quoi, toi, là? Espèce de petit pili de merde, va. Je fais le même sur PS3 avec mon micro. Tu sais, je change la voix. Ah ouais? Ouais. Ah, donc c'est cool, ça. Hein? Ouais, c'est relou. Ah bah ouais, c'est vrai, ouais. Ferme ta gueule, connard. Oh, c'est quoi, ce sketch? Vas-y, va te reculer, connard. C'est où? C'est quoi? Ferme ta gueule, gros bâtard. Là, t'as vraiment une boîte chiotte, là. Ferme ta gueule, gros bâtard. Je vois de chiottes. Ferme ta gueule, gros bâtard. Eh, dites-lui même, toujours même. Ferme ta gueule, gros bâtard. Bon, Gaylord. Ouais, sur les rôles des, c'est de bouffons. De quoi? Gaylord, c'est Mickaël. Mickaël, quoi? C'est Michel, Mickaël, c'est qui? Non, c'est mais non, gars. Je m'appelle Mickaël, en vrai. Ouais, bah c'est pas mieux, hein, Mickaël. Mickaël, c'était quoi ton pseudo alors? Non, c'est mon vrai prénom. Mickaël, c'est mon vrai prénom. Ton cousin, c'est Vincent McDoon aussi. Non, c'est pas mon Vincent McDoon, mon cousin. Non. Bon, par contre, t'es bien sur Fun Radio en revanche. Ouais. Oh là là. Est-ce possible? Oh là là. Est-ce possible? Wow. Sérieux là? Mais oui, on est sérieux là. Depuis tout à l'heure là, quand je te disais qu'il fallait que tu t'excuses là, sans déconner. Mais sérieux là? Mais oui, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Eh ouais. Mais oui. Bon, là, je peux m'excuser par contre. Ah voilà. Envie de raccrocher pour autre chose. Vois quand tu veux. Bon, Séverine et Gaylord, vous allez rester au standard. Je vous repasse Sandro maintenant, et puis vous allez gérer le cadeau avec elle, d'accord? D'accord. Salut à vous, à bientôt. Bisous, allez, au revoir. Merde, j'ai coupé mon micro. Allez, ciao. Et donc, je rappelle que si vous voulez refaire aussi un chéri, je peux te faire cocu demain éventuellement ou lundi. Hein, dans l'absolu, c'est lundi qu'on fait ça, on sait jamais. Donc vous appelez maintenant Sandro 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Oh, Éléonore, on aurait pu faire ça, un petit chéri, je peux te faire cocu, si t'avais pas été célibataire. Hein. T'as le mec qui remue le couteau dans la plaie là. Ouais, mais une fois qu'elle aura trouvé un mec, elle pourra le faire. Exactement. Et d'ailleurs, il y avait des auditeurs qui demandaient si on pouvait mettre ta photo, Éléonore, que tu m'as envoyée, donc j'en déduis qu'on peut la mettre. Oui. Bah, t'es plutôt mignonne, une petite blonde, Éléonore. Hein. Non, je suis pas blonde, hein. Bah, si, sur la photo que tu m'as envoyée, t'es un peu. Attends. Un peu châtain, quoi. Ouais, un peu châtain, mais enfin, t'es pas brune non plus, quoi. Attends, t'es sérieuse. Oh. T'es... Bon, t'es pas blonde, t'es quand même. T'es quand même châtain très très clair, quand c'est même. C'est ce qu'on appelle blonde caca. Non, attends, c'est pas comme ça. Ah, pardon, je. Hein ah, bah, donc, elle ira bien avec toi si c'est ah ouais. Blonde caca. C'est romantique, Paulo. Éléonore, t'es pas blonde, mais enfin, t'es pas brune. Entre les deux, quoi. Ouais, bon, bah, allez voir sur le Facebook, je la publie. Je peux la mettre, hein. Je peux la mettre, oui, Éléonore. Oui, oui, oui. Très bien. Oui, oui. Bon, allez la voir sur le Facebook et le Twitter. Là, vous m'ajoutez sur le Twitter, vous ajoutez M-I-K-L underscore officiel. Le underscore, c'est la petite barre en bas. Et puis, bah, sur le Facebook, c'est facebook.com/M-I-K-L officiel. Tout simplement, vous venez nous rejoindre. Et puis, bah, voilà, donnez vos avis, hein. Pas la peine de mettre des trucs dégueulasses. Ça sert à rien, évidemment. T'enverras, hein, mais c'est déjà loup, t'inquiète pas. Bon, il y a toujours la photo, évidemment, de Maëva. Alors, évidemment, l'avantage avec Maëva et Éléonore, c'est que c'est deux meufs totalement différentes. Ouais, c'est deux styles bien écartés. Voilà, ouais, complètement. Et Dieu sait qu'il aimerait bien Toff. Ah, bon. Écarté, oui. Ah oui. Et donc voilà, facebook.com/mikelofficiel. Vous pouvez voir Maëva, vous pouvez voir la copine de Maëva, Lisa, et vous pouvez voir Éléonore que je viens de mettre maintenant. facebook.com/mikelofficiel. Il y a Baptiste qui dit oh là là, les chéris, je peux te faire cocu, sont toujours autant magiques. De Kaiser qui dit vous êtes complètement dingue. Il y a Stacy, en tout cas, j'avoue, ce soir, le chéri, je peux te faire cocu est carrément puissant. Je suis éclaté de rire. Il y a Julien également, alias Kinkin, qui dit mais bon, c'était tellement drôle. Stéphanie qui dit tu vas aller jusqu'à Fouriani. Oh putain, quel tueur ce Michel. Ah oui, attention, moi je suis un petit peu corse dans la tête. Olivier également qui dit tu vas pas lâcher la grappe, il a trois boules ou quoi. Et Thomas qui dit mort de rire, le gars il traite de connard, tu vas sucer son poing. Ouais, il m'a quand même dit attends, je vais te faire sucer mon poing. Et Megumi qui dit la voix de Vincent McDo m'a tué et énervé, on ne parle pas à mon Michel comme ça. Non mais attends, mais à quel moment, même quand je fais Michel, le mec relou qui fait hey, oh, j'ai quand même pas la voix de Vincent McDo, Éléonore. Pardon ? J'ai quand même pas la voix de Vincent McDoom. Non, pas du tout. Ah bon, bah ça me rassure. Et Elise aussi qui dit je vais pas te sortir ma fiche d'état civil. Oh putain, il m'a tué. Et puis le tu vas sucer mon poing. Et puis évidemment le EO légendaire de Michel, bien sûr, Elise. Et enfin, il y avait un message de Laurie qui dit avec Marcia, tu n'as peut-être pas ta chance, mais avec moi, tu as des chances. Lol. Ah bah merci, Laurie. C'est gentil. Au moins quelqu'un qui récupère. C'est gentil. Et Smile qui dit ils sont en train de me faire un arrêt cardiaque. Hello également qui dit on a raté 1h30 d'émission. Un énorme coup de pelle pour nous quatre. Steph, Elodie, Aurélien et moi. Laura, ah bah oui, ça je vous confirme, évidemment, si vous avez raté 1h30 d'émission, un coup de pelle et en plus je vous mets des messages. Non mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Où tu voles, espèce de pervers, espèce d'enculé. Voilà, au moins c'est fait, c'est plié. Bon, Éléonore, tu restes avec nous, Maëva, t'es toujours là ? Ouais. Et Mathieu qui voulait réagir aussi au sextape, t'as déjà fait des sextapes ou pas toi, Éléonore ? Non, pas du tout. Jamais ? Pas envie ou tu t'en branles ? Non, pas du tout. D'accord, mais pas de problème. Il y a Sophia également, c'est là qu'on va récupérer. On va se faire la colle encore une fois avec Jérémy. On donne la réponse juste après le son de Zid avec Hayley Williams. Ce sera Stay the Night. Bon, on va en profiter pour la répéter encore une dernière fois. Jérémy, t'es là ? Jérémy ? Oui, je suis là. Ah, très bien. Allez, hop, c'est parti. Répète encore un dernier coup la colle. Ok. J'ai des écailles, mais je ne suis pas un poisson. J'ai une couronne, mais je ne suis pas un roi. Qui suis-je ? Bon, alors il y a Fredo qui proposait Poséidon. Non. Bon, on proposait la reine. Non plus. Neptune. Non. La réponse, c'est ma bite. C'est pas moi qui le dis. Hein. Non. Non plus. On proposait un crabe. Non. Non, bon, bah tant pis. Si vous avez la bonne réponse. C'est qui qui a des écailles sur une bite ? Bah, je ne sais pas. C'est pas vrai moi, qu'il en tout a cas. Des écailles. Ah, il a peut-être dû l'écailler encore hein, sur le. Oh, c'était classe. Quelle horreur. Donc, bah, si vous avez la bonne réponse, donc je répète, j'ai des écailles, mais je ne suis pas un poisson. J'ai une couronne, mais je ne suis pas un roi. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L. les 4 lettres, espace votre réponse au 6322 pour la Belgique, au 64900 évidemment pour la France, et bien sûr aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L officiel. Éléonore ? Oui. Il y a un message qui vient d'arriver, il y a Julien qui dit c'est pas normal qu'elle soit célibataire, elle est magnifique. Et Kevin qui dit on peut avoir le Facebook d'Éléonore. Oui, c'est 5€ par Facebook que je donne. Il y a Xav qui dit elle est belle. Oh là là les chéris, je peux te faire cocu, toujours aussi magique. Bah voilà, tu vois, t'en as plein des mecs qui sont totalement disponibles. Ça fait plaisir. Mais oui, ah, tu vois. Grand, du beau, du fort. Je ne parle pas de Toff, bien entendu. Ah, pardon. Non, pas du tout. Bon, Éléonore, reste avec nous. On a Alex dans quelques minutes également. Et puis le son de Zid qu'on écoute maintenant. À moins que tu aies envie d'écouter un truc en particulier, Éléonore, ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Zid, ça te va, Zid ? C'est ça. Avec Stay the Night. Quoique, Je me ferais bien un son qu'on n'avait plus mis depuis longtemps et c'est bien dommage. Le son de Showtek. Tu préfères quoi, dis-moi, Eleonore? Un Burn de Ellie. Ellie, c'est ça? Alors, je te proposais Zid avec Stay the Night ou alors Showtek avec Booyah. Aucun des deux, mais tu peux me dire merde, hein. Stay the Night, d'accord, ok. Et toi, Mathieu? Showtek. Showtek, et toi, Maëva? Ouais, peu importe, hein. Toi, t'en branles, très bien, Alexandre. Ouais. Ah bah moi, j'aimerais écouter un vieux truc, genre les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas, très bien. Tu as remarqué que dans la proposition, je te mettais Zid ou Showtek, hein. L'autre, il a... Eh bah moi, je vais écouter les Black Eyed Peas, c'est pour faire chier tout le monde. Ok, et toi, Sophia, bonsoir de Reims. Showtek. Showtek, et toi, Salah? Showtek. Showtek, et toi, Jérém? Showtek aussi. Bon, bah, à l'unanimité, on va se mettre le Showtek. Alors, attendez, il faut que je le retrouve parce qu'évidemment, c'est pas prévu. Alors, voilà, je tiens à passer un message, évidemment, parce qu'ils vont gueuler comme d'habitude, au sous-sous-chef ainsi qu'au sous-chef. Alors, est-ce que à la prog, c'est le sous-sous-sous-sous-chef ou pas? Ah bah je sais plus maintenant. Ah bah je sais pas. Non, à la prog, il est pas chef. Il est non. pas chef. Bon, il est programmateur. Bref. Donc voilà, oui, c'est vrai que normalement c'était pas ce titre-là qui était prévu, mais bon, c'est pas grave. On se le met maintenant. Oui, c'est ça, minuit 50 de toute façon. C'est toi le faire patron, le monde là. Exactement. Vas-y, je suis le big boss du 23h-2h. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon allez, Showtek, on l'écoute maintenant. Ah, c'est bon ça. Très bon. Et on récupère tout le monde en direct dans un instant sur Fun Radio. Vous restez tous là, on vous reprend juste après tout le monde. Allez, bonne nuit, c'est Mickaël No Limits. Pitoyable mais pas digne de pitié. Vous êtes un imbécile, vous êtes un imbécile. Ne perds pas les couilles, m'emmerde pas. 23h-2h. Mickaël No Limits. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Oui, on a que ça à faire, effectivement. Il y a Thomas qui dit vous cartonnez tous, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Elodie qui dit un message de bienvenue pour moi, s'il te plaît. Oh bah t'en as eu plein là, des messages de bienvenue hein, qui viennent de passer justement à l'instant là. Hein, il y a eu pas mal là quand même d'un coup là, non? Ah bah ça donne envie tout de suite hein. Ah bah tout de suite oui. T'en balances un ou deux ou trois bah, et c'est parti hein. C'est ça. Attends, je vais t'en mettre encore un petit peu. Tiens voilà, hop là, c'est parti. Toi fils de pute dans le cul de ta grand-mère. Oh, ça faisait longtemps qu'on l'a plus mis celui-là. Oui, il manquait. Va te faire enculer au PD. Oh oui, on va faire des nouveaux appels maintenant. Tiens, bah alors Éléonore, toujours là? Oui, je suis toujours là. Plein de messages qui arrivent, hein. Jean-Michel qui dit « Superbe demoiselle, comment cela se fait-il qu'elle soit célibataire ?» Ah oui, mais quel est le vice caché, Éléonore? Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Je suis relou. Bon, il y a Roro qui dit elles sont mieux, Maëva et sa copine. Il y a, oui, mais c'est pas pareil, c'est deux styles totalement différents. Zacharia qui dit Eleonore est juste belle. Je suis intéressé, moi. Bon, non, au contraire, m'aurait étonné. Stéphane qui dit merci pour le bon moment de fou rire. Il y a également Nina qui dit moi aussi je veux des gemmes, Mickaël. Oui, mais c'est vrai que t'es plutôt mignonne, Nina. Mais non, mais c'est pas possible. Ouais, mais je vous ai dit, sur Fun Radio, il y a que des bombes. Que des bombes de meufs. Alexou qui dit latin. Alors autant les mecs sont moches. Mais c'est pour ça que je sais que j'ai ma place sur Fun. Espèce d'enculé. Envoyez vos photos les gars là. Remontez le niveau bordel. Et il y a Alexou qui dit mort de rire le chéri, je peux te faire cocu de tout à l'heure. Le mec il me casse de rire, je vais te faire sucer mon poing. Anaïs qui dit mort de rire, il prend mouche grave. Ouais, le mec dans le chéri, je peux te faire cocu, c'est un peu énervé. Et Viva Madrid qui dit Gaylor bonsoir. Alex également qui dit je veux bien rencontrer l'auditrice célibataire. Tu nous as pas dit laquelle, Éléonore ou les autres. Et Ludivine qui dit juste que mon mec est un gros connard mort de rire. Monsieur Dor, je prends son tel et hop, message d'une meuf, du coup, il me répond, c'est pas moi, j'ai rien envoyé, je lui ai fait bouffer son téléphone. Ah oui, c'est Ludivine qui a dit qu'elle avait juste envie de pleurer. Appelle-nous Ludivine, là, appelle Sandro maintenant, tu passeras en priorité. Vas-y, appelle tout de suite. Voilà, là. Je te laisse la prioritaire, ligne priorité sur le standard. 01 42 48 5000 pour la Belgique, si tu es de là-bas. 02 851 4x0. Et Elodie qui dit je rentre de Dinard, vous êtes géniaux, gros bisous, c'est Elodie, ben, gros bisous à toi. Et Megumi qui dit t'es magnifique Mickaël, peu importe comment tu es habillé, tes lunettes te donnent un petit côté intello qui te rend encore plus sexy, je trouve. Merci Megumi. Je rappelle que j'ai fait une photo tout à l'heure pour plaire à Marcia qui m'a jeté là. Ah oui, qui t'avait conduit, je ne comprends pas Mickaël. Bah, alors que j'étais en mode pharmacien, parce que c'est ce qu'elle kiffait, avec les lunettes de Sandro, le boxer remonté jusqu'au nombril et des médocs hein, pour faire pharmacien, et je comprends pas ça. Ouais, t'étais en mode beau gosse. Ouais, exactement, oui. Tellement beau gosse. Donc facebook.com/Mickaël officiel si vous voulez voir. T'as vu la photo ou pas, Eleonore, toi? Est-ce que je t'ai plu? Non, j'ai pas vu la photo. Bah, faut que t'ailles voir. T'as pas internet là sous la main? Si, j'ai la tablette. Va voir, facebook.com/mikaelofficiel ou alors tu m'ajoutes sur Twitter si c'est pas encore fait, tu tapes mikael_, donc c'est la petite barre en bas, mikael_officiel. Voilà, tu vas voir là une petite photo, tu descends un peu là, je l'ai mise il y a une heure et demie où je suis en mode avec des lunettes, avec les lunettes de Sandro, en mode pharmacien. Moi je me trouve séduisant, classe. Tu es trop beau. Exactement. D'ailleurs, je ne comprends pas que les filles puissent te refuser. Non, mais je ne comprends pas non plus. C'est un truc... D'ailleurs... Et en plus, tu m'imagines avec les lunettes en train de chanter. Attention, j'ai ressorti la guitare. Tu es magnifique, je trouve. Ah, t'as vu. Est-ce que quelqu'un t'a déjà chanté quelque chose, Éléonore ? Non, pas du tout. Voilà, regarde, écoute, je chante pour toi en live dans le studio. Attention. Et je joue en live aussi la guitare. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est magnifique. Ah, t'as vu un peu, hein ? Est-ce que je te plais comme ça, là, avec le... Un mec qui joue de la guitare, en général, hop, c'est plié. Ouais. En théorie, c'est plié. Hein. Ouais. Et en plus, même la guitare électrique, je joue, là. Qu'est-ce que t'es balèze. Bref, t'as pas le temps, toi. Un talent surdimensionné. Je peux même faire de la batterie. Bah, vous l'avez entendu, hein, quand j'ai fait les Guns N' Roses, je faisais de la batterie même temps. Bah, t'es un musicos, bah, quoi. Ah, attention, je m'éloigne un peu du micro, parce qu'il y a la batterie, ça prend de la place. Allez, 3, 4. Alors ? C'est pas mal. Encore ! Sympa, hein ? Ouais. Sympa, alors que l'autre, alors que l'autre bouffon, là. Hein, par rapport à ça. Romantique. Ah ouais, romantique, tu parles. Je romantique, tu disais quoi de Maëva tout à l'heure? Oh, Maëva, je la sur la table. Attends, elle est là. Maëva? Oui. Attends, il y a Polo qui veut te faire une déclaration d'amour. Il va te répéter la même chose que ce qu'il a dit hors antenne. Non, j'ai et dit si que... jamais il ne le répète pas, Sandro sera là pour remettre l'église au milieu du village. Maëva, attends, musique comme il faut. Non, je disais que Maëva était sublime, elle avait des cheveux magnifiques, elle était belle, maintenant. Elle était belle comme un printemps radieux. Et que voilà, c'est tout, qu'elle était magnifique. Je m'appelle Polo et Maëva, je la bourre sur la table, je la démonte. Oui, mais tu as oublié le principal. Il s'essuie dans ses cheveux. Ah oui, bah ça, c'est pas vrai. C'est une campagne de dénigrement. Non, c'est pas vrai, Maëva. C'est bien beau tout ça. Pourquoi t'es intéressée, Maëva? Je me disais c'est bien. C'est pas vrai, Maëva, les écoute pas. Bon, il y a Elodie qui dit je kiffe grave ta tenue de pharmacien. Merci, Elodie. Il y a Denis qui dit c'est une beauté, Éléonore, elle est d'où? Elle est de Mons, en Belgique, à la frontière française. Voilà, c'est ça, t'es à Mons précisément ou oui, t'es c'est où? Ça. À Mons même? Non, aux alentours de Mons. D'accord, où ça? Framerie. Ah, Framerie, d'accord. C'est une belle ville de Framerie. Oui, on connaît bien, oui. Très bien. Bon, il y a Quentin qui dit demain je bosse Mikou, Mikael, mais c'est pas grave. Bah oui, mais Quentin, moi aussi je travaille demain, ça m'empêche pas d'être jusqu'à 2h. Bah oui, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'on commence à 23, ça aide. Thomas qui dit j'aimerais bien savoir quel âge a Éléonore et où elle habite. Bah je viens de le dire, et pour son âge, c'est 26 ans. T'as du succès, Éléonore, hein. Bah oui, vois ça. Ouais. Bah tu vois, finalement, elle était célibataire, je comprends pas. Stéphanini qui dit vu que les mecs sont tous des cons, je vais adopter un chat. Oui, c'est une idée, Stéphanini. Et Ludwig. Un chat, qui... c'est con aussi parfois. Oui, hein, mais au moins tu le sais. Quand oui, tu c'est prends, vrai. Tu sais qu'il est con, tu oui, vois. Oui, bah, les mecs, on a plus de surprise maintenant. Hein. Oh ouais, mais quand même. Hein. Il y en a quand même encore qui essayent de se faire passer pour quelqu'un de bien, alors qu'en fait, c'est tous des connards. Bah oui, Polo, quoi. Voilà. Et Ludwig qui dit je garantis que ce soir, au standard, il y a du lourd avec Maëva et les autres. Waouh, j'en ai plein les yeux. Et enfin, Megumi, je veux pas jouer les casse-couilles, mais tu avais pas dit que tu passerais Eminem et Rihanna. Oui, Megumi, mais je pense que l'émission n'est pas finie. Bah, c'est ça. Hein, enfin, je pense, hein. Oui, oui. Bon, c'est vrai, je vois. Voilà, on ne t'aurait pas prévenu. C'est vrai, t'as oublié. Oh putain, on le veut, Rihanna. Mais oui, on va le mettre, c'est bon, ça va. Eminem, Rihanna. Hein, ouais. On est plus chez nous ici, là, c'est un truc de fou quand même. Bon, allez, avant de faire les appels encore avec Toff, on donne le gagnant ou la gagnante, peut-être maintenant, de la colle. Jérém ? Ouais. Alors, on t'a avec nous depuis 23h pour la colle. J'ai des écailles, mais je ne suis pas un poisson. J'ai une couronne, mais je ne suis pas un roi. Il fallait donner la bonne réponse par SMS ou sur le Facebook de l'émission. On va donc appeler quelqu'un maintenant au hasard. Et je tiens à rappeler la petite règle. Hein, donc pour le Facebook, quand vous vous inscrivez sur le Facebook, on vous envoie un message privé vous demandant votre numéro de téléphone. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais comment ça se fait qu'on passe à l'antenne et qu'on doit être passé à l'antenne puisque personne ne demande notre numéro de téléphone. On vous le demande, mais il faut regarder vos messages privés, sinon forcément, ça tombe pas du ciel. Dans autre. Oui, parce qu'il y a autre quand on n'est pas ami, et comme Toff est banni sur la blacklist de Facebook, il arrive souvent dans autre. Oui, parce voilà. que les gens sont des abrutis. Il aurait été blacklisté, c'est tout. Il est blacklisté par Facebook. C'est pas même Zuckerberg, il a dit, attends, c'est bon, cette tête de merde là, tu nous avais enlevé ça directement, mon réseau social, il a l'image à tenir. Hein, je peux pas avoir une emballée à chiottes en photo de profil. Ça sera fait jeter de partout, lui. Le pauvre, quelle merde alors. Mais ouais, du coup, il se retrouve sur Google Plus. Bah, enfin, c'est bien, mais. Il s'est même fait jeter d'une soirée à laquelle il était invité quand même. Ouais. Oui, ouais. C'est vrai, exactement. Il était invité. Non, Toff, il y a un MySpace. Quoi? Il va se mettre sur MySpace. Oh putain, il y a que là qui peut aller. Oui, tout le monde s'en branle de là. Bon, Jérém, on y va, c'est parti. On appelle le ou la gagnante. Si il ou elle décroche et qu'il a la bonne réponse, c'est gagné pour lui. Tu perds donc. Et si c'est l'inverse, tu gagnes la Nintendo 3DS XL. On va voir. Allez. Oui. Allô, comment tu t'appelles? C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun. C'est Nicolas. Nicolas, t'es dans quelle ville? Dis-moi, Nico. Près de Belfort. Près de Belfort, très bien. Il y a Jérém qui avait une colle à te poser. Jérém, vas-y. J'ai des écailles, mais je ne suis pas un poisson. J'ai une couronne, mais je ne suis pas un roi. Eh ben, un ananas. Bravo. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà, ça y est, c'est fait. Bravo, Nintendo 3DS XL. Pour toi, tu peux remercier Jérémy hein, qui s'est fait chier à rester avec nous pendant 2 heures à l'antenne pour repartir avec que dalle. Eh ben ouais, c'est sympa. Voilà. Bah ouais. Alors que hier, Pierre qui posait la colle a gagné. A gagné, ouais. Comme quoi, ça arrive aussi. Bon, Jérém, allez, on va quand même te filer un pack fun, d'accord? Ok, merci beaucoup. Bon, salut Jérém, à bientôt. Hein. Salut. Ciao. Eh ben voilà. Et puis félicitations, toi tu vas rester au standard aussi. On va prendre tes coordonnées pour t'envoyer la Nintendo 3DS XL. Bravo. Ça marche, merci. Avec plaisir, salut et à bientôt sur Fun Radio, ciao. Bon, ciao. Eleonore et Maëva. Ouais. Bon, oui. Vous restez encore là les filles, on va donc appeler des gens comme on le fait depuis le début de l'émission pour leur demander s'ils ont déjà fait des sextapes. Tout à l'heure, Toff avait appelé, il s'est un peu fait jeter, hein, évidemment. Et toi Maëva, t'as déjà fait une sextape? Ah non, c'est pas mon délire. Jamais, d'accord, non mais pourquoi pas, pas de problème. Bon, on va donc appeler des numéros qu'on nous a envoyés, hein. Si vous connaissez des gens encore debout, évidemment, à cette heure-ci, n'hésitez pas à envoyer les numéros sur toff@funradio.fr. C'est parti, on y va, restez avec nous les filles. Faites attention, ça risque de... il va y avoir de l'insulte, je pense. Enfin, comme à chaque fois que Toff appelle, en général. Donc ne soyez pas effrayés. Enfin, si ça décroche un jour, évidemment. Allez, ça ne décroche pas. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà filmé vos rapports sexuels avec votre femme. Tu se m'habites? Je vois pas le rapport, monsieur. T'es comique ou quoi? Bah, pas du tout, je vous pose une question simple, monsieur. Et moi, je t'ai demandé l'heure qui était? Bah non, mais je vois pas non plus le rapport, monsieur. Ouais, bah je te dis, c'est un mythe, ok? Bah non, monsieur, c'est pas la réponse que j'attends. Non, bah alors, je suis mon grand. Tu te prends pour qui, toi? Je m'appelle Toff, monsieur. Toff? Ah ouais? Oui. Et bah, moi je m'appelle Bit. Et toi? Bah je m'appelle toujours Toff, ça n'a pas changé. Ah bah c'est bien. Ouais. Appelle qu'il faut, mais pas moi, d'accord? D'accord, mais ça répond pas à ma question, monsieur, au sujet de... la vidéo avec votre femme. Attention, nous sommes tombés sur un comique. Ah oui, oh là là, ah là, roi de la vanne, un grand comique. Ah oui, grand comique. Éléonore, Maëva, un grand comique, un grand clown que nous sommes, sur lequel nous sommes tombés là. On le rappelle? Allez. Bon, allez, c'est parti. Je m'appelle Bit. Oui, pourquoi pas. Et là, il décroche plus, ces gens. Il a peur, je suis sûr. Allez, il était comique. Ah, bon, on l'aura dans le cul, je pense. Oui, excusez-moi, monsieur, mais vous avez pas répondu à la question. Allez, votre affaire. Bah, non, je voulais juste savoir si vous étiez déjà filmé avec votre mari, madame. Oui, bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Bonsoir. Ah, on est bon là. Autant monsieur que madame, je pense que ça doit se marrer à la maison. Hein. Oh, quelle violence. Bon, on rappelle encore un coup là, c'est pour le... T'es sûr? Ah, c'est pour le fun, c'est moi qui régale. Ah, t'es dur. Oh merde. Oh. Ah ouais, il avait raccroché au nez directement. Oh, je suis déçu. Bon bah tant pis, c'est pas grave, raccrochage au nez, je suis très déçu également, mais c'est pas grave. Bon, Éléonore qui est avec nous toujours, la célibataire, la photo est sur Facebook, allez la voir. Et beaucoup de succès, hein. Il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir quel était le vice caché. Mais oui, il y en a qui disent c'est pas normal, elle est qu'elle soit célibataire, je comprends pas. Parce que regarde, on a mis ta photo il y a 22 minutes. Il était donc minuit 50, donc relativement tard. T'as quand même plus de 800 likes. Alors qu'on a mis par exemple Maeva il y a plus de temps, hein, on l'a mise il y a une heure et demie, presque deux heures, une heure et demie, ouais. Et elle n'a que 1360 likes, tu vois, c'est quand même pas mal dans les deux cas. Moi je préfère Maeva. Bah écoute, c'est deux filles avec un look et un style totalement différent. Donc allez voir facebook.com/mikaelofficiel et ajoutez-moi également sur le Twitter. On fera le top tweetos d'ailleurs. Toff, t'es prêt pour un petit topo du top tweetos là? Tout de suite là? Bah ouais, le temps que les gens m'ajoutent. Hein, M-I-K-L underscore officiel. Si vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas. Et puis on fera un top tweetos là tout à l'heure à 2h du mat. On élira l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Faut mettre un maximum de messages. Donc avec le hashtag, hein, c'est le dièse, le carré, vous appelez ça comme vous voulez. Hashtag et Mickaël, et puis on élira les 5 meilleurs, tous ceux qui réagissent en direct, hein, comme de Junior M qui dit Toff doit créer son propre réseau social pour ne pas se faire jeter. Le Toff Book. Il y a Screamir aussi qui dit oh la gratuité du sus ma bite. Ah oui, c'était complètement gratuit dans l'appel qu'on vient de faire. Mathilde qui dit je veux un message de bienvenue avec plaisir. Attends. Où tu vas là, espèce de perverse. Voilà Mathilde, perverse même plutôt. Non mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà, et Raphaël qui dit salut Mickaël, je suis nouveau ce soir, je kiffe ton émission, une petite dédicace ce serait sympa, merci. Et ben voilà Raphaël, avec grand plaisir. Je te mets même un petit message de bienvenue, tiens, tu vois, comme tout le monde a droit à son petit message de bienvenue. Alors je t'en mets un. Ferme ta gueule, escolard. Voilà, allez, bienvenue à toi donc. Alors top tweetos, on en est où là? Numéro 5. Alors numéro actuellement, 5. Actuellement, hein, tout peut changer d'ici à 2h du mat. Mon ami Quinquin du 08. Donc Quinquin, qui a terminé premier hier, numéro 4. Paul PC28. Numéro 3. Storm Dreamer. Très bien, c'est le malvoyant. Enfin, oui, c'est le celui qui fait de la voyance, mais relativement mal. Numéro 2. Rafa, pendant que Paul est en train de regarder les auditrices sur le Twitter, hein, il se rase l'œil. Et numéro 1. Quentin DR21. Ah, bah, alors, elle est où? Elle est pas là. Elle est pas là, bah, j'ai que les 20 premiers et elle est pas dans les 20 premiers. Elle fait son cinéma. Ah bah oui, elle doit tirer la gueule, je sais pas ce qui lui arrive. Ah, peut-être que parce que Toff l'a pas encore fouillé, c'est possible. Oh là, mais quel con, désolé. Il y a Leïla qui dit vous êtes trop géniaux l'équipe, merci, vous déchirez. Merci Leïla, gros bisous à toi. Et Mick Gomi qui dit je ne te reprocherai Mickaël, je me doutais juste que tu avais oublié Eminem. Non, je vois pas ce que tu veux dire, mais pas du tout même. Bon, Mathieu est avec nous également maintenant, salut Matt. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, t'appelles de Paris, du moins la région parisienne. Et toi, voilà, tu nous appelles par rapport au sextape. Comme il y a Maeva et Eleonore qui sont là, hein, deux charmantes demoiselles. Dans le standard, techniquement, je vais t'expliquer. Il y a Maeva qui est sur la ligne 1, Eleonore qui est sur la ligne 3. Et toi, t'as la belle place au milieu. Ouais. D'accord. Voilà, t'es en t'as sandwich. La belle vie, mec. Ah, t'es en sandwich. Moi, j'aimerais bien être dans le standard en sandwich entre Maeva et Eleonore, mais bon. On peut pas. J'ai vu les photos, ouais. Ah, t'as vu aussi, hein. Et donc, t'as vu de, entre quoi t'es en sandwich? C'est ça, tout à fait. Ça fait plaisir, c'est clair. Ouais. Bon. Alors, voilà. Mathieu, t'as déjà fait des sextapes, toi? Ouais, en fait, j'appelle parce que j'ai écouté hier un canular de chez Jacques et Michel. Ah oui, oui, et, oui, c'est vrai. En fait, moi, je suis semi-pro chez eux, donc ça veut dire que je tourne régulièrement pour eux. Non, voilà. On est un professionnel, les filles. Semi-pro, hein. Oui, semi-pro, voilà. Il n'est pas encore confirmé. C'est comme ça qu'ils disent, parce que j'ai un boulot à côté. Et voilà, ils appellent ça comme ça. Donc le mec qui fait des scènes régulièrement et sans boulot à côté, on appelle ça un pro. Voilà, ah d'accord, ok, très bien. Bon, ok, parfait. Et dans ton taf, ils le vivent comment que tu tournes pour Jackie et Michel? Ben on m'a pas encore reconnu, donc voilà, ça fait à peu près 2 mois que je fais ça. Il y a que les gens de mon entourage proche qui sont au courant. Sinon, on m'a pas encore reconnu dans la rue. Voilà, simplement. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais oui, en même temps, voilà, c'est pas non plus le truc que tout le monde regarde, hein. Et quand on le regarde, à la limite, les mecs, ils vont pas te dire, ah ouais, dis donc, je t'ai vu, parce que ça veut dire qu'ils regardent. Donc, si jamais ils se trompent et que c'est pas toi, tu vas pouvoir te foutre de leur gueule. Donc, tu vois, t'as quand même le côté un peu sympa, puisque les gens vont pas forcément t'avouer qu'ils regardent des films de boules. Ouais. Ouais, mais disons que Jacques et Michel, c'est 5 millions de personnes qui regardent chaque jour. Ah oui, wow. Quand même, oui, forcément. Ah oui. Ouais, mais ils viennent du monde entier, il n'y a pas que chez nous. Il n'y a pas que chez nous, mais on reconnaît plus facilement les filles que les mecs, parce que les mecs, on est souvent deux ou trois, voire tout seul, mais c'est rare sur 10 vidéos, il y a un mec qui est seul avec la fille. Ouais. Mais on remarque plus facilement les filles que les mecs. Ah oui, je te confirme. Quand je regarde un film, en général, je me souviens plus souvent de la meuf que du mec. Voilà. Le mec, il est vraiment. Mais là. Pour... En fait, le mec, c'est un peu comme un meuble. Tu vois, il est là ou il est pas là. C'est un vase. Par contre, sur un meuble, par contre, les filles qui regardent se souviennent plus facilement des mecs, même s'il y en a deux ou trois. Oui, c'est vrai, effectivement. Et voilà. Comment t'as commencé ça du coup? Parce qu'on parlait des sextapes, bon, c'est un peu un sextape géant quoi. Et ben en fait, j'ai commencé parce que j'ai un ancien cadreur de chez Jacques et Michel avec qui j'ai des copains, j'ai des amis en commun. Ouais. J'ai fait une première vidéo pour lui, pas pour Jacques et Michel, mais pour son site que je ne citerai pas, avec lequel je n'ai pas marché, mais alors pas du tout, parce qu'on a toujours l'appréhension de la première scène. Ouais. C'est pas assez facile parce qu'on tourne avec plusieurs personnes autour de soi. Oui, mais c'est clair, il y en a plein qui s'imaginent que les films de boules c'est génial, c'est au top, c'est la fête tout le temps. Mais en fait, super relou. Ça dépend. Si ça se passe bien et que tout le monde bande pas en crûment, en une heure et un quart, ça peut être bouclé. Ah ouais, quand même. Ouais. J'ai fait des tournages où en 3 heures, il y avait des coupures, il y avait des. Voilà quoi, on galère un peu. Oh, quelle angoisse. Bon, bah très voilà. Bien. Attends, reste avec nous voilà. Un peu, Mathieu, là. On va prendre Sonia avec nous de Nîmes, là, 26 ans. Salut, Sonia. Salut, ça va? Ça va, et toi, Sonia? Ça va. Bon, tu as déjà fait des sextapes. Je vous écoute, donc ça va. Mais oui, mais toi, ben, nous, ça va bien également parce que tu nous écoutes, justement. Ah, d'ailleurs, combien mesures-tu, Sonia? C'est pas pour ça que ça aille. Je sais bien, mais c'est pour ça. 1m78. Wow. Oui, de plus en plus haut. Bientôt, on fera la Tour Eiffel. Alors, combien pèses-tu? Alors, 62 kilos. Suce ma bite. Ah pardon, excuse-moi, je me trompais de sens. Quel est ton tour de poitrine? Comment? Ton tour de poitrine, s'il te plaît. Alors, 95 B. B comme Bénédicte. Voilà. Ma soeur va être ravie que je donne chaque fois son et prénom, comme, c'est pour... Bonne. Pour... Oui, comme Bouffonne aussi, oui, c'est vrai. Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Comment? Le dernier pantalon que tu as acheté, quelle taille? Alors, 38. Ouais, effectivement. Bon, Sonia, eh ben on va parler sextape dans quelques minutes avec toi. Reste là, Mathieu qui est d'accord, toujours bien installé hein, entre Maëva, Éléonore, Sonia. Il est pas au top, il est plus qu'au top. On aura Sofia aussi dans quelques minutes de Reims. Là, t'es là, Sofia? Oui, je suis là. Parfait. Et on aura toujours Salah, hein, bien entendu, qui est là. Ouais, mais il va un peu attendre, mais il est là, il est bien. En même temps, il est célibataire avec sa foutre. Bon, Salah, c'est ça, hein, c'est vrai, Salah? Allô? Oui, Salah, t'es là depuis longtemps, mais bon, t'es célibataire, t'as que ça à faire. Ouais. Bah voilà. Bon bah alors reste avec nous encore un peu, ça on va te reprendre dans quelques minutes. On va également faire encore des appels avec Toff. Et puis bon, je l'avais promis tout à l'heure, le son de Zid. Maintenant Z-E-D-D. Alors ça se prononce bien Zid et ça s'écrit Z hein, mais comme le E se prononce I en anglais, c'est pour ça que ça se dit Zid. Avec Hayley Williams maintenant, c'est Stay the Night sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est au cœur de la nuit sans pub avec des messages de Cheyenne qui dit: franchement vous êtes trop géniaux, vous êtes les meilleurs. Où irait le monde sans vous? Gros bisous. Et ben certainement dans le cul de Toff, Cheyenne. Ah, j'aimerais bien. Ah ouais, et il y a aussi Mademoiselle Sarah qui dit: moi aussi je suis célibataire, je cherche un mec bien car je tombe que sur des petits cons. J'ai 20 ans, c'est Sarah, bisous à toute l'équipe. Eh ben, plutôt pas mal, Sarah. Écoute, je vais pas te présenter Toff parce que comme tu tombes sur des cons, je vais pas t'en présenter un de plus. Soin de moi, elle est pas à sa près. Bah oui, c'est ça. Et Ludwig qui dit: tellement content d'avoir l'application Fun Radio car au Canada je bouffe dans l'internet avec. Oui. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle application Mickaël No Limit qui va sortir dans normalement d'une heure à l'autre. Ah, oh. Voilà. Bah, d'une heure à l'autre, ça devrait sortir là avec le congé, tout ça, c'est un peu le bordel. Mais je vous tiens au jus, pas de problème. Une heure et quart sur Fun, la nuit sans pub. On est bien, on est ensemble. Toujours top tweet grâce à vous. De plus en plus nombreux à quitter les autres radios pour venir sur Fun Radio le soir. Et vous avez bien raison, faites passer le message à vos potes d'ailleurs, hein, que tous les soirs il se passe enfin un truc de bien à la radio la nuit, 23h-2h. Et le dimanche de 20h à minuit, on écoute Zid maintenant. Hayley Williams, c'est Stay the Night. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde. Mickaël No Limit, 23h-2h sur Fun Radio. Et je vous l'avais promis tout à l'heure, rassurez-vous, je n'ai pas oublié, car on me l'a rappelé bien entendu, sinon je l'aurais évidemment oublié, hein, ça tombe sous le sens. Le son de... où est-ce qu'il est celui-là? Eminem et Rihanna avec The Monster. Oh, Voilà, c'est le prochain son qu'on écoutera tout à l'heure sur Fun Radio. On me l'avait demandé ce soir, hein. Je n'ai qu'une parole, promis. On va le passer dans quelques minutes. Il y a Julien. Eh, bonsoir Mickaël, nouveau parmi les auditeurs. Et j'aimerais un petit message de bienvenue. Votre émission est juste énorme. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Bah, bienvenue. Camille, un message de bienvenue, j'en ai pas eu non plus, moi encore. Bah oui. Ah, t'es peur un cul au PD, voilà. Voilà, Camille, bienvenue. Et Leïla qui dit avec ma soeur, on vous écoute depuis le début, on vous aime trop, merci d'être là. Bah, c'est surtout vous, hein, merci d'être là. C'est surtout comme ça que ça marche. Et Thibaut qui dit, et voilà, compte créé juste pour vous. Et Mickaël, _ officiel, message de bienvenue et coup de pelle et lance-flamme pour la gueule de Toff. Bien entendu. Voilà, ça c'est pour la gueule de Toff. Le coup de pelle, c'est pour toi. C'est Nick Taras. Et ça c'est pour toi également. Voilà, il y a un message aussi d'Anaïs qui dit mort de rire, laissez mon Toff tranquille. Arrête ton cinéma. Merci Anaïs. Et Toff et Cloud qui dit aussi, lorsque j'écoute Mickaël, j'oublie les cours. Et bah c'était prof qui vont être contents. Tiens, tu n'hésites pas à ne pas leur dire évidemment. Il est 1h20, c'est la nuit sans pub, toujours sur Fun Radio. Continue à nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Alors je vais vous mettre une vidéo dans quelques minutes. C'est Kanye West qui éclate deux paparazzi au Texas, mais d'une violence sa mère. Oh, c'est bon ça. Oh là là là là là là. Je vais vous la mettre maintenant. On sera les premiers sur le coup du coup. Alors attendez, je vais vous la rechoper là. Alors attendez, bon je vais vous la mettre. Ah, il faut confirmer son âge hein, sur le YouTube, hein, sinon il casse les couilles. Sinon il casse les. Ouais, ils sont casse-couilles. Bon, je vais vous la mettre dans quelques minutes. Bougez pas. Ah, ils sont relous avec leur truc là. Oui, c'est dangereux, machin, on sait jamais. C'est grave. Blablabla, blablabla. Bref, ils sont relous. Il y a Rafa qui dit c'est des bâtards. Et Waltz aussi qui dit salut l'équipe, merci beaucoup, vous me faites trop rire. Je vous ai découvert depuis hier, je kiffe trop, bravo à tous. Bah merci Waltz, merci d'être là. Préviens tes potes également qu'on est là tous les soirs. De 20h à minuit le dimanche et de 23h à 2h sur Fun Radio. Ça, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi. Et un petit message pour toi, évidemment. Bah, t'es enculé, gros connard. Voilà, mais bienvenue en tout cas, hein. Vraiment. Hein. Non, vraiment, on est content que tu sois là. Ne perds pas les couilles, m'emmerde pas. Voilà. Bon, allez, Maëva est avec nous. Et puis Sonia également, Sonia de Nîmes, là, qui voulait parler sextape. C'est ça, Sonia? Eh oui, c'est ça. Eh oui. Alors, merde, j'ai fait de la merde. Alors, explique-nous un petit peu. Oui, ça arrive d'ailleurs, je vais me mettre un coup de pelle. Voilà, je l'ai mérité. Bon, Sonia, alors, toi, tu oui. as déjà fait des sextapes. Alors oui, effectivement, un amateur, c'était parti avec un délire, sur un délire avec mon ex, et puis on se filmait entre nous, et puis au final, ça s'est terminé entre amis. Voilà. Entre amis, c'est-à-dire? Voilà. Alors, entre amis, c'est-à-dire, alors, il y avait plusieurs amis qui nous filmaient et qui, des fois, participaient. Dis donc, nous invite pas surtout, hein, égoïste. J'ai une caméra. Attends. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Égoïste. Donc, voilà. Ouais, t'aurais pu faire tourner un peu, quoi. Voilà, elle l'a fait. Hein. Et comment... Non mais comment c'est venu l'idée globale? Alors au début, c'est, je pense que j'ai un petit côté un petit peu casse-cou. Et voilà. Et du coup, ça m'a traversé l'esprit. Et puis bon, c'est parti d'un jeu en couple. Ouais. Et puis ça s'est transformé en acte. On va dire ça comme ah, ça. Ah putain, c'est bien ça. Et t'as kiffé? Écoute, c'était une expérience vraiment intense, on va dire. C'était pour une explique un peu, ouais. Alors, très intense. Profonde surtout. Voilà. en profondeur, on va dire. Mais vas-y plus en détail, là, on comprend pas. Alors, je peux pas trop détailler non plus. Bah pourquoi? Ah si, tu peux tout dire ici. Ah, si, t'as vu l'heure qu'il est, on s'en branle. Ah, c'est le cas de le dire. Oui, c'est clair, oui. Alors non, mais c'était sympa, c'était sensuel, c'était torride, charnel, voilà. Je suis déçu de ton explication. Hein. Bah, oui, je pense que c'était la pire que tu pouvais. Justement, je laisse l'imagination aux gens qui nous écoutent. Aux gens qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas. Voilà, comme moi, je n'ai aucune imagination. Voilà, exactement. Ouais. Comment ça se passe? Moi, je ne reproduis que ce que je vois dans les films de cul. Ouais. Hein, comment ça se passe? Comment ça se passe à cela? Alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe mal. Voilà. Voilà, exactement. Oui, bon, bah, on n'en saura pas plus. Hein. Ceux qui veulent faire une sextape, là, ils sont pas avancés. Hein, je peux te le dire. Il y a Simon également qui a envoyé un message. Ça fait pas longtemps que je vous connais depuis aujourd'hui. Bah oui, effectivement, c'est pas long. Ouais. Car un pote m'a montré, surtout, j'imagine. Hein. Et je vous adore déjà. Vous êtes vraiment trop marrant. Je vous écouterai tous les soirs. Merci, Simon. En plus, un portugais, c'est bien ça. La communauté, ça fait plaisir. Bon, Jean-Michel aussi qui dit l'honneur est superbe demoiselle avec de superbes yeux. Éléonore, que de compliments. Oh là là, il n'y a que ça. Il y a Samir aussi, je vous adore, je passe des bonnes soirées grâce à vous. Ben, nous aussi, on passe de bonnes soirées grâce à vous. Nico, message de bienvenue, j'en ai jamais eu, les gars, avec plaisir. Non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ben voilà, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Et vous êtes un imbécile? Totalement. Et Mamzelle H qui dit, j'avoue qu'elles sont jolies, Lisa, Emma, Eva, et Benji encore, salut Mickaël, on est deux collègues qui bossons la nuit, nouveaux auditeurs, il y a moyen d'avoir un message de bienvenue. Oh, bah oui, avec plaisir, hein, surtout pour vous deux, là. Alors attendez, je vais piocher dans les nouveaux messages qui viennent d'arriver, là, attention. Bah moi, je vous emmerde, et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Eh ben dis donc, ça va faire chier, dis donc, alors. Tu se m'habites. Eh ben voilà, très bien, tiens, et bah celui-là aussi. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Eh ben voilà, les couilles au cul, elles sont là, les couilles au cul, vous inquiétez pas. Le prince Nadia également, qui dit, il faut rentrer dans les détails, on n'est pas dans le visuel, mais à la radio. Elle a pas tort, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah, elle a pas tort. On a besoin de détails, on a besoin de sentir un peu ta chatte. Hein, oh, attends. Oh, mais il est vulgarité. Bah moi, je m'emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Où tu vas, là, espèce de pervers. Oh, quel balai à chiottes, celui-là. Complètement, oh. C'est dégueulasse. C'est Tom aussi qui, ce soir. Les doigts. Ouais, ce soir avec Mickaël, je ne respire plus tellement je ris et loustique. C'est juste qu'elle a peur du changement, alors elle veut retourner avec lui. Ah oui, ça, c'est un vieux message qui date de tout à l'heure, ça. Oh là là, on a fini déjà depuis l'heure. Bon, Sonia, il y a Lucie aussi. Qui est avec nous là. Salut Lucie, t'as déjà fait des sextapes ou pas toi? Non, pas moi. Non, pas toi, d'accord. T'es intéressée d'en faire une ou tu t'en fous? Ah, pas du tout. Pas du tout, d'accord, ok. Non, mais y a Lucie, pas de problème. Combien mesures-tu? Oh putain. 65. Combien pèses-tu? 59. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. Et la tête dans les pantalons que tu as acheté? Tu m'habites. Ah oui. Bonne. Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barber. Eh ben oui, évidemment, et voilà. Bon, Lucie, qu'est-ce qui t'amène, ma belle? Eh ben, moi, en fait, voilà, je suis célibataire depuis un an et demi. Non. Bah alors, ouais, à mon coup, c'est désespoir. Attends un petit peu, il y a Philippe qui voulait te parler. Les doigts d'achat, tu sens ton cul. Il manque Philippe là, rappelle-nous Philippe. Appelle-nous. Bah oui, attends, il y a toutes ces filles en plus qui sont là. Bon, et bah oui, ce sont les choses qui arrivent aussi, hein. Ouais, du coup ça peut la déprime. Et puis je vois que vous arrêtez pas de clasher Toff, le pauvre. Oh, le pauvre. Ouais, je sais pas ce que vous avez contre lui, quoi. Mais il a une sale gueule. Mais on l'aime quand même. Oui, il a une sale gueule. De quoi? Il a pas une sale gueule, merci, hein, pour le pauvre. Merci Lucie, non, moi aussi je t'aime. Non, c'est pas moi, je trouve, personnellement, je le trouve beau. Ah ouais, non, tu te retournes. Mais dis donc, toi tu dois. T'as vraiment des goûts de merde, hein, Lucie. Ben oui. Hein. Ben non. Ah si. Ah, enfin, je sais, doit mettre des bananes. C'est pour ça qu'il y avait de la merde dans les yeux. Non, vas-y Lucie, défonce-les. Lucie, tu as le droit d'avoir mauvais goût. Ouais. Il n'y a pas de problème, mais quand même. J'ai besoin de me faire bourrer. Non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Rasoir de merde. Non, mais ça c'était, enfin, c'est rien ça. Le meilleur. Oula, pardon, attends, pour moi je me suis trompé de bouton. Bon, du coup Lucie, donc alors ce qu'on va te faire, c'est que je vais te donner les coordonnées d'un psy. Oh, merci. Mais avec plaisir. Qui va, à mon avis, ça va être un traitement de longue durée, hein, en revanche. Hein, ça, ouais. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas possible, sérieusement. T'as vu combien de photos de Toff? Bah, je sais pas, j'ai vu la dernière photo que vous aviez mise avec sa nouvelle coupe. Personnellement, je le trouve, il est beau. Non, mais il est merci, charmant. Lucie, mais non, merci. Non. À la limite, que tu trouves. Qu'est-ce qu'elle est conne. Vrai. À la limite, que tu trouves qu'il soit passable. Non, qu'il ait du charme. Non, il a pas de charme. Non. Il a énormément de charme. Non, mais moi, je trouve qu'il est très beau. Merci Lucie. Il a énormément de merde, ça oui. Non, mais il y a plein d'auditeurs qui ont dit qu'il avait une tête de brosse à chiottes avec sa nouvelle coupe. Ben oui. Ouais, mais les auditeurs, ils disent ça dans le mouvement aussi. Mais non, non, mais ils disent ça sur le Facebook, le Twitter, c'est pas dans le mouvement, ils sont totalement fixes. Et puis tu le connais pas, nous on le connaît bien. toutes les couches. Peut-être que vous le connaissez très bien, moi je le connais pas, mais il a l'air super sympa. Lucie, parce que t'as l'air d'être une fille bien, je vais te dire un secret. Je vais te le dire au creux de l'oreille. T'écoutes ? Dis-moi. C'est un gros enculé. Voilà. Mais ça reste entre nous, hein. Ça reste entre nous, je te dis ça. Moi, je te dis ça, c'est voilà, tu vois, c'est pour t'aider, hein. J'avoue. Mais bon, ça change pas mon avis. Je te trouve quand même très charmant. Merci, très beau. Lucie. Moi très aussi, bien. Je te trouve très charmante, même si je ne t'ai pas vue. Mais d'ailleurs, Lucie, tout ce message me rappelle également qu'il ne faut pas oublier de saluer et de faire une dédicace à la Ligue Braille, hein, qui nous écoute. Mmh. Bah voilà, c'est ça. Non mais il fallait le préciser, il fallait le souligner évidemment. Bon, Sonia, t'as déjà vu Toff toi ou pas en vrai? Enfin en vrai, sur le Facebook je veux dire, ou même en vrai, hein, on va savoir. Alors moi je l'ai vu sur le Facebook, mais c'est pas du tout mon style. Mais non. Toi c'est plutôt mon style. Je te remercie Sonia, mais je suis le style de tout le monde, moi tu sais. Non, je plaisante. Mais d'accord, je te demandais pas ton style, je te demandais comment tu le trouvais. Banal. Oh, c'est violent. Ça, c'est méchant. Moi, je trouve ça banal. Plus moche que banal. Banal, c'est dur. Ah bah oui, moi aussi, sincèrement, ouais. Éléonore, je t'ai posé la question ou pas, toi? Ah bon? Par rapport à Toff, je t'ai posé la question, Éléonore? Non. Et comment tu le trouves? Très mignon. Non, mais elle est sérieuse, Éléonore. Elle le fait exprès. Non, mais elle est en chien. Merci, t'es en chien, Éléonore, c'est pour ça. Je te reprends au standard. Hein, c'est parce que ça fait 7 mois là que t'as plus vu la bête, alors du coup maintenant t'es en chien. Et là tu as trouvé l'astico, hein. En fait Éléonore, comme ça fait 7 mois. Comme ça fait 7 mois qu'elle est en chien, c'est un peu comme t'es en manque de drogue, n'importe quoi, t'étais prêt à dire n'importe quoi pour avoir ta dose. Non, pas du tout. C'est ça, ne t'inquiète pas Éléonore, je te contenterai. Ah bah tu parles. C'est pas vrai. Ah ouais putain, quelle horreur. C'est fou. Tu te m'habites. Bah ouais. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Bah voilà, ouais, bah, on va plutôt faire ça comme ça, ouais. Espèce d'enculé, hein. Je veux dire, je préfère taper avec mes couilles sur les fesses d'Éléonore. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barber. Voilà, c'est plus aussi simple que ça. Bon Sonia, bah reste avec nous du coup. Et puis, ah, t'as encore un truc à ajouter Sonia? Alors oui, je voulais dire que ma première... Je voulais dire que... Espèce d'enculé, hein. Que ma première sextape, ça lui m'était venue après une soirée raclette. C'est ça. Voilà, c'est banal, mais ouais. Bon, c'est pas grave. Très romantique, très classe. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Voilà, c'est... Non, bien. Voilà, après une raclette, eh ben, faites une partie. Voilà, un sextet, tout ça, c'est bien. Bon, ben Sonia, ben, on raclette quand tu veux, hein. Toute l'équipe est là au taquet, hein. Ouais, on peut faire une grande fondue tous ensemble. Justement, j'en ai fait une ce soir. Ah, oui, mais c'est dommage. Comme t'as remarqué, nous, on est à la radio, là, hein. C'est con. Et ouais, c'est ballot. En plus, à Nîmes, c'est pas la porte à côté non plus. Enfin, bah, c'est surtout que c'est pas la période des raclettes à Nîmes. Bah, surtout que, mais enfin, c'est la période des sextapes, y a pas de saison. Oui, ça y a pas de saison pour les sextapes. Voilà. Bon, ben gros bisous Sonia en tout cas, et au plaisir, et à bientôt. Gros bisous. Est-ce que je pourrais avoir un pack fun? Ça dépend. Si je m'habite. Non, oui, bien sûr, on va t'enfiler. Y a pas de problème, je te repasse Sandro au standard. Et salut Sonia. Salut. À bientôt, ciao. À bientôt. Bon, Lucie, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi là maintenant là? Parce que tu m'avais... un mec. Bah, tu m'avais l'air sympathique, mais depuis là, bof quoi. Mais je suis là, Lucie. Ouais, mais justement. Oh là là. Bon, attends, regarde l'homme que tu trouves beau là. Il va encore certainement se faire démonter la gueule, comme d'habitude. On va encore appeler pour les sextapes. Allons-y. Allez, bah c'est parti, on y va. On demande depuis tout à l'heure là si les gens font des sextapes ou s'ils ont déjà fait des sextapes. Allez, restez là les filles, hein. Répondez pas surtout, hein. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà filmé vos rapports sexuels avec votre mari. Vous quoi? Est-ce que vous avez déjà filmé vos rapports avec votre mari? Bon, ça vous regarde pas, puis au revoir monsieur. Bah oui, mais ça répond pas à ma question ça madame. Ah oui, mais raccroché. Cordial hein la dame. Hein. Oui, gentil. Ouais, cordial. Bon, les filles, on rappelle? Oui, allez. Allez, c'est parti. On rappelle encore un petit coup alors. On t'embrasse peut-être sur monsieur, on va savoir. Allez. C'est pourquoi j'écoute. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Ah bon, bah c'est dommage parce que, vous savez, on en coupe pour moins que ça, hein. Ah oui, mais oui. Je voulais juste savoir si avec votre femme, vous parfois quand vous faites l'amour, vous vous filmez. Ah pourquoi, ça vous intéresse à ce point-là? Bah oui, sinon ça je vous appellerai pas. Je vous appellerai pas sinon, monsieur. Ah bah alors vous êtes un salaud. Pas du tout, monsieur, enfin je vois pas le rapport. Vous êtes un salaud, vous êtes même un dégueulasse. Et je vous emmerde, je vous exècre. Complètement. C'est un peu fort. Au revoir, ça. Monsieur. C'est un peu fort ça quand même, monsieur. Je vous exècre. Vous êtes dégueulasse. Il a raison. Je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Ah bah oui, décidément là. Tu vois là, espèce de pervers. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, Lucie, tu voulais trouver un mec. Alors est-ce que tu veux qu'on mette la photo sur le Facebook? Comme ça on fera un trio avec Eleonore et avec Maëva. Oh là là. Bah quoi? Ouais, bah je l'envoie où ma photo? Bah tu me l'envoies sur mon mail. Bah Sandro va te dire ça aux antennes. Enfin c'est mickaël@funradio.fr, mais si t'as pas le temps de noter, elle va te répéter ça, d'accord? On va s'écouter Monster dans un instant. Rien à voir avec la bite de Toff, hein, que ce soit clair. Non, mais je veux dire, Eminem et Rihanna n'ont pas du tout fait ça comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Non, mais il faut que ce soit clair. Je pensais que c'était une dédicace, moi. Ah, pas du tout. Bon, pas du tout, du tout. Bon, Eleonore, Lucie, Maëva, restez là, les filles. On va récupérer Sophia et Salah dans quelques minutes. On aura Jordi, Alexandre également. Et puis, bah, au cœur de la nuit sans pub, 1h35, avec vos toutes et vos tous de plus en plus nombreux à débarquer, à quitter les autres radios où de toute façon il ne se passe rien. Et ben, vous êtes là de 23h à 2h. Et je vous remercie. C'est parti, le son d'Eminem et Rihanna maintenant de Monster sur Fun Radio. Friends with the monster that's under my bed. Rihanna de Monster à l'instant sur Fun Radio. Je vous ai mis la vidéo hein, dont je vous parlais il y a quelques minutes avec Kanye West qui pète un plomb et qui démonte des paparazzi. C'était à Austin au Texas. C'est un ouf. Voilà, et Allison qui dit likez et partagez. Ah oui, j'ai tellement bien de faire circuler des vidéos aussi émouvantes. Oui, oui. En même temps, ils n'ont pas besoin de moi pour faire partager le truc. Et puis likez et partagez, c'était pour montrer aux autres hein, tout simplement. Ça s'appelle de l'information, ouais. Madame ou mademoiselle la photographe Allison. Bon, comme ça, au moins le message est passé. Bon, Johanna aussi qui dit et moi aussi je suis célibataire. Rémi qui dit vous êtes un salaud, je vous exècre, trop mort de rire. Vous pouvez repasser cette phrase, ça ferait plaisir à nombreux auditeurs. Oui, on va la remettre, t'inquiète. Il y a Cine aussi qui dit recherche homme sérieux dans le 5-7, lol, si tu peux m'aider. Mais quand je vois certains propos sur les photos des filles de ta page, ça fait mal. T'inquiète, Cine, la majorité des messages violents, c'est que des mecs tellement qui ont une gueule tellement de merde et qui savent qu'ils n'auront jamais une meuf comme ça et du coup préfèrent la critiquer plutôt que de faire des compliments et au final ne jamais la voir. Donc vous inquiétez pas. Il y a Yann qui dit il vous exècre. Oui, c'est Toff qu'on exècre. Et Valentin qui dit Rof est aimé ce soir, on dirait. Oui, ouais. Enfin nous c'est Toff, hein, T-O-P-H, ouais. Hein, pas héros, tu vois, hein, pas héros R-O-P-H. Teddy qui dit salut, je n'aime pas cette publication, merci de la supprimer car c'est de la merde et tu vaux pas plus que ce mec qui tape sans réfléchir. Eh ben Teddy, tu feras avec, et si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Il y a Uncut aussi qui dit elle a des longs cheveux, Lucie au moins. Et Diane qui dit je vous adore, vous me faites trop rire, je voudrais bien une dédicace. Bah voilà, le message est passé. Et Quentin qui dit mais c'est un balai à chiottes, Toff. Bah c'est pas un balai, c'est la coupe de cheveux qui fait balai à chute. C'est ça le problème. Mais bon. Bon, Lucie. Oui. Bon, dès que je reçois la photo, je la mets, hein, comme promis. Et puis, voilà, bah, je l'ai toujours pas eu d'ailleurs, accessoirement. À moins on essaye de la mettre en fait. Ah, c'est compliqué de m'envoyer un mail. La photo est trop lourde. Et c'est trop dur. C'est trop dur. De Lucie. Bah, d'envoyer la photo. Bah en fait moi dans 2 minutes je te l'envoie. Dans 2 minutes tu la reçois. Bah parfait. Parce qu'en fait c'est par le téléphone de mon pote qu'on l'envoie vu que moi on n'est pas à la maison en fait là. Oh d'accord, pas de problème, c'est bien, c'est les aléas du direct, ce sont les aléas. Pour redonner l'adresse en fait. Alors M-I-K-L @ funradio.fr. Fun F-U-N, hein, on n'écrit pas F-E-N, on sait jamais. C'est bon, elle a trouvé, c'est marqué photo lucide dessus. Bah voilà, c'est parfait. Bah écoute, je reçois ça dans quelques minutes, là, bouge pas. En attendant, il y a Salah qui est avec nous, là. Salah, ça y est. Allez, ouais. C'est à ton tour. Ouais. Salade. Oui, ça fait 2 heures t'attends, mais désolé, il y a du monde, hein, comme t'as pu le remarquer, hein, mais bon, écoute, on fera avec. Bon, Salah qui nous appelait parce qu'il est célibataire aussi depuis 2 ans. Bah comment ça se fait? Bah, je l'ai quitté. Ah, t'as quitté ta meuf? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle me fait coucou. Ah oui, c'est une bonne raison. Oui, ça explique des choses. Oui, c'est une bonne raison. Et je vous emmerde, je vous exècre. Voilà. Mais, dis-moi, tu l'as quittée, elle te faisait cocu, très bien. Mais t'en veux une autre maintenant? Ah oui. Bon, tu veux que je te présente qui? Alors, il y a Sophia, 21 ans, il y a Eleonore, 26 ans, il y a Lucie, 22 ans. Bah, l'autre de Paris. Oui, de Paris, il n'y a personne. Sandrine. Ça, oui, certainement pas, j'ai pas eu de Sandrine ce soir, ça là. Voilà. Ça là, tu es dans une autre dimension. Voilà. Donc j'ai Sofia. On avait Sandrine tout à l'heure, mais elle est partie. Hein. Bah, ah, on l'a plus alors. Il y avait Sofia. Ouais, bah elle est plus là. Faut faire avec ça là. Enfin, faut faire sans. Il y a Sofia, 21 ans de Reims. Il y a Eleonore, 26 ans de Mons. Il y a Lucie, 22 ans d'Orange. Bah d'Orange. D'Orange, la peau d'Orange. Très bien. Ah, Lucie. Oui. On a trouvé bien tombé. On a trouvé ton mâle. Il est où? Eh ben il est là. Ah, je suis là. Il est là. Mais je te présente Lucie. Lucie, Sala, Lucie. Enchanté. Ah ben ça commence bien, vous avez de la discussion. Hein. Oh, tu les vois tous les deux dans un resto? Ah putain. Enchanté. Ah ben enchanté. Oh, ça va. Enchanté. En fait, je suis un peu timide quand même. Mais il faut pas être timide, ça sert à rien la timidité. Fonce, oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, vas-y. Allez, Sala, vas-y, elle est là, elle est disponible. Top, rappelle les mensurations, là, ça va peut-être le motiver un petit peu. Alors, Lucie, les mensurations, 1m65, 59 kg, 90 C, 38 de pantalon. Eh, on est pas au marché, là-haut. Eh oui. Elle est bonne. Oui, c'est vrai, en plus, Sala, c'est vrai. Bon, Sala, alors, allez, vas-y, t'es là, mec, avant que quelqu'un passe entre quelqu'un, te la chope, là. Non, attention. Allez à moi. Calme-toi, Sala. Oui, déjà, fais d'abord le travail d'approche. Calme-toi un peu. Sala, et il habite où? Bah, il habite à Nantes. Bon, c'est pas. Ah, ça fait loin, ça. Oui, bah écoute, ça, on va pas chipoter. Hein. L'amour n'a pas de frontières. Voilà, Sala se déplace. Bon, alors Sala. Oui. Bon, vas-y, drague-la un petit peu, essaie de discuter, fais connaissance. Sala, ou ailleurs? Pas devant tout le monde là. Ah si, c'est le concept de la radio. Sala. Allez, vas-y. Sinon, je vais voir ta photo. Si Non, tu fais comme si elle était méga bonasse. Eh bah, je sais pas, moi. Je dis tu fais comme si parce que j'ai pas encore reçu ta photo, hein, donc. Elle va arriver. Vas-y, Sala, là. Alors, vas-y, Sala. Sala, là. Bon, attends, écoute, alors. Faisons, on va te montrer, on va te donner un exemple, Sala, d'accord? Toff va draguer Lucie. Ah bah, voilà. Ça me pose pas de problème, là. Avec le romantisme. Ouais, Lucie? Oui. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait ramener la chatte? Ah, tu vois, vous l'aimez tous. Ah, le pauvre Toff. Voilà, il est comme ça dans la vraie vie. Voilà. Comme toi, quoi. Non, jamais je fais ça, moi. Et je vous emmerde, je vous exècre. Ouais, mais je croyais que j'étais en conversation privée avec Lucie, là. Bah oui, t'es en conversation privée, ouais. Vous êtes même un dégueulasse. C'était quand la dernière fois? Comment? Non, je demandais, c'était quand la dernière fois que tu t'étais fait ramener, quoi. Mais ceci, il reste privé quand même. Bah, ouais, c'est dégueulasse. Si on doit baiser ce soir, autant que je sache. Ah bah alors vous êtes un salaud. Faut vraiment que je réponde? Bah non. Oui. Espèce d'enculé. Hein. Oh, qu'est-ce allez, on va dire, allez, un mois et demi, deux mois par là. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Je comprends que t'es faim, quoi, et que tu sois prêt à me bouffer. Oh là là là. Oh, vas-y, polo romantique. Oh là là. Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barber. Non mais exactement. Bon, alors, polo va te montrer comment faire, ça, bon, là, maintenant. On y va. Enfin, il va se traduire, Toff. Moi, je trouvais que j'étais très classe. Elle s'appelle Lucie, mais de toute façon, tu te souviens jamais des prénoms, donc tu peux l'appeler Georgette si tu veux, ça changera pas grand-chose. Bon, la dernière, elle s'appelait Cécile, il l'appelait Céline. C'est pas vrai, je me souviens très bien de Charline. Voilà, c'est ça, ouais. Miss bon. Lorraine, je l'embrasse. Allez, vas-y. Oui. Comment elle s'appelle? Allô? Ouais, allô, mec, ça va? Ça va et toi? Bien, très bien, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je m'ennuie un petit peu, alors je peine la radio. Mais comment une aussi jolie fille que toi puisse s'ennuyer, quoi? C'est improbable. Est-ce que vous avez remarqué comme Polo parle bien? Hein? On fait avec, hein. L'ennui, ça n'a jamais fait de mort, mais bon. Tu fais quoi dans la vie? Oh, qu'il est mauvais. Bah, il traduit Toff. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis aide-soignante dans un hôpital. C'est génial, j'aurais rêvé d'être aide-soignant, moi, tu sais. Tu vois, tu te faisais chier avant, tu feras chier après. Oh, qu'est-ce qu'on se marre? Allô? T'as préféré Toff ou Polo? Oh, quelle plaie! Oh là là, une vraie plaie, lui, hein, putain, un relou. Mais j'ai pas terminé. T'as préféré qui entre les deux? Ouais, au niveau de la drague. Toff! Ah ouais, quand même! Eh ben, je te laisse. Les femmes aiment qu'on leur parle vrai! Ah ouais, putain, vas-y, ça m'a dégueulasse! Ah bah je tiens à signaler à tous les mecs qui ont écouté ça, ne reproduisez pas ça chez vous, hein, c'est fait par des professionnels. Exactement. Ah bah alors vous êtes un salaud. Normalement, la photo a été envoyée. Très bien, Lucie. Bah écoute, dès que je la reçois, je te dis. Ça marche. Ça roule. Bon, attends, Salah. Oui. Mais ça l'a pas fait. Hein. Bah, ça l'a pas si, fait. Si, tu fais comme Toff maintenant, ça devrait marcher. Oui, oui, bah oui, oui. C'est, tu peux essayer. Vas-y, Salah, essaye pour voir. La Toff est dégueulasse. Ah oui, bah c'est, ouais, mais c'est vrai. Ce qu'elle aime pas. Dégueulasse. Oui, exactement. Oui. Bon, bon, bah écoute, Salah. Alors, si Lucie est d'accord, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ton numéro à Lucie. Elle te rappelle si elle veut. Non, ça l'appellera pas. Ouais, ça. T'es con. Ah bah alors vous êtes un salaud. Voilà. Bon, Salah, on fait comme ça. Je te repasse Sandro au standard, d'accord? Bah d'accord. Ça va. Allez, salut Salah. À la prochaine. Merci beaucoup. Hein. Allez, ta gueule. Oh là là. Je me bite. Bon, salut Salah. Allez, bonne soirée. Pour une, vas-y, c'est pour moi là. J'en ai plus là. Ah, il y en a plus. Très bien, bah, encore tant, une tant mieux. Bah, moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Et vous avez remarqué juste un truc. On vient d'étayer mes propos, ce que je dis souvent. Il est vulgaire, sale. Et ah, oh, c'est génial et tout. Et il a raison de faire en fait, de se foutre de la gueule de toutes ces meufs, parce que ce sont des. Pitoyable mais pas digne de pitié. Voilà, je vous remercie. Voilà. Non mais on a sauvé, vu là, j'ai été correct, propre, élégant, romantique. Oh, le romantisme ouais, polo, c'est toujours la grande classe. T'as pas joué de pipo. C'est, vrai, oui, c'est peut-être ça qui a fait que hein, c'est ouais. Il y a peut-être ça, des c'est raisons le pipo tout ça. De polo c'est une institution. C'est vrai, mais c'est oui, vrai. Mais les femmes oui, en mais demandent. Oui. Bon, il y a dans un instant Johan qui est intéressé par Éléonore. Ah Éléonore, tout n'est pas perdu. Oui. Eh, tout n'est pas perdu, Éléonore. Ah ouais, bah oui, oh là là, Johan dans l'un. Bah, c'est à côté, c'est la porte. Bah attends, ça va, Alain, ça va, c'est pas très loin non plus de Mons. Il se déplace, hein. Bah non. Mais il n'y a pas 1000 km, hein. Il a quoi, 200 à tout péter? Entre Bourg-en-Bresse, en Bourg-en-Bresse et Mons. Mais j'ai un problème de standard. Il y a au moins 800 km, hein. J'ai un problème de standard. Ah, c'est pas ah, ça marche plus. Bien. Alors attendez, vous voulez faire quoi? Bah je voulais changer de ligne, mais. Ouais, bah je peux, mais j'en ai plus que 5 là. Bon, alors je vous explique pour les professionnels. C'est-à-dire que l'ordinateur a complètement planté. Et vous voyez que la résolution. C'est-à-dire que quand on met une haute résolution, on a l'écran qui est entre guillemets plus grand. J'essaie d'expliquer facilement. Et bah là, c'est mis en résolution de merde. Donc c'est-à-dire qu'avant j'avais mes 10 lignes. Et bah là, j'en ai plus que 5. Et donc je ne vois plus rien. Donc c'est très pratique. Bon, alors ce qu'on va faire. En tout cas, je vois bien grand maintenant. C'est pratique. Hein. Lucie, reste avec nous. Alexandre qui est là, il va rester avec nous aussi. Johan, ça va Johan, t'es là? Oui, ça va et vous? Bah oui, tranquille. Toi, tu voulais draguer Éléonore, c'est ça? Bah, faire connaissance déjà, oui. Bah, déjà dans un premier temps. Bah, bouge pas de ouais. Là, Johan. On va revenir avec toi, avec Éléonore. Et puis, on va se faire un petit appel avec Toff. Hein? Allons-y. Et Top Twittos dans 10 minutes. Hein. Attention, hashtag et Mickaël. Continuez à mettre un maximum de messages. C'est parti, on y va depuis le début de l'émission. Et on appelle des gens pour savoir s'ils ont déjà fait des sextapes. C'est parti, on remet le couvert. Let's go. Si j'espère qu'on ne va pas les déranger. Hein. Non. Non, mais j'espère, vraiment. Comme il est un peu tard. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà filmé vos rapports sexuels avec votre mari. Vous êtes taré ou quoi? Bah, pas du tout, madame. Pourquoi vous dites ça? Ah non, mais il veut pas dire. Alors, c'est pas grave, on va rappeler. C'était monsieur ou madame? C'est madame, je pense. Ah, c'est madame, d'accord, ok. Bon, on rappelle. C'est parti. Allez. Allô? Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché, vous n'avez pas répondu à la question. Oui, est-ce que ça vous regarde? Bah oui, sinon je vous appellerai pas, madame. Bon, bah alors pourquoi vous m'emmerdez? Je vous raccroche au nez, c'est parce que je veux pas vous répondre. Bah oui, mais ça se fait pas, madame. Quand quelqu'un pose une question, on lui répond. Eh bah, moi je veux pas vous répondre. Bah c'est pas bien ça madame. Mais présentez-vous déjà en premier lieu. Bah je m'appelle Toff madame. Toff? Oui. Eh bah Toff. Oui. Eh bah vous êtes vraiment pas Toff. Au revoir. Oh putain. C'est oula. Une bande de merde. Ah là on est bien tombé là. Vas-y rappelle, rappelle. On va rappeler ouais. Je vais lui faire des blagues. Oh putain. Oh c'est dur ça hein. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon on va barder. Oui elle... Oui, oui, non, je voulais vous dire que votre vanne était nulle. Hein. Moi, j'en ai une bien meilleure. Est-ce que vous connaissez la vanne de la connaissez l'histoire de la chaise? Christophe. Non, c'est pas ça. L'histoire de la chaise, c'est qu'elle est pliante, la chaise. Ouais, d'accord. Ouais. Comme moi, je suis plié de rire. Ah, vous voyez qu'il était beaucoup plus drôle que la vôtre. Ouais, ouais. Ah, bah ça me fait plaisir que vous le reconnaissiez. Ouais. C'est gentil. Vous en voulez une autre, peut-être? Non, merci. Ah, vous êtes sûr? Oui. Parce que j'en ai une autre avec des vêtements, elle est encore plus énorme. Oui, bah, allez-y. Bah, hier soir, en fait, je racontais une blague à mes vêtements, et bah, vous savez quoi, ils s'étaient pliés. Ah bah ouais, heureusement. Parce que si j'ai été déplié, mon Dieu, qu'est-ce que ça devait être? Vous avez raison. Bon, ça y est, c'est fini. Je peux avoir la paix. Oui, je vais vous laisser. Mais, mais votre vanne était nulle. Ouais, la vôtre aussi. Ah non. Zut. J'aime bien le zut, zut. Bon allez, 1h53 sur Fun, c'est la nuit sans pub. C'est bientôt fini, on va récupérer Maëva, Lucie, Éléonore, Alexandre, Johan également. Et Sandro me fait signe que nous avons des gens sur la ligne 7. C'est très bien, mais je ne peux voir que les 5 premiers. Quoi? Donc tu te démerderas. Voilà, allez hop, c'est parti. On écoute Hardwell maintenant sur Fun Radio. DJ Fun évidemment, Hardwell avec Jumper. 1h53, plein de monde encore sur le Facebook, le Twitter. Ajoutez-moi Mikael underscore officiel si vous voulez m'ajouter sur le Twitter. Si vous me faites un, si vous me suivez, je vous suis également. Et puis bah les filles, les photos des filles également sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Jumper, le son de Hardwell à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez, 1h56, c'est la nuit sans pub. Je viens de mettre la photo de Lucie qu'on vient de recevoir. Et Lucie, on vient de recevoir la photo, c'est bon. Allez sur le Facebook, vous pouvez aller voir facebook.com/mikaelofficiel. Il y a aussi la photo d'Eléonore. Il y a Maëva qu'on n'arrive plus à joindre, ça a coupé. Bon, c'est pas très grave. Gros bisous à toi en tout cas, Maëva. Merci d'avoir été là toute la soirée. Ah, on l'a récupéré, bah très bien. Parfait, je me demandais si on allait la récupérer. Donc les photos de, des demoiselles célibataires ce soir sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Geek and Bob qui dit mais vous êtes taré ou quoi? Ben oui complètement. Samir qui dit Tof, j'aime beaucoup ta façon de parler des femmes. Attends c'est quoi? J'aime beaucoup ta façon de parler. Les femmes aiment ça lol. Oui tu parles. Tu sais pourquoi on appelle le vagin un enfer? Non. Non parce que ça sent ta bite. Voilà. Voilà. Bon il y a Tigash aussi 9-1 qui dit Eléonore je veux bien moi je... Si je peux me permettre c'est, en fait c'est parce que Satan la bite. Ah Satan la bite ouais. Bah oui c'était mal écrit ou... Ah non c'est moi qui ai mal lu, c'est moi qui suis con. Bon bah très bien. Eléonore qui dit je veux bien moi lol je suis de Paris. Elle veut pas d'un portugais des fois. Bah attends mais c'est les meilleurs évidemment qu'elle en veut. Et Lorine qui dit ou comment rigoler toute seule dans sa chambre dans le noir. Il y a Louis qui dit Polo essuie-toi dans ses cheveux. C'est très romantique. Jean-Michel qui dit Tof c'est un enfoiré. Olivier également. Mickaël président. Oui Mickaël président. Eh oui, président. Mais oui, merci Olivier. Le bœuf Ferré qui dit Fred, je vous écoute depuis un mois. Vous êtes tous cool et c'est vrai que Tof a une sale gueule. Et Pisson et les Fix qui dit trop délire avec vous, sérieux, c'est Jean-Jean du 50. Merci pour tous vos messages. Vous êtes nombreux, hein, j'ai malheureusement pas le temps de tous les lire. Il y a Mélanie qui m'avait envoyé aussi un message sur le sur mon mail là. Merci Mélanie. J'ai reçu aussi la photo de Stacy, de Caroline. Il y a Laurent qui nous avait envoyé un message aussi sur le mail sur mikaelfunradio.fr. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur le Twitter notamment à continuer à m'ajouter hein. Vous tapez M-I-K-L underscore, c'est la petite barre en bas, M-I-K-L underscore officiel. Et sur le Facebook là aussi vous m'ajoutez, vous tapez M-I-K-L officiel. Il y a Johan qui dit moi des sextapes, j'en ai une au Feria de Dax et je veux te dire que j'ai montré à tout le monde. Oui sauf à nous Johan, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien. Ouais, on aimerait voir ça. Et Victoria qui dit Mickaël, un message de bienvenue à ma meilleure amie Vanessa, c'est la première fois qu'elle vous écoute et elle vous adore déjà, mais nous aussi. Allez, petit message pour toi. Exactement, petit message pour toi Vanessa. Suce ma bite. Ah non, c'est pas celui que je voulais mettre, pardon, t'en prends moi. Vous êtes ma main dégueulasse. Ah bah oui, oui. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah voilà, c'est ça. Et aussi un message de bienvenue pour Maël, s'il te plaît, avec plaisir. Attends, où est-ce qu'il est celui-là, hop là. Où tu vas là, espèce de pervers. Mais oui, espèce de pervers. Bon, du coup, Tof, c'est qui dans la ligne 7, 8 et 9? Attends, 6, 7 et 8, pardon. Parce alors, que de mon côté, le standard a pété. Donc je ne vois plus que les 5 premières. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors donc 6ème, Sophia, 21 ans de Reims, célibataire. Mais il paraît qu'il faut prendre la 7 d'abord avec Gilou. Ah Gilou, il est un peu pressé. Salut Gilou. Gilou. Comment ça va Gilou? Ah très bien. Très bien, tu veux qui toi? Tu veux Maëva? Tu veux Lucie? Tu veux Léonore? Tu veux qui? Ou ah, Sophia? Non, Léonore. Tu veux Léonore? Ah non. Bah pourquoi? Ah j'ai une belle jeune, tu veux des seins moi. Quoi? Je veux une belle poitrine moi. Bah attends, une belle poitrine. 85C, t'es sérieux? Oui, sérieux. Non mais je dis elle a demande lui, demande-lui ça peut me faire un baiser à la coque. De quoi? S'il aime faire des yeux à la coque? Un baiser à la coque. Un baiser à la coque. Ah, Éléonore, est-ce que tu aimes un baiser non, à la coque? Non, pas Léonore. Bon, tu veux qui? Je veux Lucie. Tu veux Lucie? Très bien. Lucie a une plus petite poitrine qu'Éléonore, si je puis me permettre. Mais c'est bon, pas grave. Bon, ben, ça fait rien. Bon, bah, très bien. De l'instant, c'est une femme. C'est bon? Bon, bah, oui, bah, si tu veux. Éléonore avait 26 ans, Lucie en a 22. C'est pas grave. T'as quel âge, Gilou? J'en ai 45. Bah, c'est très bien. Bon, c'est alors, bien. C'est presque comme 22, hein. On est pas loin. Ouais, on est pas loin. Ça fait que la moitié. Bah, oui, c'est ça. Bon, ouais, Gilou. Ouais. Demande-lui un baiser à la coque, ça peut me le faire. Bah, demande-lui toi, elle est là, elle est au téléphone, là. Et c'est quoi? Lucie. Ouais, je t'écoute, ouais. Non, c'est lui, ça peut me faire un baiser à la coque, j'adore ça. Mais attends, mais on te la passe, on te la passe. Ah bon? Voilà, dis allô. Allô? Lucie? Allô, Lucie? Attends, on va la boire, on va la prendre. Oui, Lucie? Oui? Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon chou. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? C'est quoi, ça, mon gilou? Oh, comment tu écris coque? Comment je quoi? Comment que tu écris coque? C-O-K... Non, paca. Ah, paca. Non, C-O-C... Non. Mais je sais pas, alors, Gilou. Mais un coq. Ah, C-O-W? Au cul. Au cul. Oui. C-O-Q. Ah oui. Ah oui, tu veux que je te... J'ai pas compris. Non, ça va, tu es une femme? Ah oui. Est-ce que tu veux que je sois? Tu aimes les hommes? Ah oui, j'adore ça, surtout avec des grosses queues. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... La bestignole, là. J'ai un bel engin dans la main, là. Ah, il est bon, Gilou, là. Hein? Attends, bah vas-y, vas-y, Lucie, continue, vas-y. Hein. Décris-le-moi, ton engin. Oh, hey, tu prends ton clitoris, ta main gauche, là, et prends ton clitoris, on va jouer tous les deux la marelle. La marelle? Vas-y, tu vas voir. Comment est-ce qu'on joue à la marelle, mon Gilou? Hein? Comment est-ce qu'on joue à la marelle, mon Gilou? Tu sais pas jouer, je vais t'apprendre, moi. Hey, tu m'appelles en dehors de l'émission, hein. Et on va faire de belles choses. On va faire quoi, Gilou? On va faire l'amour, voyons. Tu sais faire la planche? Non, enfin, sauf si tu m'apprends. Ah, une occasion pour apprendre. Comment est-ce qu'on fait la planche, Gilou? Hein, ben, tu te mets sur le dos. Déjà. Bah oui, après hein. Bah oui, après, tu prends le manche en main et puis tu guides. Hein. Le manche. Bah oui, un beau manche comme moi, là. Sinon. Ah bah ouais, attends, parce qu'il y a Lucie qui veut savoir combien mesure le manche. Oui. Ouais, je vais pas prétendre, hein, je vais pas me gober, mais enfin, pas loin de 14, hein. Ah oui, c'est pas terrible. Ah oui, c'est un beau manche. Ah ouais. C'est un manchot, quoi. C'est... Ah ouais. Bon, attends, parce que on ça a Éléonore, un petit tournevis. Éléonore. Ah non, Éléonore. Attends, mais Éléonore qui est jalouse parce qu'elle aurait voulu avoir sa place et elle s'était fait faucher par Lucie, là. Putain, je suis désolé, Éléonore. C'est une femme ou un homme? Bah non, bah. Mais c'est... non, Éléonore, c'est une femme. Mais oui, je suis une femme, enfin, fait. Non, toi, t'es Lucie, toi. T'es Lucie, toi. Ah bah non, je prends Éléonore aussi. Ah, maintenant, il prend Éléonore aussi. Tu vois qu'il veut de moi aussi. Ah ben vous, allez, venez à deux, il y a à manger les gars. Ah très bien, attends, ah, je te repasse Éléonore. Oui, d'accord. Et moi, tu me ferais quoi, Gilou? Oh, je te ferais beaucoup de choses, ma chérie. Je te sucerais le sang et tout, tu verras. Je te ferais des gros bisous partout et tout. Des claques sur les fesses et tout. Oh oui, des claques, j'adore ça, Gilou. Oh, ouais. Claque-moi plus fort. Oh, ouais. Oh, je le vois déjà dans la bouche, là. Oh. Oh, arrête, tu me fais manger. Oh. Oh, tu aimes le sperme? Oh, quelle horreur. Oh, oui, j'adore hein? Ça. Où est-ce que tu me le mettrais, Gilou? Et prends un verre, tu vas le mettre dedans, tu vois. Faut faire ton café demain matin. Ah oui, ça va me sucrer. Je te jure, hein. Gilou, ça me fera des sucrètes, je penserai à toi. Gilou. Oh, ben exactement, oui. Gilou. Oui. C'est Maëva. Maëva. Comment on va? Je vais bien, et toi? Oh, la tu as une voix sexy, tu sais. Quelle est la couleur de tes yeux? Vert. Vert? Oui. Tu vois clair la nuit, alors? Je vois tout vert. Hein? Tout le temps. Vert, c'est comme la couleur de mon string, Gilou. Je vois vert tout le temps. Ah, c'est pas vrai. Si. Il n'y a pas de vert au cul, non? Non, je n'ai pas de vert au cul. Mais tu hein? peux venir vérifier, si tu veux. Ah ben, je peux bien, ben, c'est pour ben ça. Oui. Avec plaisir. Ah ouais, il me semble que ça sent d'ici, hein. Mais oui, ça sent la fille. Oh là là. Non, tu dois être belle. Ah oui, tellement belle. Tu fais l'amour combien de fois par jour? 10 fois, minimum. Combien? 10. Ah, oh, bah moi non, hein. Ah bon? Ouais, moi, quand je branle 3-4 fois, c'est tout, hein. Est-ce que tu bandes, là, ou matin, pas? Matin, midi, soir, et puis parfois la nuit, là, comme là, tout de suite, là. Est-ce que tu bandes, là? Là, tu vas faire 5 minutes, et puis ça va venir. Est-ce que ma voix te fait bander ou pas? Oh, moi, je bande comme un... C'est vrai? Comme un surf, là. Toujours. Comme un cerf, c'est un paysan, dans le Moyen-Âge. Est-ce que c'est bien dur, là? Oh, c'est pas, tu rigoles, il fait pas loin de 40 de diamètre. 40 de diamètre, c'est énorme. Millimètres. Oh, c'est génial. Ouais. Est-ce que c'est vraiment très très dur? Ah oui, je la sens très très, très dur. Elle a perdu 200 dentiers la dernière fois. Ah oui. Écoute, moi ça va parce qu'il me manque juste une dent, mais tout le reste est là. Ah ben ça fait rien, c'est oui, pas grave. Il n'y a pas de problème. Effectivement. Je mettrai une poupée autour pour pas que tu fasses du mal. D'accord, hein, d'accord. Merci Gilou, c'est super. Est-ce que tu sens... Tu peux m'appeler quand tu veux. Hein. Mais oui, oui, mais je garde ton numéro. Est-ce que tu sens ma main là? Oh ben bien sûr que oui. C'est vrai. Arrête, tu me fais mal. T'as comment pas ça, je te fais mal ongles. Mais oui, mais si, mais c'est non, normal. C'est un ongle qui me fait mal. C'est regarde. Vrai. Attends, attends, je coupe l'ongle. Ouais, ouais, coupe voilà. Ton ongle. Ça va mieux là? Sinon, tu mets des gants. Hein. Ça, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères Maëva, c'est-à-dire moi? Ou oh, tu préfères Lucie ou Éléonore? Oh, ben, moi, je préfère les deux. Tu veux qu'on vienne à trois? Moi, je veux des femmes, c'est tout. Mais oui, mais on est à toi, tu voilà. Sais, Gilou. Oh, c'est gentil, ça, oh, moi. Tu sais que tu as une voix excitante, ah, Gilou. Heureusement que j'en ai deux, comme ça, vous ah, aurez oui. Chacun la vôtre. Bah oui, oui, c'est ça, mais bien sûr. Tu as de quoi, mon Gilou? Oh Gilou, j'ai envie que tu me prennes violemment là tout de suite. Oh, si je pouvais te prendre, là, oui. Mais si, imagine, oh, tu me sens imagine. Bien, là. Oh, écoute. Oh, ah, oh. Oh, oh, vas-y mon Gilou, continue. Oh. Vas-y à fond, oh. Vas-y plus vite. Oh. Qu'on sort mon fusil, qu'on sort mon fusil. Continue Gilou, vas-y. C'est comme Léonore, y'a plus rien encore. Je suis à toi. Oh, oh oui, défonce-moi. Bon, tu me fais quand un baiser à la coque? Quand tu veux, mon loulou, t'as joui, oh. Là? T'en as mis partout sur tes doigts? Oh, c'est ta peau, t'as qu'à ouvrir la bouche. Ah, mais je vais l'ouvrir bien grand. Tu as déjà fini, j'ai même pas le temps de m'occuper de toi, Gilou. Oh. Il faudrait qu'on te rappelle un autre jour. Et donc, mais tu me rappelles si tu veux. Mais oui. Hein, même tout à l'heure. Oui, mais non, pas tout à l'heure, mais parce que je vais dormir. Mais demain, si tu veux, ou dans la semaine, je te rappelle. Et t'es tout seul dans la vie? Mais oui, je suis seule. Hein? Je suis toute seule, là, chez moi. Oh, et t'habites où? Mais je suis déjà dans mon lit. T'habites où? Et toi, tu habites où? Et moi? Oui. Et Ragné? Mais moi aussi. C'est pas vrai? Mais oui. Et où? Eh ben, pas loin. Du Jean Jaurès. Non, il n'y a pas de Jean Jaurès. Si, si, il y en a partout. Ah bah oui, mais sauf là. Ici, il y en a partout. À droite de l'église. Exactement, hein? Oui. Juste tout près de l'église. Une nouvelle rue. Non, l'église, là en bas, nous, elle est pas en haut. Oui, mais moi, justement, je suis là. Ouais. Voilà. Mais enfin, c'est pas grave, on va pas faire la géographie, hein. À côté de tas de fumier, là. Quand tu verras le tas de fumier, tu tournes à gauche. Ah, mais je tournerai à gauche au tas de fumier, d'accord. D'accord, okay. Hein. Pas de problème. Bon, Gilou. Oui. J'ai plus de crédit, ça va couper. Bon, d'accord. Je te rappelle. Je recharge demain. D'accord, c'est gentil. Je te fais des gros bisous. Oui, moi aussi, je te fais un gros bisou sur ta grande queue. Oh, sur ma belle queue, hein. Ah oui, enfin, 14, oh. T'emballes pas non plus, hein. Et tu me la rends, hein. Oui, oh là là, t'inquiète on va pas. Pas avec. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et sinon, faut que tu me laisses ton clitoris à la place. Oui, je te laisserai le oui, mon fistoril. Pas de problème. Oh. Au revoir, mon Gilou. Allez, salut, ma chérie, au revoir. Au revoir, mon Gilou. Salut, bye bye. Salut. Voilà, eh bah, très oh bien. Là, là. Maëva, Lucie, Éléonore, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous ai évité là. Ah, oh, la chance que vous avez là. Niable. Hein, parce que, c'est-à-dire que nous, parfois, on rigole en faisant ça. Tu sais, où on tape les mains, c'est pour faire style. L'autre, il se branlait vraiment live, hein. Et sur vos voix, les mecs, hein. Ah, oh, quelle horreur. Il y a Antoine qui dit aussi, arrêtez, je suis plié le ouf. Il y a Bégoumi, j'ai pris un fou rire, j'arrive plus à m'arrêter. Il y a Viva Madrid aussi qui dit, je vais me pisser dessus, sa mère. Il y a Koussouk, désolé, c'est turc, je sais pas si on prononce bien. Pété de rire, le Gilou, là, sérieux, les gars, vous gérez. Il y a Samir aussi, putain, le Gilou, je suis sûr qu'il se branle. Ah, bah oui, non, mais je confirme. Je suis sûr et certain. Il y a Maximus qui dit, lui, il est trop fort, le dentier plié. J'en pleure, putain. Ah, ouais, c'est une meuf à lui. Qu'il avait sucé, qu'il avait perdu son dentier sur sa bite. Et Stéphanie qui dit, tu aimes le sperme, prends un verre, tu vas le mettre dedans. Ah, il est assez fort, là je fais vomir. Oh là là. Nathan également, il est trop, tu aimes le sperme, il est trop fort le Gilou. Et Nathan qui dit, il est trop fort. Et tout le monde est resté coincé sur le tu aimes le sperme, c'est normal. Denis aussi qui dit, mort de rire, il joue bien son rôle, Toff. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais nous avons fait un duo là, un ouais. Grand oh duo oui. Là. Oh, on était de trop grand bien. Talent. Et Ludovic qui dit, il est en train de me tuer le Gilles, la mort de rire, l'apnée veloutée, mort de rire, un pervers le Gilou. Et même Zella qu'il y a, bah putain il est chaud le lapin là, c'est Lucie, il a de la chance, ah oui ça c'est clair. Bon, Maëva, Lucie et Léonore. Oui. Eh bien, bah oui. Déjà Maëva, je te souhaite une bonne soirée, je te fais moi des aussi. Gros bisous. Merci, je peux faire un petit dédicace? Allez, vas-y, oui. Donc je fais de gros bisous à Lisa, à Overdose et à Baptiste. Eh voilà. Ben nous on fait de gros bisous à Lisa également. Oui, sur ses deux tétons. Voilà, alors que les autres, on s'en bat les couilles. Ouais, mais on t'embrasse. Bon, salut à toi, Baeva, je t'embrasse, à bientôt. Au revoir. Salut, salut. Lucie. Bon, si jamais on trouve chaussures à ton pied, on peut toujours te présenter Gilou, hein, Lucie, hein, si tu veux. Lucie. Ah, t'es déjà parti. Non, Lucie, non, parce que comme je vois, elle a eu peur. Je vois le standard qu'à moitié, donc je ne sais pas exactement si les gens sont dedans ou pas. Non, et, normalement, elle est là. Mais... Éléonore. Oui. Bon, donc je disais, si on trouve quelqu'un, on transférera le numéro sans problème et avec plaisir, sauf si tu veux Gilou. Non, pas du tout. Ah, non, c'est dommage, parce que tu sais pas ce que tu rates, hein. Je n'en doute pas. 14 cm au taquet, c'est quand même bien. Hein. C'est gros, hein, c'est... Un bazooka, oui. Hein. Ah, complètement, complètement. Bon, bah tant pis, Éléonore. Bon, en tout cas, merci de passer, je te fais plein de gros bisous et tu reviens quand tu veux. Salut, salut, Éléonore, à bientôt. Bonne soirée. Et puis, il y avait également... Ah, attends, Éléonore. Oui. Il y a Johan qui est là de Bourg-en-Bresse, je suis con, il voulait te parler. Johan. Bon, allez, magne-toi, Johan, t'as 2 minutes. Ouais, et 700 km vous séparent à peu près. Ouais, 700 km, c'est pas grave, ça, aujourd'hui avec les TGV, tu vois bien. Allez, Johan. Ouais, c'est juste pour savoir si tu voulais qu'on fasse connaissance ou... Jamais poser une question comme ça, Johan. Oui, parce que si la meuf te répond non, t'es mort. Ouais, mais bon, tu n'auras plus. Non, t'appelles, non, mais tu lui parles. Non, lui. Tu lui parles, mais tu donnes jamais de. Tu poses jamais de questions où il y a une possibilité de répondre oui ou non. Parce que d'accord, si elle répond non, t'es mort. Ouais, bah, enfin, au moins, c'est franc que ça serait comme ça. Mais non, parce qu'elle te connaît pas, si elle va peut-être te répondre non simplement parce qu'elle. Parce que voilà, ou première impression, elle sera pas plus intéressée alors que t'es peut-être un mec bien, mais elle va peut-être répondre non comme ça. Alors, tu vois, si tu te mets dans une voie de garage, t'es mort. D'accord. Il y a déjà une très jolie voie. Ah, c'est déjà ça, Éléonore. C'est déjà ça, Johan. T'as vu? On sait jamais. Il suffit que tu la fasses rire et ce soir, tu. Non, bon, 700 km. Enfin, voilà. Fille qui rit, fille au lit, comme on dit. Hein. Ouais, c'est alors. Ça, ouais. Bon, alors vas-y. Suce ma bite. Oh non, t'as vu, t'es dégueulasse, Johan. Je peux pas laisser 30 secondes à l'antenne tout seul que directement tu dois être vulgaire. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah voilà. En toute simplicité. Vous êtes même un dégueulasse. Exactement. Bon, Johan, Éléonore est là. Oui. Vas-y, profites-en. Bon bah voilà, c'est... Bon bah, comment dire... Parfait, bah je pense que nous avons trouvé le meilleur dragueur de la Terre, là. Ah ouais, là c'est... Déjà moi qui suis un piètre dragueur, je pense que là j'ai trouvé mon maître. Non, mens-lui, fais-la rêver et flatte-la. Vous et êtes un imbécile. Oui, complètement. C'est vrai. Bon, vas-y Johan, dernier essai. Bon bah voilà, tu cherches quel genre de mec, enfin... Un grand, brun, yeux marron. Oh, ah, comme moi. Bien basé. Comme moi. Pas les yeux marrons. Bah si, j'ai les yeux verts. Hein? Bah oui. Mais t'es ouf, toi. Ils sont pas verts, mais ils craquaient. Ils... Ah, moi, je demanderais pas mieux. Oui, c'est vrai, je suis un brun aux yeux verts. Non, c'est marron. J'ai des reflets verts, c'est vrai, quand il y a du soleil. C'est vrai. Bon. Le stagiaire, j'ai des reflets verts ou pas? Oui. Ah. Exactement, oui. Voilà, très bien. Tu vois, lui, oui, il a raison. Exactement. Pas comme ce bouffon-là. Bah, moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon t'as la barbée. Voilà. Bon, alors, du coup, Johan. Oui. Eh ben, vas-y. Bah, je sais pas comment je suis timide. Je t'écoute, Johan. Oui. Bah, ça te dit qu'on parle par SMS? Ah, génial. T'as une meuf, tu peux lui parler, tu veux parler par SMS? Ouais, mais elle et moi, quoi, c'est tout. Bah non, et nous, on veut participer, hein, t'es sérieux? Ouais. Nous, on est pour le partage. Voilà. Demande-lui ce qu'elle fait, si tu peux la voir. S'il est plutôt sodomie ou missionnaire. Oh, merci, Toff. Oh là là. Bah alors, vous êtes un salaud. Vous êtes même un dégueulasse. Exactement, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je suis éducatrice spécialisée. Ah bah tu vois, c'est tout ce que j'ai besoin, Éléonore. Faut t'éduquer. Bah grave. Vas-y, demande-lui ce qu'elle aime. 26 ans. Quelle est sa passion, ouais. Sa passion, elles adorent parler de leur passion. Attends, t'as quel âge, toi? 18. Ah bah voilà. Hop là, terminé. Allez, roule ma poule, on y va. Allez, circuler là. Johan, Léonore, 18 ans, c'est bon ou c'est trop jeune? Je cherche un peu plus. 30, 29. Ah ouais, tu cherches 69. Un mec comme moi, quoi. Bien bâti, brun, les yeux bruns, brun vert. Exactement, avec une jolie voiture. Ah, non, là par contre, enfin, il faut voir, après ça dépend. Moi j'ai une voiture de gonzesse, mais Toff éventuellement, il a une Autolib. Ouais, le top du top. Tous les jours, il a une nouvelle. Ouais. Non, ça non, la nouvelle non, tu peux pas dire ça, je peux pas laisser dire ça. Une autre quoi, je veux dire. Ouais, une autre, oui, mais pas une nouvelle. Ouais, une autre. Bon, bah malheureusement, Johan, c'est. Bah, je peux après te donner le, ton numéro à Eleonore. Après, tu fais ta vie avec elle. Elle l'a déjà, je crois. Ah, elle l'a déjà ? Mais bah, vous voilà, avez pas perdu de temps. Appelez-vous. Bah, très bien. Bah, et donc, SMS. SMS. Bon, bah, salut Johan alors. Hein, merci d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Dédicace. Allez, vas-y en speed. Vas-y, vas-y. Bon, bah, une dédicace à Eleonore. Ah, bah, super. Oh, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Qu'est-ce qu'il est ringard. Ouais. À mes amis, à ma famille, à tout le monde, quoi. Très bien. Voilà. Eh ben, écoute, message passé, pas de problème. Salut Johan, à bientôt. Salut. Et Eleonore, bah merci à toi d'être passé, je te fais plein de bisous et puis à bientôt à Framerie. Enfin, bon, on passera pas demain, je te le dis direct, hein, mais à bientôt quoi. À bientôt. Salut, salut. Ciao Eleonore. Et apparemment nous avons quelqu'un sur la ligne 6 que je n'arrive pas à prendre. Sophia. Puisque de mon côté ça a planté. Sophia, eh ben voilà, Sophia, malheureusement nous n'avons pas pu trouver chaussures à ton pied. Dommage. Ah, c'est trop triste, Sophia. Ah oui, c'est très triste, mais c'est pas grave. La prochaine fois avec grand plaisir, Sophia. D'accord, bah ça va. Bon, je te fais plein de bisous. J'ai une question, je peux lancer le Twitter de mon beau-frère? De ton beau-frère? Bah tu peux le lancer très loin si tu veux, oui. Non, parce qu'en fait il me fait pitié avec ses 14 abonnés, donc... Ah oui, c'est vraiment un perdu lui. Hein. Bon alors, vas-y, vas-y. Voilà. Merci, il s'appelle Eman Callaghan. Vous êtes vraiment dégueulasse. Ouais. Oh, c'est sûrement à l'américaine, ah ouais, c'est pas mal. Callaghan. Vous êtes un imbécile. Exactement, d'ailleurs, demain je m'appellerai Brandon Callaghan. Voilà, c'est Brandon Callaghan No Limit. C'est pas mal. Tête de chien, ouais, moi je trouve c'est pas mal. Brandon Callaghan. Très bien. C'est classe Callaghan. Christa. Oui, bah, c'est très classe, oui, dans les années 80, c'était top. Bon, bah, merci à toi, en tout cas, je te fais des bisous. Eh ben, je te fais des gros bisous aussi. Merci et beaucoup. C'est gentil, gros bisous à toi, salut, salut. Et puis, bah, top tweetos maintenant, on n'est pas à la bourre là, hein, du tout. Hein, du non, tout va bien. Du tout, du tout. Alors, allez, top tweetos numéro 5. Alors, c'est Sai Haruka. Très bien, numéro 4. Storm Dreamer. Yeah, numéro 3. Alors c'est Didin, parce qu'il y a beaucoup de vie. D'accord, numéro 2. Rafa. Très bien, et enfin le numéro 1, quel est l'auditeur, le meilleur auditeur de la soirée? Let's... Non. Non. Quentin DR21. Ah, un nouveau en plus, très bien. Bah, bravo en tout cas à vous. Merci d'avoir été là, tout nombreux ce soir, hein, vraiment nombreux. Et surtout, vraiment chien. Parce que quand je vois le nombre de likes qui ont été faits là sur les photos des filles qui sont sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, vous êtes vraiment chien. Il y avait Maëva et Lisa qui sont encore dessus, évidemment. Ah, Maëva, je kiffe. Il y avait Léonore, il y a Lucie que je viens de mettre également. Hein, si vous voulez la voir, hein, n'hésitez pas, on a les numéros des fois que ça puisse intéresser. Il y a Diane qui dit Mickaël, veux-tu m'épouser? Ça dépend, quelle est ta situation? Hein, est-ce que tu es riche? Est-ce qu'on peut avoir une bonne dot? Hein, je sais pas, bah, moi. Pour payer le mariage surtout. Oh, ouais, voilà, bien sûr. Il y a Dédé qui dit le Gilou, un champion du monde. Il y a Julien qui dit un peu pervers sur les bords, le gars. Un peu, non, bah, pas ouais, du complètement, tout. Ouais. Et Rafa qui dit lui, il fait pas les choses à moitié, le grand-père. Il y a Quentin qui dit le gros pervers, c'est un fou, le Gilou, c'est Illyria. Quentin encore qui dit mort de rire, le vieux pervers. Et alors encore Mylène qui disait vous me tuez de rire, j'attends d'accoucher, ça déchire, je vous aime, je suis nouvelle ici. Bah, bienvenue Mylène, et puis bon courage hein, si t'accouches là. Et alors Anaël qui dit aussi vous êtes top, ça fait 3 mois que je vous écoute. Et je vais pas arrêter demain. Vous êtes ma radio préférée, Fun Radio. Merci Anaël, gros bisous. Désolé pour les messages que j'ai pas pu lire. Bah, je lirai probablement demain. Envoyez-le encore. Je vais répondre aussi à plein de gens qui m'ont envoyé des messages privés ce soir sur le Twitter, le Facebook et sur les mails. Merci d'avoir été là. Et puis générique de fin. Alors attention, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. C'est un gueule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ton oncle, t'es un enculé. Dormir, j'ai la journée. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Où tu vas là, espèce de pervers. Vous êtes même un dégueulasse. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah alors vous êtes un salaud. Espèce d'enculé. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah alors vous êtes un salaud. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Où des vitaux te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé. Et toi t'es un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés. Tu te m'habites? Eh bah, ouais, il a été viré hein. Voilà, elle était terminée, virée, finito. Oh la pauvre. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est ça les affaires. Bon, bah merci d'avoir été là, on se retrouve demain en pleine forme dès 23h sur Fun Radio. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h, nos limites. Allez vous faire foutre. Mickaël sur Fun Radio. Ouais, et il y a JB qui va débarquer là. En pleine forme, JB. En pleine forme. Qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qu'il est beau, JB. Tu veux qu'on te passe Gilou? Ah, je veux bien, il m'excite un peu. Ah, t'as vu toi aussi hein. C'est pas mal hein. J'adore. Je savais bien que ce mec était bizarre. Mais oui, il est complètement bizarre d'ailleurs. Mais si tu veux, j'en ai plein comme ça. On devra te présenter aussi à l'occasion. Moi, j'aime bien Éléonore quand même. Ah, ouais c'est vrai. Ouais. Sinon, j'ai Philippe. J'ai besoin de me faire bourrer. Hein. Non, c'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. Oh my god. Mais ça veut dire quoi cette connerie? Ben c'est JB qui va débarquer là. La branlette c'est sûr. Voilà, exactement. Et d'ailleurs il a un truc super bien qu'il peut te conseiller parce que JB il adore faire ça. Les 10 doigts d'achat et tu sens ton cul. Voilà, tu vois, ah, vraiment grande classe quoi, exactement. Ouais. Exactement. Bon, et ben JB dans quelques minutes là, en pleine forme. Ah bah même maintenant hein. Dans quelques minutes, on va aller dire. Bah oui, le temps de parler, le temps de dire, ouais. Le temps de le de temps t'aimer, de t'aimer, quoi. Le temps d'écouter Bruno qui est là. Et ah Bruno ouais. Est là. Bah oui. La France. J'aurai des cadeaux ce matin. Ah ouais, très bien. Il y a Florian qui dit qu'il y a Mickaël, j'aimerais bien un message de bienvenue, s'il te plaît. Je vous écoute depuis une semaine, vous êtes géniaux. Bah c'est gentil. Bah tu veux un message de bienvenue. Alors attends. Vous êtes même un dégueulasse. Exactement. Ah, il marche pas celui-là. Ah non, c'est normal. Alors attendez, hop. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah, voilà, en toute simplicité, effectivement. Bon, et Unpocalyptique qui dit aussi. Non, Unpologetic qui dit ce soir, première fois que j'écoute Mickaël sur Fun Radio. C'est parti, bonne soirée en vue. Ah oui, ça c'était un message qui est arrivé en début d'émission. Désolé, ah, et comme quoi il y avait beaucoup de messages, je suis un peu à la traîne. Bon, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Rencard demain, juste après Love in Fun, à partir de 23h, on sera de retour en direct. Avec demain le jeu de la rupture qui sera en retour. Eh oui, le jeu balai de la rupture. Chiottes sera retour. Oui. Exactement aussi. Et on aura d'ailleurs des packs mémoire 110 qui à vous offrir demain dès 23h. Et évidemment toujours les Nintendo 3DS XL. Bon allez hop, c'est parti avec JB jusqu'à 6h du mat. On commence avec quoi? Eh ben on commence avec Guns N' Roses. Ah, mon dieu, qu'est-ce que je dois faire? Le sous-chef va râler. Bon non mais qu'est-ce que tu veux mettre? Bah Fede Le Grand si tu veux. Ou Ellie Goulding comme tu veux. Ellie Goulding dis donc. Et attends, on dirait que c'est toi qui as choisi la prog alors qu'en fait tout est écrit. Non, non, pas du tout. Non, ah, mais moi il m'a comment dit que je sens pas les couilles. Je mets tous mes tubes préférés. Il d'accord, ok. Donc tu fais comme tu veux, t'emmerdes le sous-chef et le sous-sous-chef, c'est ça que t'essaies de dire. Et tous les autres au-dessus encore, ils les emmerdent. Ah là là, pas au-dessus. Non, non, pas au-dessus. On respecte ouais. Son Altesse. Oui, non, s'il non. Te plaît. On pisse en dessous, mais pas au-dessus. Donc. Non, on va pas, oui. Non. Bon, et si on mettait Katy Perry parce que c'est mon ex. Ah oui, c'est vrai. Hein. Okay, mais tu France. Mens. Comment ça je mens? T'as pas vu Bruno? Un matin, on en a parlé avec Bruno. Il m'a dit que t'étais capable de mentir sur ce sujet. Mais je mens pas, j'ai la photo, je l'ai mis sur le Facebook là, non, il y a mais, quelques semaines. Attends, moi aussi j'ai une photo avec Miss France, je l'ai dans mes bras. Non, c'est pas vrai ça. Ça veut ça, pas dire vrai. Qu'elle m'a. Ça, c'est pas ouais, vrai. Mais tu ça. La galoches? Ouais, voilà. La France. Regarde. Ouais, mais il y a une photo, tu la galoches? Ah non, j'étais sur TF1 quand. Ah. Non, mais pourquoi pas? Moi j'y crois, enfin. À 40%. Mais Bruno il est à 5. Donc tu vois. Ouais mais Bruno j'en ai rien à foutre. C'est qui Bruno? Ouais hein mais Bruno c'est parce qu'il est jaloux. Il voulait se la serrer à l'époque. Non, mais moi j'arrête de le critiquer parce qu'après il prend les passages et il les balance à 6h. Ah oui c'est bizarre effectivement. Ouais. Bruno je t'aime. Bon allez 2h23 on va y aller parce que là il y a le sous-chef qui a Lucas à les couilles demain. Ouais. Qu'on embrasse bien entendu Lucas bien si nous entend. Bien sûr. Bonne, aussi. Voilà. Ouais mais lui non. Lui moi en général. Ah non moi je l'aime bien. Voilà. Non je dis que nous casser moins les pions. Ah ouais. Enfin non. Mais de toute façon, si on a débordé, alors je tiens à dire au sous-chef alias Lucas que si on a débordé, c'est JB. Parce que JB est arrivé en retard. Évidemment. Et qu'on a meublé, comme on pouvait. Non, arrêtez le pauvre. Voilà, c'est pas j'ai vrai. Foutu la merde. À demain. Hein. À depuis. Oh putain, plus jamais tu fais ça. Plus jamais. Si, demain. Non, plus jamais. Plus jamais. C'est terminé ces conneries là. Les doigts d'achat et tu sens ton cul. You're giving me sweet, sweet